fini pour ce soir. Merci encore pour cette soirée. On est là tous les soirs du lundi au jeudi, 20h, 23h. On va retrouver Mickaël No Limites. Yes. Salut Mickaël. Ah, il est là. Salut, il est là. Oui. Évidemment, je t'ai inquiet, j'ai pas vu le doc aujourd'hui à la cantine. Si, il était là, il arrive de plus en plus tard le doc. Hein. Ah, non, d'accord. Ça dépend, mais ah, il pas toujours. Ah, et puis tu sais qu'il s'est défilé par un bras de fer ce soir le doc. Non. Je te jure. Non, mais parce que j'ai pas envie de l'humilier, si tu veux. Ah oui, non. Oh, non, mais il a raison. C'est normal. Ça déconne, doc. Il a raison, c'est normal. Je mets 10 euros sur le doc. Moi, je mets 20 euros sur le doc. Moi, je mets 30 euros sur le doc. Allez tous vous faire foutre. Voilà. Eh ben écoute, on va le faire. Ce truc alors, hein. Je vais gagner plein de thunes moi. Ouais, très bien, et donc je tiens à signaler également que par solidarité envers Karima, nous ferons l'émission comme ça. Merci. On se bouche le nez tout au long de la soirée. Salut. Par solidarité. Merci. Avec plaisir, écoute. Je me sens solidaire. Si on prend le service, tu sais bien, il n'y a pas de problème. Merci Mickaël. Je t'en prie, et bon anniversaire aussi hein, à Monsieur Blanc. Bon anniversaire. Merci. Monsieur Blanc, celui qui Blanc. Fait des erreurs quand il est à la table de mixage, c'est ce que je veux dire. Mais quoi, ça fait longtemps là. Mais non, il a ses moufles maintenant. Ah oui, très bien, c'est parfait comme ça, très bien. Bon, bah, bonne soirée à vous et on se voit demain. Gros bisous à demain. Et nous on est parti jusqu'à 2h du mat. Oui, je me lève tic aussi. 23h, 2h. Mickaël, No Limites sur Fun Radio. Exact, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, comment ça se passe pour vous ce soir? Est-ce que la neige est déjà arrivée chez vous? Voilà, venez nous en parler. 01 42 48 5000 02 851 4x0 pour la Belgique. Alors j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de neige qui tombait à Clermont-Ferrand, à Saint-Etienne, à Lyon, même à Bruxelles également. Bon alors ça tient pas à Bruxelles, hein, je vous le dis directement. Mais c'est déjà arrivé. Voilà, alors à Paris rien, a priori. Je propose qu'on ait une petite pensée pour tous ceux qui ne peuvent pas nous écouter ce soir, puisqu'ils n'ont plus d'électricité. Parce qu'apparemment, il y a des problèmes de coupure d'électricité, il y a même un émetteur qui est tombé, enfin une antenne, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais. On est qu'au mois de novembre, hein. Oui. Que va-t-il se passer en plein février? On verra. Venez nous en parler en tout cas, n'hésitez pas. Puis quoi qu'il arrive, on va vous tenir au chaud hein, jusqu'à 2h, il n'y a aucun problème. Moi c'est Mickaël, l'émission c'est Mickaël No Limites. Et puis on est sur Fun Radio du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat. Et puis le dimanche de 20h à minuit pour passer à l'antenne. Et bien vous faites tout simplement comme promis 01 42 48 5000. C'est le numéro du standard de Fun avec Sandro et Dexter le stagiaire qui décroche. Et puis pour la Belgique 02 851 4x0. Vous composez le numéro et vous atterrirez ici comme Greg qui est avec nous. Bonsoir Greg. Salut l'équipe, ça va? Comment ça va et toi? Bah ça va nickel. Bon, tant mieux. Est-ce que tu étais avec nous hier en fin d'émission, dis-moi? T'as raté le nouveau single de Jean-Pierre Sauzère. Non. Mais si mec. Jean-Pierre in Wonderland. Parce qu'il a du mal à dire Wonder hein, donc c'est in Wonderland. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a terminé l'émission avec ça parce que c'était exceptionnel. Alors écoutez, c'est ça. Alors attention Greg. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me des antennes. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles, le grand méchant bleu blanc veut me conquérir la merveille. Attention, c'est du très très lourd le nouveau single de Jean-Pierre Sauzère. Hein. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier soir, eh ben restez là si vous voulez, on vous le remettra tout à l'heure avant 2h du mat. Il a cartonné, hein. On a mis son lien sur le Facebook, comme il dit. Il a cartonné, hein. il a bien cartonné. Donc si vous voulez le réécouter, il a un mispass également et vous trouverez le son à télécharger sur iTunes. Ouais. Prochainement. D'ici, il a pas dit quand exactement, mais il a dit prochainement. Voilà, donc rassurez-vous, tout est disponible, hein, notamment sur iPhone également. Normalement vous allez pouvoir le télécharger pour l'écouter sur votre téléphone sans problème. Donc voilà la bonne nouvelle, exactement. Bon ben voilà, t'as entendu Greg, c'est du lourd. Ah ouais, hein. Vraiment j'ai kiffé. Oh là, ah bah attends, c'est énormissime là, je suis Jean-Pierre, là. C'est exceptionnel. Bon on va parler de quoi avec toi Greg, t'as passé une bonne journée déjà? Très bonne journée, chômage hein. Ouais, donc tranquille quoi, ça va, t'es à la bière là, non? Ouais, c'est sûr, toujours. Bon, tu cherches en quoi, tant que t'es là? Passe une annonce. Ah, ben, je cherche pas, moi, je suis bien. Ouais, c'est ça, pas d'annonce. Pas d'annonce. J'ai encore un an et demi à tirer. C'est voilà, ça. Laissez-moi au chômage, je suis bien. Mais oui, mais c'est ça, tu pars en vacances, tout ça, tranquille quoi. Au moins passer l'hiver quoi. De quoi on va parler, Greg, avec toi, dis-moi. C'est une histoire qui m'est arrivée avec deux copines que je sortais en même temps et ça s'est mal fini pour moi. Ah, ça s'est mal fini, très bien. Bon, bah alors bouge pas de là. Comment va Sandro également ce soir? Ah, ça va. Bon, est-ce qu'il y a un truc radical qui te dégoûte chez un mec? Un seul. Ouais, un seul. Choisir. Ah ouais, ouais, ouais. Choisis parmi tout ce qui te dégoûte. Allez, choisis, choisis. Les beaux parleurs. Les beaux parleurs, t'aimes et pas. Et les mythos, et puis les mecs qui savent pas aussi. Non, non, non, un seul, on a dit. Donc, à retenir, tu prends les beaux parleurs. Ouais, j'aime pas les beaux parleurs. Et hein. Les d'accord. Mecs qui se grattent le nez sans arrêt, ça te dérange pas? Pourquoi tu regardes Top? Non, jamais. Okay, ah non, mais parce que Top, il adore décrocher les cadres. Qui a dans le qui a dans le qui a, qui a mais, dans le alors, nez. Je tiens à réexpliquer ça. Je déteste avoir le nez, avoir des trucs dans le nez, et donc je les enlève. D'accord. Prends un mouchoir comme tout le monde. Oui, moi aussi. Prends un mouchoir. Bon, et donc dites-nous si il y a des trucs comme ça que vous détestez chez les mecs, mesdemoiselles. 01 42 48 5000 02 851 4x0. On va en parler. Toi va bien aussi, en pleine mais forme. Écoute, je vais très bien. Toi t'es pas difficile. Il y a rien qui te dégoûte chez les filles. À part les poils, non. Non, à part les poils, très bien. Bon, écoute, c'est déjà ça. Hein. Bon, et puis on va saluer également les amis. Hein. Cet enculé qui fait me faire chier. Bah, c'est off, hein, tous les soirs. Votre grand-mère, elle suce des nains. Oui, probablement, oui. Elle est enculée, ça. Voilà, donc tous ces nouveaux amis qui sont là, évidemment, tous les soirs. N'hésitez pas à nous rejoindre, bien sûr, et à prévenir vos potes qu'on est là sur Fun Radio tous les soirs, de 23h à 2h du mat, bien entendu. Et puis, on a Polo, bien entendu, aussi. Yo. Avec le pipeau, comme d'hab. Et Polo qui est très emmerdé également puisqu'il a eu deux places pour le Starfloor et qu'il la meuf avec qui il a proposé Colin lui a fait faux bon et donc du coup il cherche toujours une fille pour l'accompagner. Ouais, j'ai été bras dessus. Alors j'ai reçu la fille. Non, ouais, non mais Greg non il cherche une vraie fille. J'ai été menacé par un type qui il y a un mec qui m'a envoyé un mail, il me menace. Est-ce qu'il ressemblait à de la rue? Non. Parce que sinon il y en a beaucoup qui le recherchent. Non, c'est pas lui, ah, c'est pas lui, d'accord. Non, non, c'est un mec qui m'a dit ouais, ramène-moi le son, je te défonce la gueule. Au pire, je mettrai une perruque et tout. Donc voilà, donc bon bah Polo POLO @radio.fr, il y a une place si vous voulez y aller avec Polo, n'hésitez pas, la place est disponible. Ouais. Et puis envoyez des bien photos, hein, ça passe. Ouais, ouais, ouais, bah bien sûr, évidemment. Crème. Bon, et venez nous dire aussi ce qui peut vous bloquer chez un mec ou chez une meuf justement, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Moi ce qui m'énerve ce qui peut me bloquer moi c'est les mains. Les mains. Par exemple, ouais, si les mains sont dégueulasses ou les ongles pas entretenus, etc., ça peut me bloquer. Mais franchement, moi, je peux directement m'arrêter. Hein. Ou les accents. Il y a des accents comme ça qui passent pas ou des expressions. Ouais, je suis complètement barré. Vous inquiétez pas. Mais voilà, il y a des trucs comme ça sur lesquels ça peut me bloquer. Et toi, Greg, il y a un truc que tu détestes chez une meuf? Enfin, un principe ou un truc, tu vois, que t'aimes pas en particulier chez une meuf? Ah, surtout quand je vois qu'elle a plus de poils sur les bras que moi. Alors là, je peux pas. Ah ouais, il y a des poils sur les bras. Les ouais. poils, ça. Bon, bah dites-nous. Il y a rien des trucs, ouais, des trucs radicaux comme ça qui vous dégoûtent chez les mecs ou chez les meufs. Bah vous nous appelez, n'hésitez pas. On va également se faire la colle avec Quentin qui est avec nous là. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Bah écoute, tant mieux, Quentin. Sois le bienvenu. Alors, t'appelles de Fauville-en-Co, c'est ça? Oui. Bah, oui. Ça m'a l'air charmant comme endroit. Bah oui. Ouais. Tu te fais un peu chier ou il y a quand même de quoi faire? Bon, ça va. Il y a encore. C'est potable, on va dire. C'est potable. Bon, bah alors c'est si c'est potable, mal. Tout va bien. Bon, tu vas jouer pour gagner un PC portable, Quentin. Vas-y, fais péter la colle. Je suis superficiel, mais je ne peux être lourd. Mais je ne peux ou je peux? Non, je peux. Ah, je peux. Lourd. Bon, alors je suis superficiel, mais je peux être lourd. Qui suis-je, c'est ça? Polo. Ah, Polo, ouais, mais lui, non, mais il est pas superficiel, lui, il est vraiment lourd. Ouais, il est vraiment lourd, quoi. C'est pas en période, c'est ouais, ouais. Il est pour l'instant, il est en période lourde. Oh, il a ses règles. Il a ses règles, mais ouais, il a ses règles. Ça dure ouais, 4 mois, quoi. Ah, bah, complètement, ouais. Tu sais, c'est un peu comme chez les animaux, tu vois. Chez l'éléphant, pour mettre bas, ça met des années, quoi, tu vois. Ça va juste pareil. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, espace votre réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique pour gagner votre PC portable. Et donc, il faut répondre à la colle de Quentin. Je suis superficiel, mais je peux être lourd. Qui suis-je? Je vous souhaite bonne chance. On donne la réponse avant minuit 30. Et vous pouvez aussi vous inscrire si vous voulez sur le Facebook et lire également la colle, hein, si vous êtes peut-être plus facile. Facebook.com/Mikael officiel. Il y a Ludwig aussi qui dit l'accent québécois c'est horrible. Ouais, alors ça peut bloquer effectivement. Il y a Alexis aussi sur le Twitter. Moi ce qui me bloque c'est les dents ou si elles fument. Ah ouais, je déteste ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi là? Il y a Camille à 3. Ah ouais, il y a eu de la neige à 3 apparemment. Et Megumi. Bonsoir mes cochons, à la beauté. Sandro, mon petit joueur de pipo polo, le pervers Toff et mon petit chou Mikael. Merci Megumi. Gumi, bienvenue à toi. Et Angelina, moi je déteste que les mecs soient timides, soient plus timides que moi, j'imagine qu'elle a voulu dire. Et Léa qui dit mort de rire, Toff et Polo et toute une histoire. Et Joss également qui dit j'ai pas fait mes devoirs, je suis arrivé, j'ai dormi et go Fun Radio en espérant qu'il neige demain. Ah oui, comme ça tu vas être tranquille. Hein. Ah bah non, mais il n'y a pas de bus. Ah là là, bah ça roule pas, hein, ça roule ah pas, bah, là ça là, roule trop pas. De neige. Exactement, ça roule pas, il y a trop de neige. Bon bah allez-y, continue à balancer vos messages. Est-ce est-ce qu'il a neigé ou pas, est-ce que ça a tenu ou pas, est-ce que ça a foutu le bordel ou pas, et qu'est-ce qui vous répugne chez une fille ou chez un garçon en premier plan, qu'est-ce que vous regardez qui peut vous faire faire demi-tour par exemple. Voilà, donc vous nous appelez 01 42 48 5000 02 851 4x0. Ce soir également on va jouer à ce grand jeu qu'est le... Je t'emmerde. Oui, mais pourquoi ça marche pas? Je t'emmerde. Attends, je réessaye. Je t'emmerde. Ah voilà. Je t'emmerde. Oui. Et je t'emmerde. Voilà, donc si vous voulez jouer avec nous, il y a un écran plat Full HD à gagner, 32 pouces. Et il y a un auditeur qui disait: ouais, si vous croyez que vous allez gagner un écran plat juste en disant je t'emmerde, vous rêvez. Bah ça tombe bien, mais ne joue pas, laisse la place aux autres. On fera le jeu dans une dizaine de minutes. Donc si vous voulez jouer avec nous, bah là aussi appelez Sandro. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique pour jouer avec nous, gagner votre écran plat. Et donc le principe du je t'emmerde, c'est simple, hein, on appelle des gens au hasard. Vous êtes deux auditeurs à l'antenne et vous vous affrontez. On appelle des gens au hasard, faut placer un maximum de je t'emmerde dans une phrase, et avant que le gars qu'on appelle ne raccroche, si vous avez placé plus de je t'emmerde que votre concurrence, c'est vous qui repartirez ce soir avec votre écran plat. Il y a Aurélien sur le Facebook qui dit: tout d'abord un grand bravo à l'équipe car je vous écoute depuis le début, depuis quelques temps, et je me marre vraiment. Merci Aurélien. Et Denis aussi, bonsoir l'équipe, un peu de neige dans le 87. Et Loïc également là, qui a envoyé un message qui dit: allez, c'est parti pour une soirée de dingue avec Mickaël, Toff et toute l'équipe, big up à tout le monde. Et bah big up à tout le monde également, tous ceux qui nous rejoignent là ce soir. On va s'écouter du son également avec le son de Dubs. Dubs avec Tsunami. Et je vous calerai aussi Fédé Legrand, la reprise de Prodigy et No Good. Et bien sûr aussi celui qui sera avec nous au Starfloor. Starfloor, ce sera samedi soir 20h sur Fun Radio en direct. Et en direct de Bercy également à Paris, évidemment, hein, Red Fou, Let's Get Ridiculous sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous êtes débarqués. On va prendre Marion également là, qui est avec nous là. Bonsoir Marion. Bonsoir. Comment ça va? Salut. Ça va et vous? Bon, c'est quoi ton son préféré, Dobbs, Fédé Legrand ou Red Fou là, écoutez, avant minuit? Mon son préféré? Ouais. En ce moment, c'est Vips Cartel. Donc pas Red Fou, Fédé Legrand ou Dubs. C'est même si je te propose 3, mais t'en proposes un 4ème, donc c'est bien. Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas Marion, on fera mieux la prochaine fois, c'est pas grave. J'entends mal en fait. Ah, t'entends mal, pourtant on parle fort. Monte le sonotone. Ouais, monte le sonotone, mémé. Bon, Marion, 18 ans, Seine-et-Marne, tu vas réagir par rapport à Greg au niveau des anecdotes. Ah non, pardon, je suis con, là. Tu voulais réagir par rapport au mec qui te répugnait. Oui, voilà. Ah, très bien, bah, alors bouge pas, on va en parler dans quelques minutes. On va récupérer Greg également, et puis on va s'écouter le son de Tsunami maintenant sur Fun Radio. Car oui, nous sommes au cœur du Nord sans pub. Ah, oh, c'est bon ça. Oui, c'est la bonne nouvelle, on est tranquille, on est pépère jusqu'à 23h45. On mettra un tout petit peu de pub, 30 secondes, et puis on sera tranquille la nuit sans pub sur Fun Radio. Ce sera jusqu'à 2h du mat. Bienvenue tout le monde. Au cœur du Nord sans pub sur Fun Radio, le son de Dubs, c'était Tsunami. Et ouais, on est tranquille, pas de pub sur Fun Radio. Rejoignez-nous également hein, si vous voulez sur Twitter, hein, si vous n'êtes pas encore sur la page là, sur le Twitter de l'émission. Vous tapez MIKL underscore officiel, underscore, c'est le petit tiré en bas. MIKL underscore officiel pour nous rejoindre sur le Twitter de l'émission. Et puis bah si vous me suivez, bah je vous suivrai également à mon tour sans problème. Il y a également Jenny qui dit: on peut avoir la chanson de Jean-Pierre s'il vous plaît. Ah oui, la chanson de Jean-Pierre Sauzet, on l'a eu hier en direct. Il nous l'a présenté en direct, sa chanson. Si vous n'étiez pas avec nous, c'était ça. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc veut me croquer ma merveille. Peut-être qu'on le remettra tout à l'heure le morceau de Jean-Pierre Sauzère là avec Jean-Pierre in Wonderland. Voilà, c'est comme ça qu'il le dit lui-même. Hein. J'ai rien inventé. Donc si vous voulez l'écouter, hashtag et Mickaël, allez-y à Max hein, pour réécouter la chanson, le nouveau single de Jean-Pierre Sauzère. Il y a Charlet aussi qui dit: votre radio est vraiment géniale, ce serait bien si vous pouviez passer en Auvergne. Ben, on passera peut-être, hein, y a pas de souci. Hein, normalement ce sera. Alors a priori, il faut qu'on vérifie encore, ben, ça tombe bien parce qu'il y a le Montpellier hein, qui vient d'envoyer un message. On devrait faire l'émission en direct de Montpellier la prochaine fois qu'on se déplace début décembre. Bah, allons-y. Bah écoute, allons-y. Effectivement. Allons-y, c'est la ville où on picole le plus en France. Pareil, bah tant mieux. Bah voilà, les Montpelliérains qui dit moi à Bourgoin-Jallieu, pas de bus car 56 cm de neige. Ah, bon, pas de collège, ça sent la nuit blanche. Oula. Ah oui, c'est bien tombé alors. Kevin qui dit les filles. qui sont maquillés comme des pots de peinture, c'est dégueulasse. Ah oui, je vous ai demandé ce qui vous répugnait chez les garçons et les filles. En premier, quand vous, vous avez rendez-vous avec une meuf par exemple ou avec un mec, qu'est-ce que vous regardez en premier et qu'est-ce qui peut faire obstacle total, voilà. Les ongles aussi, les ongles. Bah ouais, ce que je disais tout à l'heure, les mains, les ongles, non, ça non, peut mais mal pas, passer. Pas juste si elles sont montées, si elles se rongent les ongles, quoi, c'est celles qui ont de la crasse en dessous. Ouais, quoi. La crasse, ouais, pas entretenue quoi. Ah. Pas entretenue ou rongée, ouais. Ah. Et Stanislas qui dit les filles qui crachent et qui parlent comme des bonhommes. Il y a Romain qui dit il a trop neigé chez moi à Liège. Ah, donc à Liège aussi il a neigé, je crois qu'il a neigé qu'à Bruxelles. Il y a Léa également qui dit le singe, le single de Jean-Pierre mort de rire, Itunes. Oui, bah c'est ce qu'il dit. Hein. Logan qui dit c'est parti, à Charleroi ça tombe mais ça tient pas. Oui, ça c'est apparemment généralisé en Belgique. Et puis bah apparemment dans le sud de la France pour le coup c'est bien tombé. Hein. Montpellier, Clermont-Ferrand, Lyon, c'est les Stéphanois aussi, ils ont pris bien cher. À Reims, il n'y a rien du tout, c'est Baptiste. Oh, il y a le champagne à Reims, t'inquiète. Et Angélique qui dit gros problème, je peux plus vous écouter, mes parents m'enlèvent le phone le soir. Donc plus de radio, c'est la déprime. Oh putain, elle est relou. Et Patricia aussi qui dit et non, pas de neige à Clermont-Ferrand. Ah bon, bah c'est marrant, j'ai vu ça aux infos. Ah, je sais pas. Ah oui, je l'ai vu aux infos qu'il y avait de la neige à Clermont-Ferrand et tu me dis qu'il n'y en a pas eu, toi. Est-ce que t'as bien regardé chez toi dehors ouais. Ou est-ce que les mecs aux infos seront trompés? Alors ça, c'est possible aussi. Bon, allez, venez nous parler, appelez-nous 01 42 48 5000, 02 851 4x0. On devait avoir Sophie, souvenez-vous, hier. On avait eu Sophie hier. Ah oui, Sophie, qui était très bonne. Une heure du mat, qui était très mignonne accessoirement, mais qui voulait surtout récupérer son ex. On avait essayé de l'appeler, ça n'avait pas décroché. Et bah, je lui avais dit qu'on l'appellerait ce soir vers 23h, mais malheureusement, on n'arrive pas à la joindre. Non, elle répond pas pour l'instant. Ce qui est bien dommage. Donc on essaiera de l'appeler d'ici quelques minutes du coup. Hein. Et puis on va prendre Greg, alors, qui va enfin nous parler des problèmes, enfin de l'anecdote dont il voulait nous parler au début d'émission. Alors t'es là, Greg ? Je suis là. Bon, très bien. Alors quelle anecdote, toi, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça ? Donc alors moi, à l'époque, ça va faire 4 mois. Ouais. Sortais avec deux filles en même temps, tu vois, déjà ça c'est pas trop. Oui, déjà c'est pas très... ça, oui, mais on s'accommode vite, tu sais. C'est voilà. Pas honnête, mais bon, vas-y, ouais. Et le truc, c'est que pour aller voir une de mes copines, pour dire à l'autre comme quoi j'étais pas là ce week-end, je lui avais dit, ouais, mon grand-père s'est fait cambrioler, je dois rester avec lui. Ouais, ouais. C'est normal. Ouais, ouais, bah quelle excuse de merde, surtout. Et j'ai fait j'en ai trouvé des pires. Ouais, je m'étonne pas. Voilà. J'ai fait pareil le week-end prochain, mais pour l'autre. Ouais, mais ça c'est pas mal, c'est pas mal de... Voilà, mais c'est pas ça le problème, c'est que le problème c'est que les deux connaissaient mes grands-parents et un peu ma famille. Ah, oui, ah ouais, mais il faut pas, mais déjà si tu commences à te mettre dans la merde, avoir les deux meufs qui se connaissent ou qui connaissent les mêmes personnes, t'es dans la merde, hein, je te le dis direct. Voilà, c'est ça. Et ah bah le oui. Truc, ils se sont retrouvés les deux en même temps chez mon grand-parent. La loose. Pour aider à déménager ? Comment ? Pour aider à déménager ? Non, ouais, pour aller les voir plutôt, et là c'était la voiture pour moi derrière. Et là t'étais fini. Ouais, les deux m'ont appelé en même temps, ils étaient chez mes grands-parents, je reçois un appel, et là c'était ma copine qui était avec l'autre copine aussi. Eh ouais, et alors c'est passé comment ? Bah j'ai fui un peu la conversation on va dire, et j'étais lâche hein, par texto, et j'aurais dit bon bah désolé. Hein. Ah bah oui, bah désolé. Ouais, mais... En plus par texto t'es vraiment un... Bah alors vous êtes un salaud. Voilà, c'est je vrai. Pense que tout est résumé comme ça. Vous êtes même un dégueulasse. Complètement, je suis assez d'accord avec les deux là tiens. Oh, c'est dégueulasse. T'aurais pu proposer un plan à trois quand même. Ouais, mais je suis pas sûr qu'elles auraient accepté. Là, tu sais pas, dans ces moments-là. Si, attends, t'es sérieux, tu trompes deux meufs. Les deux se rendent compte que tu te fous de ta gueule, que tu te fous de leur gueule, et après tu vas leur proposer un plan à trois. Elles vont dire ah ouais, d'accord. Oh, tu serais bien étonné. Bah, oui, n'importe quoi, jamais de la vie. Tu serais bien étonné. Ouais, elles vont te mettre un plan à trois, à deux, elles vont te défoncer la gueule. C'est ce qui devrait arriver, tiens. Ça, ouais, ça, je suis d'accord. Et c'est pas souvent ce qui se passe. Ouais, mon cul. Il y a le Montpellierin qui dit Clermont-Ferrand, pas de neige, c'est plutôt vers Aurillac ou Arpajon dans le Cantal. Ah, d'accord, bah écoute, c'est ce que j'avais entendu à la télé tout à l'heure. Il y a Fabien aussi qui dit neige à Vichy, à Clermont. Ah bah ouais, merde, quand même. Big up à toute l'Auvergne. Venez chez nous, on vous attend. Bah alors, je comprends rien alors. Et Ariel, alors, il y a de la neige ou pas à Clermont? Bah, on sait pas. Alors, il y a Ariel qui dit en Charente-Maritime, il y a tellement rien que même la neige ne tombe pas. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Où est-ce qu'il est aussi? Je veux écouter la musique de Jean-Pierre Sauzère aussi. C'est pas suceur, hein, c'est Sauzère, Angelina. Non, parce que tu t'es bourré. Ah, ils entendent vraiment ce qu'ils veulent. Et ça, il y a Rouka qui dit je comprends pas le fait de sortir avec deux filles en même temps, surtout si elles sont pas au courant. C'est irrespectueux. Oui, ça y est, Rouka, mais là, qu'est-ce que tu veux? Oh oui, tu mais enfin bon, faut pas prévenir tout le monde aussi. Oui, bah bien sûr. Ouais. Tu peux ajouter Lâche à la liste des mecs? Oui, Lâche également, ouais. De ce qui peut horripiler chez quelqu'un quand on rencontre. Effectivement, Lâche, c'est pas mal. Ouais. Bon, bah Greg, et depuis, t'es célibataire? Ouais, je suis célibataire, quoi. Eh bah, bien, bien fait pour toi. Ouais, bah ouais. Mais bon. Tant que droit d'eau, t'inquiète Greg. J'aime bien le ouais, mais bon. Bon, après chipoté, on n'est pas dans le détail, c'est pas grave, j'en aurai d'autres. Hein. Une de perdue. Ouais. C'est ça en plus. Bah oui, mais c'est ça, bah, bien sûr. Bon, bah, merci Greg d'être passé. Hein. Y a pas de soucis. Et tu reviens quand tu veux. Ouais, y a pas de soucis. Salut Greg, à bientôt, ciao à toi, bye bye. Et puis Marion est avec nous là. Marion, t'es là? Oui, je suis là. Parfait, alors Marion de Seine-et-Marne, au niveau de la neige, comment ça s'est passé? Il n'y a pas de neige. Il y a de la pluie, mais pas de neige. Il y a de la pluie, mais pas de neige. Bah, très bien. Il y a Elvis aussi qui dit comment va Vanessa, la copine de Toff, hier soir? Ah oui, c'est quand on les avait appelés pour les sondages à la con. Là. Il avait rencontré une meuf, Vanessa, très charmante apparemment. Très charmante, on s'échange des messages et tout, on discute. Comment ça se passe bien? Eh ben, nous voilà rassurés, très bien. T'inquiète, Marion, on va la tromper très prochainement. Tant mieux, bah, comme les autres. Et Marion, est-ce que tu as entendu le nouveau son de Jean-Pierre Sauzère? Non. Non, ils étaient hier soir, t'as pas écouté l'émission hier soir? Oh là là. J'ai pas écouté hier soir. Oh, oh là là, écoute, oh là là. C'est ça le nouveau single. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc veut me croquer ma merveille. Et on est en train d'essayer de la voir à Starfloor, hein. On est en train d'essayer de gérer là. En fait, j'aimerais bien qu'on dégage Red Fou qui sert à rien pour mettre Jean-Pierre Sauzère à la place. Bah, normal. C'est le cachet. Mais voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il demande cher. Hein. Star comme est Jean-Pierre Sauzère, il viendra pas pour 30 centimes. Hein, ça, ouais, c'est certain. C'est parce qu'il avait déjà une autre date de prévu. En aussi. Plus, il a déjà quelque chose de prévu, c'est clair. Ouais. Bon, Marion, qu'est-ce qui t'horripile toi chez les mecs? En premier, qu'est-ce qui peut te faire rebrousser chemin si t'as un rendez-vous avec un mec, tu le rencontres, et qu'est-ce qui peut te dégoûter en premier comme ça? Le mec qui pue de la gueule. Ah oui, c'est pas mal, effectivement, oui. Oui, ça par contre c'est vrai. Mais ça marche chez les filles aussi, hein, note. Oui, oui, c'est sûr. Oui, non, mais c'est vrai, parce que des fois qu'il y en a qui restent, tu sais, un peu bloqués, genre il y a que les mecs qui sentent mauvais. Mais oui, c'est effectivement. Il faut toujours avoir des chewing-gums. Oui, c'est mieux avec les chewing-gums. Mais parfois, tu sais, la puanteur vient de dents pourries ou vient même carrément de l'estomac. Ah, ouais. Tu sais, de l'œsophage, tout ça, c'est les trucs qui restent coincés dedans et tout. Non, mais c'est vrai, hein. Sinon il y a la clope aussi. Ah bah il y a la clope. Alors ceux qui fument, qui ont des problèmes au niveau des dents et ces gens qui picolent ou café. La meuf que tu ramènes de boîte qui a bu de l'alcool et fumé, je peut-être serait que le matin. Ah bah le matin c'est jackpot. Hein. Ah bah t'es content. Ouais, ça c'est clair. Il y a le bœuf ferré qui dit Toff il va faire un plan 3 avec Gilou et Vanessa. Ah bah voilà, tiens, il voulait faire un plan 3. Ah bah oui, voilà, on va être bien là. Ouais, et Sayoroka qui dit par texto encore un mec sans couilles. Ah oui, c'est ça, c'était par rapport à Greg qu'on avait tout à l'heure et Angelina également qui dit où est-ce qu'il est. Moi je suis Arcachon. Toujours pas de neige. Bah écoute, ça, peut-être que ça va arriver, je ne sais pas. Bon, Marion. Oui. Et t'es déjà tombé sur un mec comme ça qui puait de la gueule que t'as viré? Ouais. Il puait vraiment de la gueule ou c'était du cinéma? Bah oui, c'était hardcore. Ah, c'était hardcore, carrément. D'accord, ok. Ouais, bon, bah à ce moment-là. Si c'était hardcore, t'as bien fait, Marion. Il y a aussi Sylvain. Salut Sylvain. Salut. Comment ça va, Marseille? Bon, pas de neige à Marseille. Il neige pas ici. Ah bah non, c'est rare hein, que ça neige à Marseille. De hein. Toute façon, quand il neige à Marseille, il se passe plus rien d'autre. Hein. Ah bah c'est sûr, on parle que de ça. Il neige pas, il y a le Mistral. Ah, il y a du Mistral. Ouais, mais attends, et ça va, l'année dernière ou il y a deux ans, il avait bien neigé, il me semble. Hein. Ouais, mais c'est vraiment rare. Ici, quand il neige, ils affolent la Police Academy ici quand ça neige. Je sais, ouais, c'est bon. Bah oui, ah. Bon, Sylvain, tu vas nous expliquer dans quelques minutes, toi, ce qui te. Peut t'horripiler chez une meuf quand tu la vois pour la première fois. Donc reste avec nous Sylvain. Et puis les autres, bah, venez nous appeler, hein, appelez-nous, venez jouer avec nous. Et puis venez délirer avec nous, on est là jusqu'à 2h du mat. 01 42 48 5000 02 851 4x0, c'est le numéro du standard de fun depuis la Belgique. Si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas. Et puis je viens de trouver un article qui liste tout ce qu'on doit savoir sur l'orgasme. Oh, ouais, effectivement. Mais alors, évidemment, l'orgasme, mais qu'en général, on ne connaît pas. Hein. C'est du genre l'orgasme clitoridien qui dure apparemment que 14 secondes, alors que le vaginal peut aller jusqu'à 30 minutes. Ça va combien de temps, toi, Marion, toi, les orgasmes? T'as déjà eu des orgasmes? Ouais. Ouais. Plutôt clitoridien ou vaginal? C'est assez perso quand même. Hein. Ouais, attends, c'est vrai. Avant de demander ça, j'ai une autre question. Ouais. Combien mesures-tu? On va mieux se connaître. Ouais, voilà. Ouais, c'est mieux. Donc, combien mesures-tu, Marion? Comment? Combien mesures-tu? Je mesure 1m63. Combien pèses-tu? Comment? Combien tu pèses? Combien je pèse? Oula, je sais pas. 50? Quel est ton tour de poitrine? C'est bon, ça. Ah bon? Pourquoi? Bah pour savoir. Ah mais en fait tu t'entends mal parce que t'as la radio derrière. Voilà. Ah non, non pas du tout. Ah d'accord, il me semble. Non, j'ai votre musique à vous derrière. D'accord, attends, d'accord. Regarde, tu l'as plus là. Voilà, donc quel est ton tour de poitrine? Oui. 85D. D comme Denise. Non. Non, B comme baleine. Comme baleine. Baleine. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Comment? La taille du dernier pantalon que tu as acheté. Oula. À peu près, 36, on est. 36, ouais. Ouais, 36. 36, ah bah très bien, voilà. Bon, ça a été. Ça a été long, ça a été long. Hein, ça a été long. Bah, du coup, je sais pas. Ah oui, clitoridine ou vaginale? Bah, si elle jouit comme elle entend, ça doit être laborieux. Bah, hein? En fait. Ouais, j'ai jamais testé les deux, en fait. T'as jamais testé les deux? Bon, d'accord. Bah, écoute, bon, bref, si on peut tester. Jamais... T'as jamais essayé... t'as déjà essayé lequel? C'était quoi déjà les deux? Bon, c'est clitoridienne ou vaginale. C'est-à-dire, est-ce que tu titilles le bouton ou est-ce que tu te mets des trucs à l'intérieur? Clito. Non. D'accord, parce qu'apparemment ça peut durer jusqu'à 14 secondes, alors que le vaginal peut aller jusqu'à 30 minutes. Ouais. Ah oui. Et l'article... J'ai pas jamais eu. Ah bah il faudrait essayer, hein, parce que 30 minutes. Non. Et l'article, dans l'article, j'ai découvert que 22% des hommes ont déjà simulé un orgasme quand même, et 90% des femmes n'ont pas d'orgasme avant 35 ans, donc elles simulent du coup. Donc venez nous dire, hein, si vous aussi vous avez déjà simulé. Ah bah voilà, bah tant mieux pour ton mec. Dites-nous, venez nous dire si vous avez déjà simulé et pourquoi, ouais. Comment ça s'est passé. Appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0. Et puis bah du coup on va appeler des gens, Tof, dans un instant. Bah oui, demandons-leur s'ils ont simulé. Et ben voilà, les petits cochons. Et ben juste après le son de Fede Le Grand maintenant et No Good sur Fun Radio. Restez tous là. On va revenir, on est au cœur d'une heure sans pub. Et on va surtout jouer aussi au Je t'emmerde dans quelques minutes pour gagner un écran plat. Écran plat Full HD LED qu'on vous offre maintenant. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0. Il est 23h30 et on est là tous les soirs en direct jusqu'à 2h du matin. Fédé Le Grand sur Fun Radio, bienvenue si vous voulez d'arriver, c'est Mickaël No Limite, 23h33, on est au cœur d'une heure sans pub. Il y a plein de messages qui arrivent, je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre évidemment hein, sur le Facebook de l'émission. Venez de plus en plus nombreux, vous tapez M-I-K-L officiel en MO hein, sur le Facebook pour venir nous rejoindre. On est plus de 256 000 depuis 3 mois, on est là d'ailleurs sur Fun Radio tous les soirs. Et puis bah, je vous rappelle aussi que ça marche sur le Twitter, vous tapez M-I-K-L underscore officiel, underscore c'est le petit tir en bas. Pour m'ajouter, si vous me suivez, je vous suivrai également. Et puis on fera également le top tweetos. C'est vrai, j'en ai pas parlé en début d'émission, mais on va le faire quand même. Avant 2h du mat, on verra quel est l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission. Et celui qui sera le numéro 1 repartira avec un sextoy comme on le fait chaque soir. Et Angelina qui dit, bah la meuf qui a un orgasme de 30 minutes, c'est super mal en féminin. Ah oui, c'est clair. Morgan88S qui dit, putain, chez moi il pleut comme vache qui pisse. Vive la Bretagne, bien sûr. Ah, et après on dit qu'en Bretagne il pleut jamais. Hein. Il pleut tout le temps. Voilà. Il y a Angelina qui dit aussi, je déteste les mecs qui suivent la mode plus que moi et qui passe plus de temps que moi à la salle de bain. Mais c'est normal. Il y a Abidou aussi, il y a de la neige à Grenoble. Oh, mais ça c'est normal comme d'hab. Et Tony également qui dit, moi j'aime pas les femmes avec un gros nez comme Zlatan. Megumi qui dit, l'odeur de cendrier froid dans la bouche, c'est pire que tout. Moi je fume pas et je déteste le café. Et SFJ qui dit, les dents jaunes, ça me repousse assez. Ou alors celles qui fument également. Et Emilien, j'ai 50 cm, j'habite à Saint-Etienne. Ah, j'avais dit à Saint-Etienne, il est léger. Moms également qui dit, moi c'est les yeux, s'ils louchent, c'est mort. Et Seba, il n'y a pas de neige au Québec. Ah bon, bah alors ça alors, c'est improbable. Pas de neige à Québec. C'est bizarre. Isabelle qui dit, j'aime pas les mecs poilus dans le dos non plus. Et Anthony, neige dans le nord, week-end en avance. Bon, ben ouais. On verra. Apparemment, c'est vrai qu'ils annoncent un peu de neige. De la neige un petit peu partout. Enfin, un petit peu partout. Ça va de Saint-Etienne, Lyon, tout ça. Et Montpellier, a priori. Et ça remonterait ce week-end. Donc, on verra bien ce week-end. On n'est pas encore là. On va jouer au Je t'emmerde maintenant, là, avec Jasmine et avec Marius dès qu'ils seront dans le standard. Et avant ça, bon, on va faire le premier appel. Hein. Allons-y. Il s'échauffe, le salopard s'échauffe. Bah, oui, je l'ai préparé. Ouais, j'ai trouvé un article qui liste donc tout ce qu'on doit savoir sur l'orgasme. Et donc, bah, en général, on peut savoir qu'un orgasme clitoridien dure 14 secondes, qu'un orgasme vaginal peut aller jusqu'à 30 minutes. Et j'ai découvert aussi que 22% des hommes ont déjà simulé un orgasme. Non. Et 90% des femmes n'ont pas d'orgasme avant 35 ans. Donc, c'est-à-dire qu'elles simulent. Et donc, on voulait savoir si vous aviez déjà simulé, les garçons, les filles. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On y va, on appelle le premier maintenant hein. Allons-y. Allez, c'est parti. On appelle et si vous avez des numéros de gens qu'on peut appeler ce soir, n'hésitez pas hein, qui sont encore debout et qui sont plutôt nerveux, vous envoyez le numéro sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà simulé pour un rapport sexuel. Non. Non, jamais. Non. Bon bah très bien, bah, je vous remercie monsieur. Et toi t'es une merde ou quoi? Je vois pas le rapport, monsieur. Ta gueule, pourquoi tu m'appelles pour dire des conneries alors? Tu trouves mon numéro sur le bon coin, tu fais le malin, trop de balle. Non, pas du tout, moi je vous appelle pour savoir si vous avez déjà simulé, c'est tout. Ferme ta gueule, espèce de PD, ouais. Je comprends pas, monsieur. C'était PD, faut que t'ailles mettre ton père sur les trottoirs. Mais je comprends pas, monsieur, je vois pas le rapport avec ma question. Je sais pas, bah si t'as besoin d'argent pour simuler devant des putes, y'a pas de problème, mets-toi un doigt dans le cul, ça irait plus vite. Mais pas du tout, enfin, monsieur. Ferme ta gueule, arrête de m'appeler pour tes conneries, là. En même temps, je vous ai appelé qu'une fois, monsieur. Espèce de chien, ouais, bah c'est la première et la dernière. Ah oui, mais enfin, faut pas m'insulter comme ça, alors. Voilà, c'est bien, dégage maintenant. de gamin. Genre, il parle. Bon, on va le rappeler, hein, ce qu'il a dit qu'il fallait pas le rappeler. C'est violence. Attends, attends, on le rappelle, on le rappelle, on le rappelle. Va mettre ton père sur les points. Oui, excusez-moi, mais vous êtes pas très poli quand même, monsieur. Eh, tu veux quoi? Bah, que vous vous excusiez un petit peu quand même. Tu veux quoi? Tu veux me sucer? Bah, non, je veux juste vous excuser parce que vous étiez un peu vulgaire quand même. Bah, j'ai pas à m'excuser pour un mec qui me dérange à se torcer. Bah oui, mais enfin bon, monsieur, c'est pas la peine de m'insulter gratuitement comme ça. Tu veux quoi alors? Bah, que vous arrêtiez de m'insulter gratuitement. Pourquoi tu m'appelles alors? Bah, pour que vous arrêtiez de m'insulter. T'es con ou tu fais exprès là? Bah non, c'est vous, monsieur. Tu m'as appelé pourquoi? Pour me déranger? Bah non, pas du tout, moi je vous appelais pour vous poser une question. Ok, je t'ai dit non, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bah c'est tout, mais après vous avez été un peu vulgaire, monsieur. Ouais, parce que tu dois kiffer ça quand tu dois te faire prendre en levrette, toi. Bah pas du tout, enfin pourquoi vous dites des choses comme ça, monsieur? Déjà, arrête de prendre une voix de PD quand tu parles avec moi, d'accord? Parle comme un bonhomme, pour commencer. Et de deux, arrête de me déranger avec tes questions pourries, là. Mais enfin, moi, c'est pas une question pourrie, monsieur. Je voulais juste savoir si vous aviez déjà simulé. Avec ta mère, ouais, si tu veux. J'ai simulé avec ta mère, ça te va? Bah non, ça me va pas, monsieur. Pourquoi ça te va pas? Bah parce que vous connaissez pas ma mère. Non, tu sais quoi, mais tu sais, t'as trouvé mon numéro d'où, toi, pour commencer? Bah moi, j'ai trouvé le numéro sur Internet. Voilà, sur le bon coin. Et t'as rien à faire, tu t'emmerdes, tu fais chier les gens, quoi, c'est tout. Mais pas du tout. Bah si. Moi, je posais juste une question. Tu t'es pris de la coke dans le cul ou quoi, si tu veux? Eh, sérieux, tu sais quoi, tu me casses les couilles, là. Arrête d'appeler. D'accord? Ça te va? Ou sinon, je vais partir de ta mère jusqu'à ta tante, ta tante jusqu'à ta grand-mère. Ça te va ou pas? Ça fait beaucoup de monde, ça, quand même. Ça fait beaucoup de monde, bah, t'avais pas qu'à être né avec des chiens, hein, qu'est-ce que tu sais? D'accord, mais je leur en parlerai. Ok, tu passeras le bonjour de ma part aussi à ta mère. D'accord, avec plaisir. Y'a pas de problème. Allez, sur ce, soirée bonne. Sur ce, soirée bonne. Mais quelle violence! Ah, il est pas mal. Il est lui. Bon, lui. Moi, c'est mon préféré. Ouais, il est pas mal. C'est un nouvel ami. Ouais. Bon, on en fera d'autres tout à l'heure. Hein, si vous avez, bah, merci à celui qui nous a enfilé le numéro de téléphone. Hein, c'était un bon client. Si vous avez d'autres numéros de téléphone de gens un peu nerveux comme ça qu'on peut appeler assez tard, n'hésitez pas à vous envoyer ça sur le mail de Toff. toph@funradio.fr, le numéro, bien entendu. Bon, Sylvain. Oui, oui. Ah, voilà, très bien. Il dort. Ah oui, le mec qui vient de parler, c'est un gaulois. Bah, je sais pas, c'est un ouf. Bon, Sylvain, alors oui. Tu nous appelais parce que tu voulais réagir par rapport à ce qui te répugne chez les meufs quand t'as un premier rendez-vous. Ça marche aussi chez les mecs, hein, mais là en l'occurrence, chez une meuf. Vas-y, Sylvain, t'écoute. Je t'explique. Toff, il va être d'accord avec moi. Vas-y, toujours. Ça va lui arriver parce que c'est un ouf. Hein. Voilà, alors un jour, j'ai eu rendez-vous avec une gonzesse. Ouais. Et cette gonzesse-là, quand je me suis approché d'elle, c'est-à-dire qu'elle avait des dingues, ça allait pas. Des dingues. Et elle avait un maquillage, mais dessous il y avait de la crasse. Tu vois, si tu sentais le mélange entre le parfum. Ah ouais, c'est genre le parfum sur la crasse. Il y avait un remix et méga mix. Exactement. Je sais pas si c'est DJ Abdel qui l'a remixé. Mais... tu sais que l'histoire des dents, ça m'est déjà arrivé. Hein. C'était une meuf en fait qui m'avait envoyé ses photos par internet. Tout vient, on se rencontre, je serai là, on allait à une soirée, un truc comme ça. Elle avait l'air super bonne et tout. Je me dis ouais, ça va être génial. Elle arrive, elle me fait un sourire. La meuf, il lui manquait des dents et tout. J'étais dégoûté. Ah ouais, c'est particulier. Et du coup, toi, t'as lâché l'affaire? Putain, j'ai lâché l'affaire. Pour ça, je suis, mais là, j'ai lâché de suite, là. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, et depuis, ça t'est arrivé d'autres trucs, genre les mains ou des trucs comme ça, les odeurs Ah ouais, il y a des filles qui sentent la transpiration aussi. Oh putain, ouais, ça c'est dur aussi, ça. Transpiration et tout, c'est une horreur. Bah, appelez-nous les autres, hein. 01 42 48 5000. Pour la Belgique, 02 851 4x0. S'il y a déjà des odeurs qui. Enfin, c'est des trucs qui vous répugnent quand vous avez un premier rendez-vous, on en parle dans quelques minutes. Ça... Bon, bah, Sylvain, bah, merci beaucoup, hein. On embrasse tout le monde à Marseille. Ah bah oui, un autre moi aussi. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM, allez vous faire enculer les Parisiens. Bon allez, salut Sylvain, à bientôt. À bientôt, et restez sur Fun Radio, on se met la nuit sans pub juste après ça. Juste après Red Full, Let's Get Ridiculous, et puis on va faire le jeu du je t'emmerde. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Please call again. Mika L. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, comme tous les soirs, oui. En direct dans toute la France. Allez, tous vos messages qui arrivent au 01 42 48 5000. On va récupérer notre ami Quentin pour la colle de ce soir. Je rappelle la colle en speed. Je suis superficiel, mais je peux être lourd. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Maintenant, vous envoyez simplement M-I-K-L, espace votre réponse par SMS au 64 900 ou alors sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Il y a Angelina qui dit: mon prof de sport m'a demandé de faire un échauffement spécial gym pour toute la classe. Et pour ça, je vais prendre le CD Starfloor. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, Angelina. Et Fanny également qui avait envoyé son message qui dit: Starfloor, j'y suis allé l'année dernière. Vous aviez mis le feu Paris-Bercy. S'il reste des places, pensez à moi. J'ai pas pu investir dans les billets cette année. Merci Fun Radio, Mickaël et toute l'équipe. Eh ben, merci à toi, Fanny. Bah écoute, fais un mail à Polo. Il lui reste une place. Donc Polo, P-O-L-O, @funradio.fr. Hein, demande-lui si. S'il veut éventuellement Je vais faire un tirage au sort. Voilà, tirage au sort. Je vais mettre moi, il a reçu une demande. Ouais, il y a déjà Héloïse, Karine qui était venue nous voir, qui sont sur le. Ah bah très bien. Sur grill. Bon bah va, Fanny essaye toujours, on sait jamais. Hein. Polo@funradio.fr, ouais. Il lui reste une place. Bon évidemment le point négatif c'est qu'il faut se taper Polo toute la soirée. Non, pas se taper, oui. Pas sexuellement, mais il faut se le taper, se le farcir quoi. Allez, bonne soirée sur Fun, c'est la nuit sans pub maintenant et c'est le son de Red Fou qu'on écoute tout de suite. Avec le son de Let's Get Ridiculous. C'était Red Fou à l'instant sur Fun Radio. Et puis attention, il va y avoir du très lourd à suivre. Yo, au pays des merveilles, le chapelier fou veut me prendre les orteils. Je suis Jean-Pierre, le nouveau single de Jean-Pierre Sauzère. La folie totale que vous avez découvert hier soir. Attention, il y a des effets dans la musique. C'est mon moment préféré. Ah ouais. On sent qu'il a mis l'oseille à mort là. Bon, si vous voulez qu'on vous le diffuse ce soir, le son de Jean-Pierre Sauzère comme on l'a fait hier, puisqu'on a eu Jean-Pierre au téléphone alors qu'il était à Los Angeles, hein, puisqu'il était en train d'enregistrer son nouvel album à Los Angeles. Los Angeles. Voilà, il travaillait pour iTunes, ouais. Et il était en train de mettre à jour son MySpace et son Facebook. Voilà. Sur Apple, exactement. Dommage qu'il n'a pas un Twitter. Un Twitter. Ce serait bien un Twitter. Ouais. Non, parce qu'en fait, il a du mal à parler l'anglais, puisque son single, alors pourtant il est en français, hein, s'appelle Jean-Pierre in Wonderland. Parce qu'il n'arrive pas à dire les Wonderland, donc ça fait Wonderland. Ouais. Donc Jean-Pierre Sauzère, qu'on vous avait fait découvrir hier. Alors pour les plus anciens auditeurs de Fun, ils connaissent déjà, mais pour les nouveaux, c'était découvert hier. Il y a Grégory qui dit: je vous écoute depuis 2 semaines seulement et je suis explosé tous les soirs avec vos délires. De ouf, je pourrais avoir un petit message de bienvenue. Bah, bien sûr, avec plaisir. Épilez vos poils de cul. Voilà. Elliot également, Let's Get Ridiculous, c'est un peu ma chanson. Et puis bah, c'est celle de Toff aussi. Et Alex qui dit: c'est Alex de Dunkerque. Moi, ce qui me dégoûte chez les, c'est les big boobs. J'ai rencontré une meuf sur Badou, il n'y avait pas moyen qu'elle m'excite tellement j'étais dégoûté. Ah, c'est marrant ça. D'habitude les mecs sont plutôt intéressés par les gros seins. Et Stéphane ici qui dit: salut à tous, ça fait 2 mois que je vous écoute, changez rien, franchement ça déchire. La réponse à la colle, c'est le mensonge. Bah écoute, on va poser la question directement à notre ami. Où est-ce qu'il est? Quentin qui est avec nous. Allô Quentin? Oui. Oui, très bien. Quentin qui va nous rappeler la colle. Je suis superficiel, mais ouais. Je peux être lourd. Qui très suis? Bien. Quentin? Oui. Voilà, tu as la radio derrière toi, non? Non. Non, parce que tu réponds avec un petit décalage, c'est bizarre. Bon, je répète, je suis superficiel, mais je peux être lourd. Qu'est-ce que c'est? Il y a Mélissa qui proposait de l'humour. Non. Non, une plante en plastique. Non. Une fille. Non. La neige. Non. Moi je dis l'amour, c'est Damien. Oh, non. C'est beau. Le sommeil. Non. Des seins. Non. Non, bon bah très bien. Si vous avez la bonne réponse, il y a un PC portable à gagner, c'est l'avant-dernier. Attention, l'avant-dernier PC portable à gagner. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez M-I-K-L, espace votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Je vous souhaite bonne chance. Tirage au sort avant minuit 30. Et vous pouvez aussi jouer évidemment sur le Facebook, comme dirait Jean-Pierre Sauzère, en tapant M-I-K-L officiel. Vous allez voir la photo où je suis avec le PC qu'on va vous offrir ce soir. Et donc, bah, si vous êtes tiré au sort, vous repartez. Tirer donc avec le PC portable. Si Quentin, quelqu'un trouve la bonne réponse, tu perds. Si personne ne trouve, tu gagnes, Quentin, d'accord? D'accord. Bon, on te récupère avant minuit 30. À tout à l'heure, Quentin. Tout à l'heure. Très bien. Et il y a Marius et Yasmine qui sont avec nous pour jouer au jeu du je t'emmerde. On est un peu à la bourre avec le je t'emmerde, mais c'est pas grave. On a 10 minutes de retard. Ça va bien les deux, là, Yasmine et Marius? Ouais. Ça va. Vous êtes en forme? Ouais. Nickel. Bon, est-ce que vous êtes prêts à jouer à ce grand et magnifique jeu qu'est le... Je t'emmerde. Je t'emmerde. Eh oui, et je t'emmerde. Bon, le principe est très simple. Vous le connaissez? Ouais. Bon, je vais quand même le rappeler parce que Marius a l'air d'être de tension. Non, excuse-moi. Ouais. Ah bon. Bon, alors, je rappelle quand même le principe pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. On appelle des gens au hasard. Vous allez vous affronter, hein. Chacun son tour. Vous avez droit à deux chances chacun. Et on prendra le meilleur score des deux appels à chaque fois. On y va. Donc, le principe est qu'on appelle quelqu'un au hasard. Et vous devez placer un maximum de je t'emmerde dans des phrases les plus cohérentes possibles. Les plus naturelles, les plus logiques. Donc, pas la peine d'arriver en disant je t'emmerde. Ça marchera pas. D'accord? Faut faire des vraies phrases avec une vraie logique. Comme si vous appeliez un pote, par exemple. D'accord? Pas de problème. Bon, on y va, qui veut commencer? Allez, honneur aux filles. Allez, Marius, on commence alors. C'est parti. Marius, tu démarres? Pas de problème. Honneur aux filles, Marius, c'est parti. On y va, tu appelles. T'appelles en premier donc. Et puis, au plus, t'arrives à placer de je t'emmerde naturellement avant qu'il ne raccroche. Eh ben, tu gagnes. Bon, c'est parti. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dois dire allô. On y va. Pas de problème. Allez. C'est pas gagné, hein. Ouais. C'est même pas gagné du tout. Attends, on va en prendre un autre. Hop là, attends, bouge pas. On en appelle un autre, Marius, t'inquiète. Vas-y, pour ça on est un peu en retard, hein. D'habitude on fait plus tôt, on a plus de chance là. Toujours la poisse à minuit, je sais pas pourquoi. Allez. Bon, au pire on en a d'autres, hein. Si vous en avez d'autres d'ailleurs, des numéros, n'hésitez pas, hein. Vous balancez ça. Vous appelez Sandro, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Allez hop, c'est pas grave, on enchaîne avec un autre encore là. Marius. Bon, on n'est pas abri de faire qu'une seule manche là, si on voit qu'on galère. Hein. Ça va. Donc soyez bon dès le début. Vous dites pas qu'il y a une deuxième chance, on sait jamais. Ok. Allô? Ah bah il a raccroché, voilà, très bien, c'était parfait. Bon allez, c'est bon, on n'est pas dans nos enculés, on va te laisser encore une autre chance. Parce que l'autre il a juste décroché, il a même pas dit allô ni rien, il a raccroché direct. Bon, ouais. Allez, dès que t'entends plus de musique et plus rien, tu dis allô direct. Parce que là, peut-être qu'il a raccroché à cause de ça aussi, on sait jamais. Allez. J'ai des numéros moi, sinon au pire rien. Non, tu te fous de notre gueule Marius, même pas en rêve. On prend tes numéros. Il est fou lui. Tricheur. Ouais, tu crois que je te vois pas arriver Marius là? Ouais, t'inquiète, on va appeler ma soeur dans la pièce à côté. Ouais. Allez, concentre-toi Marius. Allô? Non, une seconde. Ah merde. Bon, allez, c'est une blague, ouais. Une nouvelle personne qui est... Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, vous savez, j'en ai marre que tous les soirs, vous m'envoyez des messages, là, je t'emmerde par-ci, je t'emmerde par-là. Vous savez, madame, j'en ai marre, moi, hein, parce que vous me disiez je t'emmerde, après peut-être que vous, ça vous fait rigoler, mais moi, ça me fait vraiment pas rire, hein, parce que je t'emmerde par-ci, je t'emmerde par-là. Mais moi aussi, j'ai envie de vous dire je t'emmerde. Hein, madame, je t'emmerde et je t'emmerde. Je vous en prie, cessez de m'envoyer je t'emmerde et je t'emmerde. Sinon, c'est moi qui vous envoyez je t'emmerde. C'est compris? Mais c'est pas moi. Je t'emmerde. Oh, la pauvre. Ah bon? Mais je suis pas au courant. Vous êtes pas au courant. Mais comment ça, vous êtes pas au courant? Mais moi, j'ai jamais fait ça. Quel connard. Mais vous avez jamais fait ça de quoi? Quand même, vous avez pas honte? Ben non, parce que c'est pas moi. Mais madame, m'envoyez des je t'emmerde et encore je t'emmerde. J'en ai plus que marre moi, je t'emmerde. Ah, c'est le jeu, on appelle au hasard. Hein. Je suis à bout moi madame. Oh, tu vas commencer à pleurer. Tu as tellement texto social, j'en ai marre. Je t'emmerde, j'en peux plus. Mais j'envoie pas des textos. Ah là. Bah alors c'est pas vous, c'est votre enfant ou alors votre mari qui m'envoie des je t'emmerde. Ah, ça m'étonnerait. Ah, mais moi je sais pas madame, vérifiez leur téléphone, hein, parce que moi elle te casse pas, te casse pas, elle est partie là, c'est bon, et déjà elle était vachement patiente, hein. Moi je te redis quoi, et casse-toi, je t'emmerde directement. Bon, alors ça nous ça fait un score pas. De combien là? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 29. 29. Est-ce qu'on peut le faire perdre? T'es méchant avec cette dame. Bah non, c'est pas bon, Yasmine. Ouais. La barre est haute. Ouais. Je vois. très très haute. Ah, Yasmine. Mais c'est pas mort pour autant, hein. on verra. On va essayer. Yasmine, attention, de Montpellier. Eh, tu sais qu'on vient à Montpellier normalement. Hein. Début du mois de décembre, on va finir l'émission en direct de Montpellier. Ok, mais c'est bon, je serai de toute façon. Tu passeras nous voir. Ouais. Bon, je compte sur toi. Bon, enfin, on confirmera ça de la semaine prochaine. On va vérifier que vous avez bien voté pour Montpellier. Normalement, je pense que c'est bon à première vue, mais on va quand même vérifier pour être sûr. Il faut recompter. Bah oui. C'est bon. Comme les élections. Allez, Yasmine, c'est parti. On y va. On appelle de nouveau quelqu'un d'autre. Même principe, un maximum de je t'emmerde. Et ben, il faut battre 29. Hein. Par contre, ça va être fou du cul. Hein. Ouais. Mais bon, on sait jamais. Si tu tombes sur un bon client. Bon, dès que t'entends plus la musique, tu dois dire allô. Allez. Espérons qu'on galère un petit peu moins que l'autre appel. Ouais. Bon, je vais déjà préparer un autre numéro. Hop, on appelle un autre. Yasmine, sois prête. Ok. C'est l'héros qui se bat contre les Bouches du Rhône ce soir. Ouais, encore de la chance là. Allez. Allô, bonjour. Allô, ouais, ça va? Bonjour, comment ça va, madame? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe pour m'appeler à cette heure-là? Bah, en fait, vous m'avez envoyé un email en m'envoyant que vous m'avez dit que vous m'emmerdez. Ça compte ah pas. Bon? C'est bizarre. On se fout de gueule. Et ouais, l'autre, il avait l'air de m'emmerder. Vous m'avez envoyé, je t'emmerde. Non, ça m'amuse. L'autre, il a un accent russe. Moi aussi, je viens russe. Oh, le faux russe. Il a grillé. Eh, tu crois qu'on t'entend pas, là, le russe? Pourquoi tu me déranges? Parce que vous m'emmerdez. En fait, je viens pour t'emmerder. Bon, le russe. Eh, hey, le russe, c'est bon, on a capté, là. T'écoutais la radio derrière. Allô, russe. Ah, c'est con, t'aurais pu jouer le jeu, là. Mais du coup, on a perdu, Yasmine. Non, mais c'est pas... Ah, mais il a raccroché, complètement con, alors, lui. Oh, le russe, pourquoi t'as raccroché? Oh, qu'il est bête. Oh, qu'il est bête. Oh, qu'il est bête. Bon, on lui laisse quand même une autre chance, la pauvre. Ah oui, c'est pas Yasmine, sa faute. Allez, vas-y, vas-y. Tout ça pour perdre en plus, Yasmine, hein, parce qu'il faut 26 ouais, mais bon. Il faut les placer, quand même. Allez, c'est parti. 29, ouais. Bah, c'est victime du succès. Il y a trop de gens qui écoutent. Et du coup, bah, quand on appelle au hasard. Allô? Allô, oui, bonjour. Voilà. C'est mademoiselle, je t'emmerde. Qui? Mademoiselle, je t'emmerde. Ça, c'est un mauvais départ. Moi aussi, je t'emmerde. Bah, moi aussi, je t'emmerde aussi. Bah, je t'emmerde aussi. Ok. Vous m'avez emmerdé hier. Bah, je suis mademoiselle, je t'emmerde. Tu m'emmerdes? Oui. Je vous emmerde. Tu veux pas plutôt 100 grammes? Quoi? Tu veux pas plutôt 100 grammes? Non, mais je t'emmerde. Ouais, mais je te donne du bonheur si tu veux. Non. Mais c'est qui? Mais je suis mademoiselle, je t'emmerde. Tu m'emmerdes? Oui. Hein. Mais moi aussi je t'emmerde. Bah, moi aussi je t'emmerde. Alors nous emmerdons. Oui, je t'emmerde aussi. Tu veux me la... Mais c'est qui? Mais je suis mademoiselle, je t'emmerde. Oh les gars, elle m'a... Oh, ça fait que 10. Ah, la madame, ma mère qui m'appelle. Mais c'est qui ça? C'est mademoiselle, je t'emmerde. Bombarde. Tu veux me la bouffer? Non, mais je t'emmerde. Sérieux. Moi, je t'emmerde. Eh, on peut rester comme ça longtemps, si tu veux. Bah si, hein. On peut. Pour arriver à 29, hein. Mais quoi? Bombarde. Ça oui, ça m'arrange. Bah écoute, bah, je t'emmerde alors. Bah moi aussi je t'emmerde. Je t'emmerde. Bah j'emmerde tout le monde. Bah nous emmerdons tout le monde. Bon. Sérieux, je t'emmerde. Elle avait un boulevard là. Mais je suis mademoiselle, je t'emmerde. Mademoiselle, je t'emmerde. 15. Ouais. Ouais, écoute, c'est ce que je te dis. Oh Foubi, regarde. Regarde, mademoiselle, je t'emmerde. Eh bien ouais. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est mademoiselle, je t'emmerde. Ouais, oui, bah moi aussi, je vous emmerde. On vous emmerde. Ça va être long, là. Non, moi, je t'emmerde. Si vous voulez savoir, on vous emmerde tous. Ok, tu pars, je suis filé quand tu pars. Mais you, où tu parles? Tu peux parler mieux, s'il te plaît. On vous emmerde. Moi aussi, tous. Je t'emmerde. Oh, vous pissez au cul. Moi, je t'emmerde. Combien là? 20. Ouais, moi aussi. Ah, allez, va encore gagner, tu vas voir. Vous voulez me manger le cul un peu, quoi? Non. Non? Non, je crois pas. Va, allô? Tu sais que je t'emmerde? Oui, ben nous aussi, on vous emmerde. Moi aussi, je t'emmerde. Allez, c'est bien. Ça, c'est lourd. Ok. Moi aussi, je t'emmerde. Et allez, c'est qui, en fait? Mais c'est pas. Mais c'est mademoiselle, je t'emmerde. Mademoiselle Fun Radio. Dommage. Non. C'est mademoiselle, je t'emmerde. Moi aussi, nous aussi, on vous emmerde. Bon, moi aussi, je t'emmerde. Allô. Ouais. Combien, là? Ouais. Ouais, t'as battu le record ou quoi? Je sais pas. Alors combien, on était à combien? Ah là là, c'est dommage. Ah oh, putain, combien? 25. Oh, 25, Yasmine. Big up, oh là là, vous avez été trop rapide là. Vous auriez attendu 4 de plus là, elle aurait battu le record là. Oh merde. Oh putain. Oh putain. Bon, bah c'est pas grave. Eh, hey, du coup, vous êtes dans quel coin vous, les gars là? Perpignan. Ah, Perpignan, très bien, Perpignan. Bah vous allez rester au standard, ouais. On va filer des petits cadeaux alors pour tout le monde là. Ah, et bah comme ça on l'entendra plein de fois. Eh, par contre, vous avez mis la radio, vous l'entendez en boucle, mais il y a qu'un seul cadeau par personne, hein, vous emballez pas. Hein, parce que comme vous l'entendez plusieurs fois là. Bon, bah salut les gars, salut Perpignan. Ben, ciao. Salut, reste là. Bye, ciao à toi. Et bon, ben, Yasmine, oh, malheureusement, ouais. Là, t'en as mis 25, mais t'aurais dû en bombarder. Il y avait mais un boulevard pour le faire. Il y avait un boulevard. Bon, ben, Marius. 50. Eh, Marius, il en aurait mis 1000, lui, hein. Mais c'est un garçon, ah, moi, c'est une fille. Que lui, je voudrais mitrailler. Ah ouais, il aurait fait la mitraillette, Marius. Bon, bah Marius, bravo à toi, le cadeau est pour toi. Écran plat full HD, 32 pouces, ça va être la folie. Ton père, il va être ravi, à mon avis, pour regarder le foot et tout, ça va être génial. Et puis, bah, reste au standard, on va prendre tes coordonnées, Marius. Attends. Oui. Est-ce que je peux faire une petite dédicace, s'il te plaît? Allez, vas-y, il y a une seule personne, attention. Ouais. En fait, c'est une boîte de nuit sur Aix-en-Provence, La Voile. C'est une boîte de jour pour les adolescents. Voilà, grosse dédicace à d'accord. Eux. Le Facebook, c'est Fabrice Little Club. Donc, vous le demandez à un ami, vous réservez. C'est à Aix, La Voile. C'est pas une dédicace, c'est de la promo là. Tu sais combien ça coûte la promo sur Fun là, 30 secondes hein? On avait dit qu'il y avait plus de pub jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, on a dit qu'il y a plus de pub. Alors tu m'as fait mentir. Voilà, j'ai dit qu'on était dans la nuit sans oui, pub et toi t'arrives avec ta pub. C'est super important. Ah bah oui, mais bon. Bon bah le message est passé, Marius. Salut à toi, salut Yasmine, je te fais des bisous. Ok. Et reste là, on va aussi te filer un petit pack Fun, Yasmine. Ok. Salut à toi, gros bisous. Gros bisous. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Bye bye. Bon, et venez nous appeler encore. Hein. On va continuer à parler de ce qui vous répugne chez les garçons, chez les garçons et chez les filles. On va parler de l'orgasme également, hein, puisqu'on va encore appeler d'autres personnes dans quelques minutes. Et puis surtout, on va voir hein, comment ça se passe. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de simuler en tant que garçon ou en tant que fille? On en parle dans quelques minutes. Il y a là Fabienne aussi qui avait envoyé des messages. Fabienne qui dit, elle est bonne, mademoiselle, je t'emmerde. La bon client, excellent. Bah oui, c'est écouter la radio surtout. Félicia qui dit génial le je t'emmerde, mais plus il y a de gens qui vous écoutent, plus vous avez de chance d'appeler des gens qui connaissent l'émission. Bah on l'a vu, hein, deux appels, deux personnes qui écoutaient l'émission. Nini qui dit la boîte de nuit c'est une boîte de jour. C'est vrai. Et Clément qui dit oh le faux russe, il a cru qu'on n'avait pas capté sa voix et lui il répond je t'emmerde et il rigole comme un trimard. Et Fredes qui dit mademoiselle je t'emmerde, Kelly, je t'emmerde, qui appelle plié, dose de fourrir, oh my god, et alors le russe encore, puisqu'il écrit son prénom en russe, hein, je ne sais toujours pas comment il s'appelle, qui dit c'est pas moi, il y a un escroc, un faux russe. Ouais bah peut-être comme toi, et Nicolas qui dit ils sont excellents là, mange-moi le cul, il lui a sorti, c'est excellent. Bon allez, bougez pas, on se met le son de Lady Gaga maintenant. On va se faire les teubés de la télé aussi juste après. On est là tous les soirs jusqu'à 3h, jusqu'à 2h du mat, pardon, sur Fun Radio, en direct dans toute la France, dans toute la Belgique et partout ailleurs via internet notamment. Pour nous joindre 01 42 48 pour la Belgique 02 850 4x0. On est en direct jusqu'à 2h. Rejoignez-nous également sur Facebook, on vous attend. Fun 3h, 2h. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct comme tous les soirs. Il est minuit 12, c'est la nuit sans pub là. Hop, on est tranquille. Il y a Jérém du Jérém D7 qui dit le je t'emmerde de soir, il était énorme. Il y a Ariel qui dit le pauvre est tombé chez le dealer du coin. Au moins ça a fait marrer, c'est déjà ça. Angelina, j'adore la réaction du mec, mais c'est pas moi, de la pauvre dame. Et ouais. Cassis qui dit aussi, Mickaël, ça va, c'est quoi la colle de soir? Ah bah la colle de soir, je la rappelle, c'est je suis superficiel mais je peux être lourd. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, il faut envoyer MIKL RTL et votre réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et vous pouvez jouer bien entendu aussi sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Diambarou qui dit salut les gars, moi je vous écoute depuis Dakar au Sénégal. Petite dédicace à mes potes de Bordeaux. Eh ben on embrasse les Bordelais. Et puis bah ceux de Dakar aussi là qui nous écoutent hein, via internet notamment. Il y a Juts également. Juts le gamer qui dit perso je dirais le sens car il peut y avoir un sens superficiel. Et on connaît tous l'expression lourd de sens. Ah peut-être. Quentin, est-ce que c'est le sens la bonne réponse? Non. Non, c'est pas la bonne réponse. Donc je suis superficiel mais je peux être lourd. Ce n'est pas la bonne réponse, c'est dommage. Il y a Fabienne qui dit excès de mollesse là pour les mecs au téléphone. Ah oui, effectivement, et là il est un petit peu mou du genou notre ami Quentin. Hein Quentin? Ah oui, t'es quand t'es un petit peu mou du genou là, non? Bah, je sais pas. Un peu. Ouais, je te confirme. Hein. Jean-Michel également qui dit génial, le je t'emmerde. Et alors le presse qui dit Mickaël en top tweet. Ah oh, bah merci beaucoup, j'ai pas vu. Merci beaucoup, en tout cas, grâce à vous tous les soirs. On y est. Il y a Jérém également des grosses barres depuis 3 jours que je vous écoute. Message de bienvenue, la réponse, j'ai dit c'était le maquillage. Bah Jérém, c'est pas la bonne, mais, la bonne réponse. Et tu veux un petit message de bienvenue? Écoute, j'ai envie de te dire avec plaisir. T'es tellement con, mon ami. Eh bah oui, tu es tellement con, mon ami. Et je vous emmerde, je vous exècre. Voilà, tout simplement. Hein, oui. Et puis, bah, donc voilà, si vous la bonne réponse, on donne la réponse tout à l'heure avant minuit 30 pour le la petite colle de ce soir. Tu restes avec nous Quentin, ne bouge pas de là. On va prendre Anaïs également maintenant là. Anaïs, t'es là? Oui, je suis là. Comment ça va Anaïs? Quel choix. Très bien et toi? Bah écoute, plutôt bien là. T'as entendu le je t'emmerde ou pas? Ouais, j'ai écouté, ouais. Ils ont bien joué, hein. C'est dommage, ouais. C'est dommage qu'on est tombé sur des gens qui écoutaient la radio, c'est malheureux. On est trop célèbres. Mais oui, on est trop célèbres. Et est-ce que t'as écouté l'émission hier? Non, pas du tout. Non. Oh Anaïs, coup de pelle. Dans ta gueule. C'est tout ce que tu mérites. Parce que hier, on a découvert un nouveau chanteur. Une star enfin, oui, Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre Sauzère, exactement. Bah, c'est pas vraiment un nouveau chanteur, hein. Il est connu depuis longtemps. Hein. Très connu même. Et donc, bah, je voulais savoir si vous voulez qu'on réécoute son single ce soir. Ah ouais. Jean-Pierre, yo, au pays des merveilles, le chapelet fou, le merveille. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le grand lapin blanc veut me mener dans le cul. Ah, pardon. Ouais, bah non, bah, c'est pas ça. Alors. Non, c'est pas ça. Bon, alors tu veux réécouter ou pas, toi, Anaïs? Non, c'est bon, ça ira. Jean-Pierre, au pays des merveilles. Bon, le grand chapelier, le chapelier bon, fou. Non, c'est bon. Bon, si vous voulez l'écouter avant 2h du mat, hein, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas sur le Twitter. Vous demandez aussi par SMS ou sur le Facebook. Il n'y a pas de problème. Bon, Anaïs, tu regardes souvent la télé, toi ou pas? Oui, assez. Assez, c'est quoi ton émission préférée, par exemple? Bah là en ce moment c'est Hollywood Girl. Hollywood Girl, ok, oh yeah. Perfect. Bon et là on va parler de la nouvelle émission de Nabil de Nabila pardon, qui confond les pneus et les saucissons. Fais voir. Vas-y, tout belle. J'ai l'impression d'être un saucisson Michelin. Je te jure. Ouais voilà, j'ai l'impression d'être un saucisson Michelin. Voilà, c'est le bonhomme Michelin, hein, pas le saucisson bien sûr. Ouais. Bon, et puis Nagui aussi qui nous fait une petite blague avec, avec les Grecs. Hein, il était bien, il était en pleine forme, Nagui. Quelle liqueur parfumée à l'anis est considérée comme l'apéritif national grec? À l'anis, hein, parce que pour les Grecs, on aurait pu s'attendre à un autre parfum, mais c'est l'anis. Oui, c'est pas l'anus, Nagui. Hein. Bon, et est-ce que tu regardes Nabila? Non. Bah, comme tout le monde, enfin comme personne plutôt. Oui, ça marche pas. Comme de moins en moins de monde, puisque bah le premier ils ont fait 600 000 téléspectateurs, la deuxième 300 000. Voilà. Et puis bah la prochaine zéro. Hein, voilà. Je pense que ça me paraît clair, puisque là Nabila qui nous explique comment pousse les concombres. Ah, tu me fous du concombre en fait sur les yeux là. Bah oui, pour te relaxer et puis t'empêcher de regarder mon petit frère. Je les ai cueillis sur un arbre en plus. Quoi? Ça pousse pas dans un arbre. Oh ça va, j'en sais rien d'où ils poussent les concombres moi. Je suis pas concombrologue. Oui, elle n'est pas concombrologue, non. Non, elle est concon tout court. Elle est concon tout court, en effet. Bon ben voilà, tu vois finalement t'as rien raté, hein. Oui. Rien du tout même. Bon alors Anaïs, t'appelles de l'Allier toi, c'est ça, dans l'Allier? Oui. Et est-ce que tu peux enlever ton kit main libre ou sortir le téléphone de ta bouche? Bah là je suis en normal quoi. Mais t'es dans ton lit non? T'es couché ou non? Ouais, je suis couché, ouais, c'est un boulot comme tout le monde. Hein. Mais c'est parce que c'est pour ça. C'est... J'ai entendu la différence avec le son de la voix, c'est que le téléphone est tout près de la couette ou une connerie comme ça, je pense. Ouais, je pense. Voilà, c'est pour ça. T'as vu, je suis un spécialiste. Ouais, en fait, je suis avec trop toi dans ton lit. Michel. Je suis avec toi dans ton lit, mais tu ne te rends pas compte encore. Mais justement, allons plus près dans ton lit. Combien mesures-tu, Anaïs? Je mesure 1m70. Combien pèses-tu? Je pèse dans les 54 kilos. Oh, c'est il faut manger maintenant. Hein. Quel est ton tour de poitrine, Anaïs? Du 95B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Du 34. Écoute, je veux bien une petite place. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Oui, tout à fait, en toute simplicité. Anaïs, tu voulais réagir par rapport au mec, toi? Non, elle voulait lui dire ce qu'elle porte sous sa couette. Non, elle porte rien, toi, ça te regarde pas. Ah oui, je sais pas, c'est ce que je préfère. Voilà. Bon, alors, Anaïs, on avait lancé le délire de, au début de l'émission, là. Qu'est-ce qui peut vous Qu'est-ce qui se passe derrière, là? Non, rien, juste le remarque-gueule. Ah d'accord, ok, très bien. Donc, je disais, qu'est-ce qui peut te répugner chez un mec quand t'as un rencard avec lui, par exemple, tu vois son physique alors, et il y a un truc qui peut te répugner ou pas? Eh ben, j'ai eu un rencard, en fin de compte, avec un mec dans un bar, et il arrivait avec les dents dégueulasses, les habits qui tenaient à moitié de vous, et... Attendez. Oh, mamie, c'est pas grave. Oui, c'est bon. Ah, oui, sa gueule donc... avec la grand-mère. Ouais, sa gueule, oui. Donc, je disais que... Donc, il est arrivé avec les dents dégueulasses. Ouais, avec les grosses oreilles dans tous les bras, enfin vraiment, le mec dégueulasse. Oh, l'horreur. Mais après, t'as des mecs comme ça qui transpirent, ils choisissent pas. Ouais, il faut mettre aussi des déos, faut mettre quelque chose. Il y a des déos spéciaux, tu sais, pour pas transpirer. Donc, si vous avez ce problème, démerdez-vous, trouvez, essayez plein de déos. Il y en a bien qui va vous aller, normalement. Hein. Sinon, tu mets deux t-shirts. Ouais, tu peux mettre deux t-shirts aussi, mais après, tu transpires encore plus puisque t'es encore plus chaud. Donc, au final, c'est la merde. Non, si tu mets t'as des trucs genre, tu vois, qui sont pas trop épais, qui sont pas trop chauds, et tu mets ça, et comme ça, ça absorbe. Et il y en a un des deux, effectivement, qui pue et l'autre qui. Ouais, faut essayer. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut voir. En hiver peut-être, hein. En été je suis pas convaincu du truc. Mais bon, et du coup t'as appelé rencard ou pas? Je suis barré. Tu t'es barré? Non, bah écoute, très bien. Bah écoute, pour ton information, j'ai les dents propres. Ah, ok. Voilà. Ça m'intéresse pas. Ah bah tant pis, tu vois, mais pourtant j'ai les dents propres quand même. En plus, sorti de chez le dentiste il y a pas longtemps, bah tout est propre, tout est nickel. Il a fait l'entretien. Tout Michael a été entretenu. Michael est tout top. Exactement, ouais. Bon bah merci Marion, Anaïs, pardon, Marion c'était avant. Merci Anaïs d'être passée, je te fais plein de bisous. Merci. Salut, à bientôt. Ciao, revoir. Toi aussi, bye bye. Sarah est avec nous également, 29 ans de Paris là. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir Michael. Comment ça va? Bien. Bon, tant mieux. Tu voulais réagir par rapport à la simulation, toi? Oui. Bon, alors, est-ce que comme plein de gens, comme on a pu le remarquer, hein, tu simules? Parce que c'était combien? C'était 90% des... Attends, merde, j'ai perdu. 90% des meufs n'ont pas eu d'orgasme avant 35 ans et 20% des mecs simulent. Ah oui, c'est ça. Est-ce que comme les 20% des mecs, tu simules? Oui. Oui, je simule. Ah, elle le dit, elle s'en fout. Hein. Oui, oui, je simule, oui, oui. Mais oui, c'est ça. Je le dis, oui, ça. Mais oui. Voilà, donc tu sais. Mais pourquoi tu simules? Je simule quand le mec il me plaît pas. Bah pourquoi tu dégages avec? Oui, c'est ça, t'as qu'à le dégager le mec s'il te plaît pas. Ah oui. Non. D'ailleurs, Sarah, tu nous parles de tout ça, mais combien mesures-tu? Je mesure 1m60. Combien pèses-tu? Je pèse 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 36. Ah oui. Bonne. En plus, le mec il simulait bonne. Pas. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Ouais, effectivement, ouais. Mais quand t'es avec un mec qui te plaît pas, finalement tu couches avec lui, tu simules pour lui faire plaisir et toi t'en as rien à foutre. Oui, moi j'en ai rien à foutre. Mais c'est improbable, pourquoi? Je comprends pas. Ça t'apporte quoi? Ça m'apporte rien, mais... D'accord, bon, ok, non mais... Comme ça, le mec il s'en va plus vite et puis c'est très bien. Bah ouais, au final, tant mieux. Hein, comment tu fais pour simuler? Ouais, tu fais comment pour simuler? Montre-moi. Bah, je fais des cris. Vas-y. Ouais, mais genre quoi? Genre des cris... Bon, imagine, parce que... Bon, imagine le mec te plaît pas, c'est tof, hein. Bon, au moins, t'auras pas trop difficile à imaginer. Donc, il est là, il est avec toi. Vas-y, tof. Oui. Allez. Vas-y. Allez, simule, tof. Vas-y, tof. Quoi? Vas-y, fais simule. Bah, il faut les... Oui, il a fait le bruit. Oh ça va. Oh oui. Non, non, tu la sens? Oui. Tu la sens taper au fond? Oui. Ça t'excite? Oui. Okay. C'est vrai, tu vas jouir? Oui. Ah ouais, il y a de la simulation là. Tu peux essuyer dans tes cheveux ou pas? Oh. Non. Bon, est-ce qu'il y a des filles qui peuvent éventuellement être douées? Ah, si on peut faire un petit battle garçon-fille, là, si vous êtes bon simulateur là ce soir. Vous nous appelez 01 42 48 5000 02 851 4x0. Si vous êtes bon, on peut vous filer un petit cadeau. Bah, sextoy, hein, en plus, bah, bien sextoy, sûr. Vous offrir, là, offert par. passagedudésir.fr. Voilà, très bien. En attendant, il y a aussi David qui est avec nous de Bourges. Salut David. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, ma foi, plutôt pas mal, hein, David. Sois le bienvenu. Alors, comment ça va à Bourges? La neige? Pas la neige? Ouais, non, la flotte. Ah, la flotte. Bah oui, bah ça va peut-être se transformer à un moment ou à un autre. Hein, va savoir. Je sais pas, parce que tu sais que je suis parti fumer ma clope là tout à l'heure. Ouais. Je me suis dit, je vais peut-être voir la neige que dalle. La flotte. Bon, écoute, à nous de jouer, hein, peut-être. Bon, toi, ouais. Tu nous appelais par rapport à la simulation, c'est ça? Oh là oui, putain, oh merde. Quoi? Tu simules beaucoup ou t'es déjà tombé sur des meufs qui simulaient que t'as grillé? Non, attends, on s'est fait griller, c'est pas pareil. Attends, vas-y, explique-nous plus en détail, là, parce que j'ai pas compris, là, pourquoi on? Alors, parce qu'en fait, je t'explique. Quand j'avais un certain âge, ouais, ça devait être pour ma deux ou troisième fois, je sais plus, avec ma copine, on avait essayé de le faire dans le lycée. Voilà, ouais. Dans les chiottes. Et vous êtes grillé. Ah ouais, non, mais grillé, mais pire, tu vas voir. Et en fait, le gros délire, c'est que donc, bah, je sais pas en fait si elle avait vraiment simulé ou pas du tout. Enfin bref, c'est parti en gros délire. Et à la sortie, t'avais la classe qui nous attendait. Oh, c'est bon ça. Ah ouais, non mais c'est pas bon, non. Ah si, c'est drôle. C'est fort. Ah si, ouais, c'est enfin bah, tu vois, maintenant j'en rigole, mais avant. Tu peux dire un truc? Vas-y, ouais, ça va. Moi, c'était pareil, la même chose, mais la même chose que lui. Ouais. Ouais. C'était dans le lycée. Ah mais c'est ouais. Bon ça, c'est drôle, et surtout, enfin c'est drôle. Bah c'est drôle. Mais t'es pas en train de faire l'amour, hein. De quoi? J'étais pas en train de faire l'amour dans l'école. Bah t'étais, c'est-à-dire alors? Tu disais quoi? Bah en train de faire tes devoirs. De simuler. Ah de simuler ouais. Ou de pomper? De pomper. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok. Non, parce que sur le moment même, tu rigoles pas, évidemment, quand tu te fais griller. Ah bah non, tu rigoles pas, non. Non, mais ouais. c'est après quand tu le racontes, c'est rigolo. Bah oui. Ouais, oui, c'est marrant maintenant. Enfin, maintenant, après, je m'en fous, je suis plus dans le bahut, je suis plus. Ouais, bah j'espère. Donc... pour toi, 21 piges. 21 piges, j'espère que t'es plus dedans, effectivement. Non, je suis surveillant maintenant, moi. Ah, mais non, t'es surveillant, donc maintenant, en fait, tu guettes et t'essaies de trouver quelqu'un qui fallait. Bah, j'en ai pécho déjà, j'en sais plus. Non, bah oui, ça m'étonne pas. Et tu leur as dit quoi, du coup? Parce que comme toi, t'étais dans le truc. Ah, bah, je suis arrivé, j'ai fait, je peux m'incruster? Oh, quel enculé. Non. Enfin, non, j'avais envie de le dire, histoire de le. Mais bon, bah, ça a fini. Et qui tu es, bah j'ai. Ça a fini, bah ça a fait 2 heures de colle chacun et puis voilà. Oh t'es un enculé, tu sais. Le compte est passé bon. Par là mec, t'aurais pu les laisser partout. Eh non, moi je me suis pas fait coller en plus. Ah bah en plus, mais pourquoi tu les as collés toi? Bah parce que enfin je les ai chopés et puis enfin bon moi voilà quoi. Ouais. Et puis les vos poils de cul. Voilà, c'est tout ce que tu dois faire. Ah ouais, d'ailleurs, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Parce que depuis le début je vous écoute et puis non. J'en ai même pas eu. Ah bah tiens. Et je vous emmerde, je vous exècre. Voilà. Voilà, c'est certainement un message de tes élèves là. Ton cul, toi ta mère, ta grand-mère. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon ben merci David en tout cas d'être venu. Hein. De rien. Et dis, en fait, je voulais aussi dire merci à l'équipe de France pour hier. Ouais. Pour? Bah 3-0, c'était pas facile à mettre. Hein. Ouais, bon, enfin, ouais. Il était temps qu'il se réveille aussi surtout. Hein. Oui, c'est vrai. Bah oui. Non mais c'est bien. Viens juste c'est de bien, se réveiller l'équipe de France. De quoi Sarah? J'ai dit, viens juste de se réveiller, voilà qu'il se réveille avant. Hein. Bah oui, non mais c'est bon, c'est le principal. Attends, j'aime trop tard pour bien faire. Le principal, c'est d'aller au Brésil. Ouais, voilà, c'est ça. C'est moi, je m'en fous, j'y étais cet été, alors. Ah, quel enculé. Arrête de te dire, le pion. C'est équilibré. Le pion. Bah oui. Allô. Est-ce que oui. T'obliges tes élèves à écouter l'émission ou pas? Je crois que je vais le faire. Voilà. Attends. Tout le quatrième étage, déjà, on vous a écouté tous ensemble hier soir. Mais qu'est-ce parfait. Qu'on s'est tapé des barres. Tu as donc entendu cette magnifique chanson? Je suis Jean-Pierre. Ouais, d'ailleurs, moi j'aimerais bien la réentendre. Non, bah très bien. C'est fou. Allez, on chante tous ensemble. Dans allez. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Fais pas ça où c'était des orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le bienvenu. Pas pour les enfants, ça. Je suis Jean-Pierre, des merveilles. Oh bon, si vous voulez chanter avec nous sur Jean-Pierre Sauzère, il nous Wonderland. Mais appelez-nous. Bon, ben David et Sarah, merci beaucoup d'être passés en tout cas. À bientôt. Est-ce qu'on pourrait avoir un pack fun? Oui, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse, sans problème. C'est gentil. Salut David. Bon, allez, bisous la famille. Ciao. Allez, salut David. Salut à Sarah également. Là, on aura Nancy dans quelques minutes. Salut Nancy. Salut. On dit Nancy ou Nancy? Nancy. Ah, wow. L'American Nancy. Oh, okay. Yeah. Bon, Nancy, 23 ans de Avery. Exactement. Ok. Ah, tu veux parler de la simulation ou tu veux faire la simulation? Non, je veux parler. Tu veux parler, très Allez. Bien, Nancy, parfait. Ne parle pas de d'abord, elle veut nous dire combien elle mesure. Non, elle veut... Oui, bon, d'accord, ok. Combien mesures-tu, Nancy? Nancy. Nancy, combien mesures-tu? 1m59. Combien tu pèses? 52. C'est mon con, mon ami. Quel est ton tour de poitrine? 90B. Et la taille des pantalons que tu as acheté? Ton cul. 36. Oh oui, simule ce que tu veux. Et si tu veux, on peut le faire vraiment. Evry, c'est pas loin, j'arrive avec mon autolib. Wow, génial avec l'autolib. Avec ma blue car. Attendez, parce que j'ai oublié de mettre la musique. Allez vous faire faute. Voilà, Nancy. Bon, alors tu vas pas bouger, on va parler avec toi dans quelques minutes de simulation, hein, d'accord? Y'a pas de soucis. On aura Mickaël également de Perpignan. T'es là, Mika? Ouais, je suis là. Très bien, on aura également Benjamin, t'es là Benji? Oui, je suis là. Eh ben, bougez pas, on va parler avec vous trois et tous les autres qui vont débarquer entre temps. Vous nous appelez, donc vous soyez, n'hésitez pas, vous appelez le 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Rancard également sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a le bœuf ferré qui dit Toff est un gros dégueulasse. Ah oui, ça c'est pas nouveau. Pas du tout. Et puis on écoute le dernier son de Drake maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit. Ah, il fait du bien celui-là, tiens. Le son de Drake sur Fun Radio, Hold On, We're Going On. Il est minuit 32, bienvenue si vous venez de débarquer. Il y a Global DJs qui va débarquer. On écoutera aussi Kesha. Il y aura aussi Clan Carousel avec Son and Kranz, Eminem. Et puis bref, si vous voulez écouter des sons en particulier, vous êtes les bienvenus, vous demandez, n'hésitez pas. On est en direct et il n'y a pas de pub sur Fun Radio. Il y a Clément qui dit moi je simule au foot pour avoir des coups francs. C'est drôle ça. Soukaina aussi, la honte dans le lycée. Ah oui, c'est par rapport au pion là qui disait qu'il s'était fait griller en train de niquer sa copine dans un lycée, et après tout le lycée l'attendait derrière la porte et l'applaudit, c'était beau. Et le prince qui dit c'est complètement débile de simuler, ça apporte quoi sérieusement? Moi je suis d'accord, ça sert à rien. Bah pour le mec c'est bien, mais en fait je suis pas contre la simulation si c'est juste une fois, tu vois, parce que genre parce que t'as peut-être pas envie, t'as envie de faire plaisir à ton copain ou à ta copine, juste un coup, voilà, c'est bon. Mais si effectivement vous prenez jamais de plaisir et vous simulez tout le c'est temps, bizarre. Ah ça va être une angoisse à terme. Ah, oui. Et puis le pire, c'est quand à un moment vous allez en avoir plein le cul parce que ça va arriver et que vous allez dire à votre mec ou à votre copine, ouais non mais en fait j'ai problème, tu sais, quand vous allez vouloir être franc et que vous allez vouloir trouver une solution, ouais mais tu prends pas de plaisir depuis quand? Bah depuis le début. Oh, c'est ah bon, donc ça fait depuis le début tu te fous de ma gueule. Et donc au final vous allez plus avoir de copain ou de copine et vous serez toujours avec le même problème. Donc réfléchissez bien. Et I'm a cat aussi qui dit moi j'ai eu un rendez-vous avec un mec rencontré sur un site, il s'est jeté sur moi pour m'embrasser, il m'a léché le visage. Oh, oh quelle horreur. Classe. Oh, c'est bon ça. Et Stéphanie qui dit moi je suis dans les 90% mais je ne simule pas. Léa qui dit le plus sale c'est la barbe chez un mec. Ah, j'aime pas la barbe, hein. Enfin, c'est quand ça va, comme c'est comme moi, c'est genre j'ai un. C'est même pas un demi-centimètre. Non, c'est pas un duvet, mais tu sais, c'est une barre de 2-3 jours que je laisse de 2-3 jours tout le temps, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas comment expliquer. Donc elle a plus de 3 jours, si c'est une barre de 2-3 si, jours. Mais je laisse ta longueur, pas en termes de taille, je veux dire. Enfin, un millimètre, quoi. Vous avez remarqué que Toff, il est mieux avec la barbe parce que là, ça fait bizarre. Bah ouais, il s'est rasé, c'est une horreur. Il y a Alexou qui dit ce qui me répugne chez une fille, c'est l'odeur de sueur. Les dents jaunes, c'est qu'elle, c'est quoi? Et qu'elle se trouve trop grosse. Ouais, mais ça, c'est chez une fille, si tu veux. Toutes les meufs se trouvent trop grosses. Il y a Félicia qui dit un saucisson Michelin, mais qu'est-ce qu'elle est conne, celle-là? Oui, c'était par rapport à Nabila, on en avait parlé. I'm a cat qui dit encore je kifferais appeler Fun pour gagner le sextoy. Bah appelle-nous I'm a cat là, on fait le jeu de la simulation là. Si vous voulez tenter de battre ces 20 femmes qui ont fait une simulation dans un restaurant à New York, j'ai mis la vidéo sur le Facebook et sur le Twitter, donc allez voir facebook.com/mikaelofficiel. On va jouer dans quelques minutes, donc appelez-nous si vous voulez faire le jeu. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et enfin Alexandre qui dit Mikael fait une petite dédicace à Elodie, elle vous écoute pour la première fois. Eh ben Alexandre, pour Elodie. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou, yo. Je me croque les orteils. Hey. Je suis Jean-Pierre. Et si vous voulez chanter la chanson avec nous, hein, la nouvelle chanson de Jean-Pierre Saussaire, appelez-nous également 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. Le nouveau son de Jean-Pierre Saussaire qu'on vous repassera tout à l'heure, bien entendu. Bon, allez, on va récupérer Nancy dans quelques minutes. Ah oui, Nancy. C'est... Et avant cela, on fait un petit point sur le top tweetos peut-être. Bien sûr, faisons un point sur le Allez, top tweetos. Je rappelle qu'avant 2h du mat, on verra quels sont les 5 auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Et puis on va également donner un cadeau, un petit sextoy au numéro 1. Bon. Si on devait tout arrêter maintenant, en numéro 5, il se passerait quoi? Eh bien, nous aurons Fred S. Très bien. Numéro 4. Sayakura. Très bien. Numéro 3. Alexou. Ok. Voilà. Bon, d'accord, ok. Numéro 2, Cédric. Et numéro 1, Let's Be Free. Alors attention, Let's Be Freaks, je tiens juste à préciser que bon, c'est vrai qu'on offre un sextoy au premier, donc ça fait quand même deux que tu nous rates. Donc techniquement, si t'es toujours premier, on va quand même filer le sextoy au second, voilà. Si ça te dérange pas. Parce qu'il y a un moment, tu vas ouvrir un sex shop chez toi. Donc, Et puis deux, ça suffit parce que t'as pas, elle a pas 150 trous non. Voilà, c'est ça. Donc non, avant, c'est normal. Par contre, on pourra t'offrir éventuellement le single. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier fou. Voilà, donc nouveau single de Jean-Pierre Saucer, bien entendu. Bon, on va récupérer la belle Nancy. Est-ce que tu es de retour, la Nancy? Magnifique Nancy. Je suis là. Ah oui, je suis là. Oh là là. Avec sa petite voix de coquine, Nancy. Oh là là là là, Nancy. Je suis Polo, joueur de pipeau. Ouais, bah c'est ça. Super, magnifique, ouais. Ah, génial. Bienvenue sur Fun Radio. Ah ouais. Je ne suis pas très beau, mais. Il ne sait pas très bien jouer du pipeau non plus. Oui, c'est sûr. Bon, Nancy, alors tu voulais réagir par rapport, par rapport à la simulation, toi. Tu voulais pas faire le concours, alors, comme les vannes new-yorkaises, là, non? Non. Vas-y, Nancy, je te lance. Vas-y, t'es prête, vas-y. Vas-y, Nancy, c'était bon, ça te plaît, ça, vas-y. Super, vas-y. Hein, putain, ah. Vas-y. Vas-y, Nancy, là. Allez, là. Petit claqué de fessier. Vas-y, la pire simulation du monde. Vous êtes offerte par Polo. Ouais. Vas-y, la putain de tarasse. J'ai mis Pierre Woodman pour ceux qui connaissent. Si tu dis ça au pieux, c'est chaud quand même. Ah ouais. Mais Woodman le fait dans ses castings. C'est vrai, oui, mais c'est un casting. Il dit la putain de tarasse. Mais oui, il parle à la meuf comme ça. Ça vous montre le niveau de ce que Polo cherche sur YouPorn. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, donc vas-y, nique la putain de tarasse. C'est bien, c'est pas mal. C'est très classe. Bon, Nancy, vas-y pour la simulation, t'écoutes. Oui, donc pour la simulation, personnellement, donc c'est vraiment pitoyable. Je vois pas pourquoi les gens. Ce n'est pas digne de pitié, c'est vrai. Oui. C'est soit il est bon, soit il est pas bon, et puis c'est tout. Mais d'accord. Ah ben toi tu simules pas en fait. Bah non, pas du tout. D'accord, ok, non mais c'est bien. Non, la dernière fois, bon, le mec il était encore occupé, je suis parti. Je l'ai laissé faire des va-et-vient, mais je n'étais plus là. Voilà, complètement, ouais. Et donc, jamais de simulation, et t'es déjà tombé sur un mec qui simulait? Non, pas du tout. Enfin, que tu saches en tout cas. D'ailleurs. Pas que tu saches. Bah, ouais, pas que je sache. Bah oui, c'est ça, pas que tu saches. Tiens. Il y a Angela qui dit désolé de le dire, mais Polo a une voix de PD. Voilà, il est content Angelina, c'est bien joué, c'est pas mal. Bon, attends, il y a également Benjamin qu'on va récupérer là, dans Guyane-les-Bains. Salut Benjamin. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et vous? Bah oui, très bien aussi. Hein, en Guyane-les-Bains et bon. Sa fameuse station thermale. Génial. Exactement. Ah ouais, mais c'est génial. Et son casino. Ouais, mais voilà, c'est bien. Exactement. Bah super, bah, je vais venir en Guyane-les-Bains, on va se marrer. Polo est guide touristique en Guyane. Chercher un endroit à visiter, appelez Polo. Tout à fait. Bon, Benjamin, toi, tu voulais réagir à la simulation ou tu voulais faire le jeu de la simulation? Non, je réagis à la simulation, oui. Très bien. Bon, alors vas-y, est-ce que comme Nancy, t'as jamais fait la simulation ou t'as déjà fait? Dis-moi. Oui, moi j'ai déjà simulé, forcément, comme tout le monde au début. Hein. Je suis encore jeune, donc voilà. Bon, j'ai jamais simulé au début. Oui. Bah oui, mais surtout ma copine. Bah au début, on sait pas trop comment s'y prendre et. Ouais, mais tu simules pas, tu t'y prends mal. Ouais, tu t'y prends mal, t'essayes, tu fais des essais, oui, tu testes. Bon ouais, ok. Alors vas-y, continue pour la suite. Ouais, c'est ma copine. Bah, au début, elle jouissait trois. Enfin, la première fois qu'on l'a fait, par exemple, elle a joui trois fois. Je pensais que j'étais assez bon, mais elle a fini par m'avouer que non, elle a simulé. Et bah c'est vrai que sur le coup, j'ai mal pris. Et du coup, bah j'ai tout fait pour. Comment dire? Dis-moi, comment dire, oui? Pour forcer la chose, en fait. Pour me rattraper, et du coup, j'y suis allé un peu plus fort, et non, bah, elle m'a dit que non, elle a pas simulé, et que, voilà, j'étais son dieu, entre guillemets. Ouais, ouais, et elle a kiffé, alors? Ah ouais, elle a kiffé, oui. Bon, bah, très bien, hein, très bien. Y a un petit message aussi, il y a Miguel qui dit en même temps, les femmes auraient pas besoin de simuler si tous les mecs sauraient s'en servir. Alors, les si n'aiment pas les raies, Miguel, ça c'est la première chose. Petit moyen mémotechnique. Voilà, les si n'aiment pas les raies, hein, donc, quand tu mets un si, il n'y a jamais un mot derrière qui termine par raie. Ça n'existe pas, c'est impossible. Voilà, il n'y a même pas d'exception à la règle, rien. Ce n'est pas possible. Voilà, donc la vraie phrase aurait été, Miguel, en même temps, les femmes n'ont pas besoin de simuler si tous les mecs arrivaient à s'en servir. Par exemple, voilà. Hein, tu vois, c'est une petite correction comme ça en speed. Qu'est-ce qu'il y a de tof et dégueulasse? On dirait un mec de 50 balais, c'est Anthony. Clément qui dit, Nancy a une petite voix de coquine sexy, une voix typiquement américaine. Mmh. Are you American, Nancy? Where are you from? I don't speak English. Ah, you don't speak English. Ouais, donc tu es une vraie américaine, quoi. Ah ouais, une vraie américaine, une very, very, very, very American girl. You don't speak English. Comment? Non, je demandais si tu ne parlais pas anglais, mais tu viens me le confirmer. Il y a Romain qui dit salut Mickaël, à Limoges il commence à neiger, Luxembourg aussi ça neige apparemment, Nancy, bah justement tu en parles, Metz aussi ça commence à tomber, donc bah tenez-nous au courant hein, où vous êtes actuellement, là comment ça se passe. Demain la France hashtag, est à l'arrêt. Ah peut-être, ouais. Hashtag et Mickaël sur le Twitter, allez-y. Il y a Lolo qui dit vous déchirez, je vous écoute depuis 2 mois et je me tape des barres tous les soirs, je peux avoir un petit message de bienvenue? Bah bien sûr. Ah merde, attends. Allez vous faire fausse. Voilà. Et alors Nini qui dit voilà, j'ai la musique de Jean-Pierre Sauzère dans la tête maintenant. Bah oui. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Et je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le grand lapin blanc. Tu connais blanc. Aussi, là, la chanson? Oui, un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Et toi, Benjamin, tu connais la chanson de Jean-Pierre Sauzère là? Ouais, bah je vous ai écouté hier. Donc ah bah oui, bah oui, je suis bête, évidemment. Alors, est-ce que tu veux la réécouter tout à l'heure, toi? Bah pourquoi pas, pourquoi bah pas. Oui, c'était drôle. Et toi, Nancy? Avec plaisir. Avec plaisir. Bah il va être content, Jean-Pierre Sauzère. Hein. Oh là là, là. Enfin, on le rappelle pour. C'est-à-dire que la promotion qu'on vient de lui faire là depuis hier, là, il est au taquet. Hein. Alors le sous-chef a râlé, parce qu'il dit oui, mais tu vends pas aussi bien les titres de la radio. Dit, oui, bon, enfin, c'est mal. Oui, mais bon, bah allez, écoute, je m'excuse, mais il y a la qualité. Hein. Jean-Pierre, la qualité est là. Pays des merveilles, le chapelier fou veut me croquer les orteils. Elle est contente, elle est contente. Bon, attendez, il y a aussi Déborah qui est avec nous là. Déborah, 29 ans de Reims. Comment ça va, Débo? Salut, Mika. Ça va? Ça va et toi? Ben oui, très bien. Déborah, tu voulais faire le. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu veux parler de la simulation ou tu veux faire le jeu de la simulation? Un petit battle, parfait. Alors, ah bah justement, on a Benoît qui est là également, de Bugy-la-Neuse. Salut Benoît, ouais. Benoît, ça va? Salut l'équipe. Bon, toi tu veux faire le jeu ou tu voulais réagir? Ah, moi je veux faire le jeu, ouais. Ah bah très bien. Non, moi je suis chaud. Ah bah ouais, tu vas affronter Déborah. Ah, tu vas affronter Déborah et bah, on va faire ça en quelques minutes. Alors Nancy, bah tant que t'es là, reste avec nous, hein. Avec plaisir. Tu seras juge, tu seras à mes côtés en jugette. Aïe, je suis bien placée en plus. T'as t'es vu côté. Eh oui, t'es bien installée, comme tu peux le remarquer. Ah oui. Bon, bah heureusement, je n'ai pas de chaise, donc tu resteras debout. Par terre. De quoi tu dis, Déborah? Bah, elle se mettra sur toi, sinon. Ouais, oui, bah, bien sûr. Ah oui, je vais bien, moi. Mais voilà, alors. Bien entendu. Hein, j'ai mal de jambes, les filles, y a pas de problème. Bon, restez là, les filles. On va donner la réponse également à la colle avec... Non, y a même pas de réponse pour l'instant à la colle. Je suis un peu surpris, là. Bah, tant mieux, l'autre. Hein, mais on va laisser encore 10 minutes aux auditeurs. Si personne ne trouve de bonnes réponses, ben, ce sera gagné pour toi, hein, Quentin. Hein. Quentin mieux. Oui. Oh là là, mais deux qui est mousse, là. Tu vas être arrêté. Oh là là. Police de la bande FM, monsieur, vous êtes arrêté pour un excès de mollesse. Ah oui, tu vas aller direction Guantanamo, tu vas voir. Ouais, ça rigole pas. Bon, répète la colle, s'il te plaît, Quentin. Je suis superficiel, mais je peux être lourd. Qui suis-je? Je suis superficiel, mais je peux être lourd. Qui suis-je? Pour vous donner un petit indice, Sandro a un gros problème avec ça. Un gros. C'est toute ma vie. Enfin, elle en a trop surtout. Oui, elle en a trop. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. On proposait le temps, c'est pas ça? Quentin! Oh là là! Quoi? Réveille-toi! On proposait le temps, c'est pas ça? Non. Non, Jean-Michel qui proposait un ballon de baudruche? Non. Un bijou? Non. Une vie? Non. Émilie qui proposait Paris Hilton? Non. Damien qui proposait une blessure? Non. Bon, allez-y, il vous reste 10 minutes parce que personne n'a trouvé pour l'instant. Donc vous envoyez Mickaël, espace, la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Sans oublier également que vous pouvez jouer sur le Facebook maintenant. Facebook.com/Mickaël officiel. Si dans 10 minutes, il n'y a pas de bonne réponse, Quentin, c'est toi qui gagne malgré ta mollesse exemplaire. D'accord, Quentin? Ouais, tu n'auras pas gagné pour ta pêche. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, restez tous là. On fait le battle de la simulation. Déborah et Benoît et Nancy et Benjamin dans quelques minutes. Vous restez là? Ah, Benoît, il est chaud. Et attends, on sait pas encore à quoi ressemble Déborah. Hein. Oui, c'est ça que j'allais dire. On n'a pas encore fait le tour. Exactement. Bon, on va se mettre. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Il y a GK Shah, Global DJs ou Clan Carousel? Global DJ. Global DJs. Allez, c'est parti. Global DJs maintenant sur Fun avec Kids. Juste après, on fera quelques appels encore avec Toff. Hein, oui, avec plaisir. Pour voir si les gens ont déjà simulé. Si vous avez des numéros de gens encore debout à cette heure-ci, n'hésitez pas, appelez-nous maintenant. Enfin, vous envoyez des numéros plutôt sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Bonne soirée, bonne nuit. Global DJ sur Fun Radio à l'instant avec Kids. Bienvenue si vous débarquez. Je vous cale le son de Clan Carousel dans quelques minutes avec Sound and Dance et Kesha Pool également. Ça va débarquer avec Timber sur Fun Radio. Et alors aussi un morceau préféré pour l'instant, Eminem Rihanna avec The Monster. Vous aimez ça les filles, Déborah, Nancy, Sarah? Ah oui. Ah vous voyez. Ah oui, j'adore. Vous le dites bien hein, quand vous aimez ça les filles. Vous voulez que je vous le mette plus loin encore, Eminem et Rihanna? Ah oui. Encore plus profondément. Plus loin. Oh vas-y, mets-le. Voilà, je le mets. Hein. Attention, il pénètre dans vos oreilles. Ah ouais. Voilà, il pénètre encore un petit peu plus dans vos oreilles. Oh merci. Voilà. Vous kiffez les filles? Thank you very much. Parfait. Eh ben voilà, tu vois. Écoute, avec plaisir. You're welcome. Hein, comme ça, on aura fait toutes les langues. Bon, il y a le meuf Ferré qui dit pour la vidéo, le pauvre cuisinier du resto, là, il a dû vérifier les épices qu'il a mis dans le plat du jour. Il a dû être en panique. Tu m'étonnes. La vidéo où il y a les 20 filles qui sont en train de simuler dans un resto à New York. J'ai mis la vidéo sur le Facebook. Allez voir si vous voulez. facebook.com/MIKELOfficiel. Et Samir qui dit merci l'équipe pour les bons moments avec vous. Changez rien. Moi, ce qui me dégoûte grave, c'est les moules qui puent. Ah, oh, bah oui, tu m'étonnes. Ah, ouais, c'est vrai. Et Ludwig qui dit ce tube de Jean-Pierre de Vanderland devrait faire. Partie du clash avec Dario. Ah oui, on va lui proposer. Ah bah. Tiens, effectivement, oui, effectivement. Je suis Jean-Pierre, Jean-Pierre, des merveilles. Il est fou, je me croque les orteils. Oh, quelle horreur. Tout est rien est bon quoi. C'est un canon. Ah ouais, c'est ça, c'est un carnage. C'est plutôt carnage, comme ça qu'on doit l'appeler. Bon, on va faire quelques appels avant de vous prendre et avant de faire le battle de la simulation. On appelle, c'est la bonne idée. On attend de te chauffer un petit peu. Voilà, c'est ça, chauffez-vous mutuellement. Et pendant ce temps-là, on appelle des gens des numéros qu'on a reçus sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, de gens qui peut-être ont déjà simulé. Donc on va leur poser la question maintenant. Allons-y. C'est parti. On y va. Merci pour les numéros, il y en a eu beaucoup. Hein. On va essayer d'appeler tout le monde ce soir, mais c'est pas gagné vu le nombre de numéros. Allô ? Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà simulé pendant un rapport sexuel. De quoi ? Est-ce que vous avez déjà simulé pendant un rapport sexuel ? Et qu'est-ce qu'on a à foutre ? Bah, c'est juste pour savoir, madame. Bah, mais qu'est-ce qu'on a à foutre ? Bah, pas grand-chose, mais c'est comme en fait, a priori, il y aurait 20% des hommes qui auraient déjà simulé et 90% des femmes qui n'ont pas eu d'orgasme avant 35 ans. Je me dis que peut-être vous avez déjà simulé. Bah oui, carrément, bah oui. Ah. Ça donne savoir ma vie ou quoi ? Bah non, je veux juste savoir si vous avez déjà simulé. T'as que ça à foutre ou quoi ? Bah non, moi j'ai pas que ça à foutre, moi je vous appelle juste pour savoir si vous avez déjà simulé. Mais t'iras fourrer ta copine, bâtard. T'iras fourrer ta copine, bâtard. grande classe. On rappelle ? Non. Allez, bonne celle-là. Ouais, bon, attends, bah alors, il y en a un qui veut pas, l'autre qui veut, donc on va rappeler. Bon allez, c'est parti, une dernière en tout cas, allez hop, on speed. C'est un sondage. Attendez. Oui, bah oui, on peut dire ça. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez ? Bah savoir si vous avez déjà simulé, monsieur. Non, mais ça va pas. Bah si, ça va, monsieur, et vous ? Bon, connard. Connard quand même. Eh ben voilà, connard, au moins ça mérite d'être clair. Hop, ça y est, c'est plié, c'est bouclé. Le mari était aussi sympa que la meuf. Complètement. Il y a Tanguy aussi, je vous écoute depuis une semaine, je suis à fond. Moi aussi, je vois mon message de bienvenue. Bah, avec plaisir, t'inquiète pas, attends là. Attends, on a mal entendu. Et je vous emmerde, je vous exècre. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Stéphane qui dit c'est des cochons. Hein, et Daoud Douida qui dit ce qui me dégoûte aussi, ce sont les filles au pied de loup-garou. Burke, c'est quoi un pied de loup-garou ? Avec les poils. Attends, avec les poils sur les orteils, ça c'est horrible. Ah ouais, ça c'est bien laid, ça. Ça c'est bien laid. Ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Bon, alors, attention, on va faire la première. Donc Nancy, tu seras juge, et avec nous, évidemment. Et puis on va accueillir donc Déborah et Benoît qui vont faire le jeu de la simulation. Bon, alors, Benoît. Oui, mais... Ouais. T'appelles de la Meuse, Déborah t'appelles de la Marne. Si je puis me permettre, nous n'avons pas fait connaissance avec Déborah. C'est vrai. Déborah, combien mesures-tu ? 1m69. Combien pèses-tu ? C'est parfait, c'est comme par hasard. Idéal. Combien pèses-tu, Déborah ? 62. Quel est ton tour de poitrine? 95 D comme Denise. Ah, D comme Denise, alors c'est, D comme Denis Bar énorme. Voilà. Et la taille du pantalon que tu as acheté, Déborah? 38. C'est pas le même gabarit que Nancy, mais... Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. C'est deux gabarits sympathiques, mais différents. Est-ce que vous voulez faire connaissance avec Benoît? Ah oui, Benoît, il y a bonjour. Alors Benoît, combien mesures-tu? Voilà, je mets pas de musique. Alors, je mesure 1m78. T'as vu, c'est moins glamour quand il est. Ah ouais, il est grand. Bah, il est grand, mais il est à la même taille que moi. Oui, 1m78, très bien. Combien pèses-tu, Benoît? Pour 78 kilos. D'accord. Quelle est la taille de ton membre? En érection, bien sûr. 20, 21, 22. Ouais, c'est ça. Donc 18, on va dire 12. Hein. La taille de ton membre. Et quelle est la taille des pantalons que tu as acheté? Faut demander à ma mère. Oh, genre. Le gars, il a peut-être pas de téléphone. Ça va pas gérer. Ouais. Mais t'as pas un pantalon là? Tu peux pas regarder? En taille américaine sur un, tu sais, genre 32, 34. C'est un 32. C'est comme moi, parfait. Bon, bah parfait. C'est bien ça, non? Ouais, 32, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il est bon, ouais. Bon, alors, est-ce que vous voulez une petite musique, sympathique pour... Une petite musique d'ambiance. Voilà, est-ce que vous voulez... Joe Cocker, moi, je veux. Ah, Joe Cocker, bah non, c'est ringard. Tu veux pas que je te chante une chanson? Allez, si, on peut changer. Je peux chanter une chanson? Ouais. Est-ce que vous voulez que je joue la guitare et que je chante en même temps? Avec plaisir. Bah écoute, alors je fais un exemple. Je fais un exemple et vous me dites si ça va, d'accord? Ok. Allez. Bon, allez, attention, je sors la guitare. Attendez, je me mets là. On y va. Talent. Écoutez, c'est le merci, talent. Merci. Écoutez ça. Ah, attendez. Elle est mal accordée. J'ai la voix un peu enrouée, mais je vais essayer de chanter. Alors, comme d'habitude, attention, c'est parti. Salut, c'est pas trop mal, Mika. Ah, merci beaucoup. Merci, hein, merci. Donc, on fait celle-là, c'est bon? Ouais, allez, on va aller. Ouais, c'était nickel. Bon. Ok, nickel. Bon, alors, Déborah, Benoît, vous avez une minute. Benoît? Ouais? Je t'ai vu arriver, là. Salut, Déborah. C'est pas le jeu de la drague, hein. Ah, merde. C'est le jeu, c'est la simulation. Ça, Benoît. Ouais, droit au but. Droit au but. Droit au but. Droit au but. Directement tapé. Tape au fond, ouais. Directement. Te tape au fond, c'est pas la merde. Comme hier, les bleus. Allez. Voilà. Ou alors, vous préférez cette musique-là? Non, la première, ça ira. Ah, d'accord, ok. Bon, allez, on y va, c'est parti, droit au but. Vous avez, alors Nancy, on leur laisse combien de temps là pour faire la simu avant de juger? 30 secondes? Ouais, 30 secondes. 30 secondes, ça me paraît honnête, hein. Ouais. Bon, ouais. Allez, ok, vous êtes prêts? On est prêts. Oui. Déborah, Benoît, allez. Ready. C'est parti, je me mets à la guitare. C'est parti. Bon, attention, je rentre, hein. T'es comme ça, toi. Attention, je rentre. Allez, hein? Oh, oh, oh, oh, oh, c'est bon. Oh, oui, t'as pris. Oh, oh, quelle bonne chasse. Oh, là, je sens bien, là. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oh, c'est bon, là. Oh, oh, oh, oh, oui. Oh, oh, oh. Ah, oui. J'arrive pas à me contenir. Oh oui, claque bien comme ça. Je peux claquer toutes fessées. Oui. Les connels sont standards, ils aimeraient qu'on arrête de souiller leurs chansons. Oh, quel bon petit cul. Qu'est-ce que c'est que cet animal en rut? Ça faisait longtemps. content, Benoît? Oh, c'était formidable. Ah, c'était bon, j'avoue, c'était bien. Est-ce que vous avez bien entendu, Benoît, qui n'a pas dit c'était formidable, mais j'étais formidable. Ah, c'est ça. Non, écoute, alors, la vie de Nancy d'abord. Ah, ils étaient vraiment affamés, franchement. Ah, lui, il avait la dalle. Ah, il avait faim. La dalle, je suis un chaud. Ah, lui, il avait la dalle. Et alors, pour Déborah, Nancy? Ah ouais, nickel. Elle a bien fait, franchement, nickel. D'accord. Merci. Bon, alors, attention, on va faire... alors, donc, pour l'instant, lequel est le meilleur, Benoît ou Déborah? Benoît est le meilleur. Ah non, okay. Moi, j'ai bien aimé Déborah, moi. Ouais, non, mais forcément, Benoît, on a compris, j'imagine bien. Bon, alors attendez. Alors attendez, ce qu'on va faire maintenant, plus dur. Déborah. Ah, plus dur. Oui, plus dur. Déborah. C'est mieux quand c'est dur. Je te présente Sarah. Et il va falloir simuler entre filles. Ah. Oui. Eh oui. Benoît, je te mets sur le côté, ne bouge pas. Et moi, je regarde alors. Ouais, toi, tu regardes. Ouais, toi, tu regardes. Voilà. Allez, hop, on y va. Bon, Sarah. Oui. Ah, Déborah, Sarah, Déborah. Salut, Sarah. Salut, Déborah. Et il faut donc, pendant 30 secondes, que vous simuliez entre filles. Alors, je cherche un mec également. Je cherche un mec après pour simuler avec Benoît. On va faire une simulation d'homme. Mais viens, Benoît, je suis là. Voilà. Je vais te démonter ton cul. On va faire une simulation. On va faire une simulation de couilles dans quelques minutes. Voilà. Donc, on a fait la version hétéro, on fait la version homo Gwyn, et on fera la version homo gay juste après. Ok? Okay. Alors, Sarah et Déborah, vous êtes hétéro ou pas? Non, oui. Ah, qui a dit non? Oui. Bon bah alors, c'est non. Donc, est-ce que vous aimez toutes les deux les grosses queues? Voilà. Oui. Ah oui, moi j'aime la bite. Très bien. Bah. Non, mais qui c'est qui a répondu ça? C'est Déborah, ah ouais, très Déborah, bien. Déborah, t'es en chien. Ah ouais, toi t'es en chien, toi t'as craint, t'as faim. Ah, c'est Benoît, il m'a chauffé là. Polo@funradio.fr. Je peux me déplacer, je prends un taxi, hop. Ça, ouais. Jusqu'à Reims, ça fait loin. Ça marche un peu loin. Ouais, mais c'est pas grave. Il a une demi-route. Ouais, mais t'inquiète pas, il a faim. Bon, Déborah, Sarah, attention, le simulation de filles. Vous êtes prêtes? Oui. Bon, Nancy, écoute bien, parce que tu dois juger. Ok. Allez. J'ai l'oreille. Ok, vous voulez nous voir la musique ou vous faites ça sans musique? Une musique. Alors attends, qu'est-ce que je peux te mettre comme musique? Oh, je vais te mettre du ringard. Voilà. Dirty Dancing. Exactement. Allez. Allez. Quand vous voulez. Là, c'est Dirty Brut Minou. Oui. Hein? Ah, ça va. Allez, vas-y. C'est mieux. Petite pensée à tous ceux qui sont allés en train de se taper une molette. Oui. Le chauffeur de taxi. Au routier. C'est ça. Ouais, vas-y. Vas-y. Bon, hop, très bien. Alors, vous n'avez pas beaucoup discuté, c'est vrai que Benoît avait quand même plus de tchatch hein, pendant tout ça. Ah, Benoît. Ben, c'est vrai. Ah ouais. Ah, oui. Ce qui serait bien, c'est d'avoir Gilou et Philippe pour le battle mec. Mais là, mais moi, je fous pas. Et bah, tu sais, ça va être horrible. Voilà, parce que bon, pour ceux qui débarquent, donc Philippe, on l'a rencontré la semaine dernière, c'est lui. Allez, vous me cassez les couilles. Voilà. Et Gilou, c'est lui. Hein. Oh, tu pourrais pas me toucher un peu de... Voilà, c'est ça. Ah, mais il est là. On l'appelle, il est là. Gilou. Oui. Ah mais comment ça va? Oh Gilou, ça va doucement. Ah bah qu'est-ce qui va pas Gilou là? T'es pas prêt pour la simulation? Ah bah je suis tout seul. Ah bah oui mais justement. Bah c'est pas grave Gilou, non si on est toute seule. Eh hey, Gilou, il y a Déborah qui est là. Avec une femme ça sera beaucoup mieux. Hein. Eh regarde, il y a Déborah, il y a Sarah, il y a Nancy, toutes ces filles pour Salut, toi Gilou. Gilou. Salut. Elles sont belles. Elles très belles, elles sont magnifiques. C'est les auditrices de fun, évidemment qu'elles sont belles, Gilou. Des canons, Gilou, des canons. Qu'est-ce des canons. Qu'elles sont bonnes. Qu'est-ce exactement, elles sont très très bonnes, trop Gilou. Bonnes. Trop bonnes, trop ouais, méga bonasses. C'est pas la fin de Comment 5 minutes. Gilou. Oui. Bon, tu veux laquelle, Sarah, Déborah? J'aime bien Sarah. T'aimes bien Sarah? Ouais. Sarah, je te présente Gilou. Bonsoir, Gilou. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir mon chéri. Pourquoi tu rigoles? Tu rigoles pas? Je t'écoute. Hein. C'est parti, attention. T'as des beaux yeux, dis donc. Oh, là, là. Mais alors, je me branle ou pas là? T'as de beaux yeux. Ah ben, si, c'est vrai, non, mais sans déconner, c'est vrai. On te l'a jamais dit? Non, non, on me l'a jamais dit. C'est par téléphone qui marche pas. Ouais. Oui. Ah, vu combien tu fais? 95 95 C. B? Si. Ah, t'es une petite, tu dois faire 1m65 à peu près. 62, 65. 1m65, oui. Alors, tu vois, tu dois chausser de 37. Il raconte ça. Ah, il est cordonnier. T'as du poil au-dessus des doigts de pied, non? Non. Hein? Non, non. Il lui demande si elle a des poils au-dessus des doigts de pied. T'es pas portugaise, alors? Ah, bon. Moi, j'ai une copine, elle a du poil sur les au-dessus des doigts de pied, là. Non. Ouais. Elle se baisse pas pour faire le ménage en dessous les mains, elle passe son pied, puis voilà. Non, moi non. Ah, il est méchant. Bon, hein, faut pas dire, non. Non. On l'appelle Colopathe, nous. Par contre, elle a un beau petit minou dedans. Hein? Mais vas-y, simule, qu'est-ce que tu veux? Tout le gentil et tout. Gilou a pas compris. Il a pas compris le jeu. Gilou, hein? Qu'est-ce que tu aimes chez les hommes? Ce que j'aime chez les hommes? Ouais. Ah ben leur façon de marcher. Comment? Leur façon de marcher. Ouais, bah alors là, on est loin là. Bon, et qu'est-ce que vous avez pas compris dans le concept du jeu de la simulation, les enfants? C'est le jet, il faut comprendre, c'est la fusée. Là. Moi, simulation, elle est bien. Ça commence à partir. Hein. Ah, ça commence à partir. Bah, très bien. Alors, moi, je suis en train de dire bonjour au père de mes enfants. Là, tout m'a réveillé. Ah, allô? Allô? Oui. Oui. C'est encore là? Ah, bah, je suis là, ouais. Donc, le père de ses enfants, ses habits, il faut quand même le préciser. Le père de tes enfants? Le père de mes enfants, oui. Tu sais pas qui. Attends, est-ce que t'as du poil aux pattes? Qu'est-ce qu'en Temps il fait chez toi là? Tu habites où là? Moi j'habite à Paris. Ah là, Paris. Et c'est oui. Pas loin de Paris, Sergi là. Tu pourras. Moi j'habite dans le 95e. Parce qu'à Paris, il y a 95 arrondissements maintenant, c'est nouveau. Demain matin, là, puis tu fais un tour à la maison. Tu m'amènes des croissants, là. Comme tu veux. T'as remarqué, Gilou, il se déplace pas. On lui amène les croissants. Bon. Tu viens vers quelle heure? Je sais pas. Oh, ben... Mais simule, on t'a pas demandé de parler de l'heure. Essaye de venir de bonne heure quand Popol est en pleine forme. Ah. Popol. Ouais, d'accord. Matin, Popol, il est toujours de bonne humeur. Hein. Je te sucerai le sang et tout. Tu verras. Ah, oh, ben, bien sûr, oui. Tu aimes le sperme? J'ai jamais vu. Les cheveux de sang, j'adore. Oh, arrête, tu me fais manger. Ouais, j'ai entendu ça quelque part. Ah, tu aimes bien faire l'amour, sinon, ça, on va faire l'amour. Ah, oui, moi, non. J'aime bien. C'est vrai? Moi, je suis chaud. Pour faire l'amour, je suis chaud. Quand on va jouer tous les deux la barrelle. Ah ouais, écoute, ah, oui. Il y aura peut-être ce que je dis. Ah. Ah, on veut faire l'amour que la guerre, n'est-ce pas? Hein? Oh, écoute. Quelle dégueulasse. Eh, vous êtes fait des copains de, grâce à moi, là, les gars. Là. Ah bah oui. Il y a plus de... Les gars qui écoutent maintenant, il y en a qui me connaissent. Je te soucerai le sang et tout. Et... Ouais. Ouais, ça sera bien. Tu aimes quand on suce le sang? Oui. Tu aimes quand on prend le sang comme ça? Ah oui, j'aime bien. Tu aimes bien? Oh. J'aime bien. Non, là, tu seras à mes côtés, je te ferai bonder. Là. Je te prends le bout de tétons, là. J'adore ça, moi. On est enfin dans la simulation, alléluia. Et pendant ouais. Le soleil, quand tu laisses astiquer, ouais. Hein, quand tout le monde soit rassuré. Bon, ben, t'es pas bavard, disons. Oui, si, je t'écoute. Je t'écoute. Bah, tu m'écoutes, heureusement que je suis là pour parler, hein, sinon. Ah, bah ben oui, hein. Heureusement qu'on est là pour parler. Hein. Sinon, on va faire quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la journée? Moi, qu'est-ce que je fais dans la journée? Rien. Ben alors, tu pourras venir faire du ménage chez moi, non? Oui. Pourquoi pas? Combien de ménage maintenant? Prends mon téléphone, ils vont te donner mon numéro de téléphone et tu viens. Ah bah oui, comme il cherchait une femme de ménage. Dis donc, Gilou, attends une seconde. Ouais. Je suis sûr qu'il y a, y a Déborah et Nancy qui sont un peu jalouses là, parce que là, Sarah, elle monopolise un peu tout. Et bon, Nancy, Déborah, j'imagine que vous êtes un peu jalouses là quand même. En effet. Bah en oui. Beaucoup, oui. Bon, Déborah et Nancy, je vais vous passer Gilou Déborah, juste après. Déborah, c'est de quelle région ça? Elle est de Paris aussi, t'inquiète pas Gilou. Ah bon? Voilà, comme Nancy, elles sont toutes de Paris. On est des belles filles. Hein. Ah mais très belles, attends, et ouais, tu nous on prends pour qui? On a toutes des petites soubrettes pour venir faire le ménage chez toi, Gilou. Ah, une petite soubrette, ah. Ah oui. Je dois pas marcher la baguette, dis donc. Je te sucerai le sang et tout, tu vois. Ah, ah j'adore. Ouais. Oh, arrête, tu me fais manger. Oh, tu aimes le sperme? Oh. Bande de vilains. On va faire l'amour, voyons. Ben, bien sûr. Ah, bien sûr. Quoi qu'ils aiment peut-être pas le deuxième âge, hein, ça dépend. Quant au Kistori, on va jouer tous les deux la marelle. Il n'y a pas d'âge pour faire l'amour. Hein? Il n'y a pas d'âge pour faire l'amour, Gilles. Oh, oui, mais... Peut-être que ça fera du mal. Hein, tu sais. Oh, écoute. Quand ça fait un peu mal, c'est bon aussi, non, Gilou? Comment? Quand ça fait un peu mal, c'est bon aussi, Gilou, non? Ah bah, au contraire, ouais. Au contraire. C'est quand ça fait un beau mal. Un beau mal. Ah, ça, je moi, ne sais bien pas. Bien monté et tout, là. Oh, quand tu vas jusqu'au fond, comme ça, tu sens... Oh là là. Ah oui, okay, il est parti, là. Ça. Avec une petite fessée, un petit tirage de cheveux. Ah ben bah, moi, j'adore. Il y a Marco qui dit un grand malade, trop fort, le Gilou. Et tout. J'adore ça. Je te mordrai dans le cou et des tétons, Gilou. Ouais. Et la dernière fois, tu étais au kiné, enfin la dernière fois, il n'y a pas longtemps, une quinzaine de jours, même pas. Le kiné m'a dit, vous êtes tombé? Bah, j'ai dit non. Elle me dit, bah, vous avez des bleus dans le dos. À l'épaule, j'allais le cou. Ah bah, j'ai dit... L'amour sauvage, Gilou. Hein? T'as fait l'amour sauvage? Ah oui. Ah bah oui. Bon. Est-ce que tu peux venir faire le ménage chez lui, Déborah? Ouais. Avec la petite soubrette et le plumeau? Bien sûr. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Ah bah évidemment. Pas pour le matos, il y a tout ce qu'il faut. Il faut bien nettoyer sous le canapé à quatre pattes, hein, sinon il va rester des. Ah, il va rester des crasses. Minous, hein. Ah bah évidemment. Voilà. Bon alors Déborah et Nancy, restez avec nous. Il y a Benoît et Benjamin également. Vous êtes à tous les deux. Oui, ouais. Ça va bien? Ah Benoît, toujours chaud ou pas? Ah bah Benoît, il est bouillant. Ah, toujours pas chaud, Benoît. Ouais, bon, ouais. Très bien. Attends, il y a Jonathan également là, qui voulait jouer. Salut Jonathan. Oui. Ça va? Ça va et toi? Bah très bien, tranquillement, Jonathan. Alors t'appelles de bagnole, toi tu voulais aussi jouer au jeu de la simulation? Non, il voulait la garder. Ouais, c'est un pari. Tous les paris. Parfait. Alors ne bouge pas, on va se mettre le son de Kesha maintenant. Kesha avec Pitbull et Timber. On revient juste après avec vous toutes et vous tous en direct avec la réponse à la colle. J'espère qu'on a enfin une bonne réponse. 1h11, on est au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. Et toujours en top tweet sur Twitter grâce à vous. Merci beaucoup tout le monde. On revient juste après, restez là. Mickaël, no limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. En direct avec Maca qui a envoyé un message sur le Facebook là. Salut Mickaël, Gilou est un gros porc, c'est dégueulasse. Il y a Olivier qui dit oh putain de merde, il m'a tué le pervers de Gilou, la mort de rire. Marco également un grand malade, il est trop fort le Gilou. Phil Lowe qui dit tu viens de me tuer avec le monologue de Gilou, j'en ai les larmes aux yeux. Il y a Cassis également qui dit quel pervers. Mystique, j'ai les larmes aux yeux tellement ils me font rire là, vous êtes énorme, on s'est bien marré aussi. Salvatore aussi, je suis plié avec Gilou et cette technique de drive avec Sarah. Lessio qui dit putain arrêtez avec ces trucs, il y a mes parents qui croient que c'est un film de boule. Il y a un film de boule mais de merde alors. Florian qui dit mon dieu je suis tellement mort de rire que j'ai la tête dans l'oreiller, j'en peux plus. Tigresse qui dit mort de rire, ils m'ont tué. Alexis qui dit mais ils se branlent là. Oui, vous inquiétez pas, ils se faisaient plaisir avec le. C'est quoi? C'est le père de ses enfants. Non. Oui, c'est le ça, père, c'est de, le ses père de ses enfants. C'est donc ça vite. Félicia qui dit oh tu kiffes les poils Gilou et Salvatore qui dit la fille jouit telle nettement mieux. Trop d'impression d'avoir de voir un film porno et Abidou qui dit je suis sûr que Toff est excité comme un porc. Mais grave, là j'ai la gaule. Et bah, Eva, je suis tout dur. J'en peux plus, j'étais explosé de rire. Abidou encore, il est en chien, là, le Benoît et Salvatore. La fille jouit nettement mieux, trop d'impression. J'ai déjà lu Samir aussi. Bande de salauds, vous pensez aux gens célibataires, lol. Appelez Gilou, bah voilà, il est là dans le standard là, Gilou. Il y a Alexou encore qui dit Déborah simule bien, par contre le mec non. Et alors Megumi qui dit Moi, le mec, il fait ça, je pars direct. Et enfin le prince qui dit alors je présume qu'il faut ramener des croissants à Gilou et ensuite faire le ménage chez lui et avec trouver son bonheur, c'est garanti. Oui, c'est vrai qu'il a des demandes un petit peu particulières, je dois bien l'admettre. Bon, avant de continuer avec le jeu de la simulation, il y a Quentin toujours, là on va appeler maintenant un gagnant ou une gagnante, Quentin ? Oui. Très bien, allez c'est parti, on y va, on appelle. Si quelqu'un décroche maintenant et a la bonne réponse à la question qu'on va poser, eh bien ce sera gagné s'il ne décroche pas et qu'il a la mauvaise réponse. Allô, c'est perdu. Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Salut Mickaël, Sébastien. Salut Bastien, t'es dans quelle ville, dis-moi ? J'habite à Metz. À Metz, très bien Bastien. Bon, il y a Quentin qui a une colle pour toi là, vas-y Quentin. Je suis superficiel mais je peux être lourd, qui suis-je ? Je suis superficiel mais je peux être lourd, qui suis-je ? Je vais dire les kilos. Quentin ? Oui, c'est ça. Eh oui ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Eh ben voilà, bravo ! Bastien, merci. Félicitations, tu es un des rares à avoir trouvé la bonne réponse, pour ne pas dire le seul. Donc bah bravo à toi, l'écran plat comme le PC portable qui est pour toi comme promis, félicitations. Et Quentin, bah malheureusement tu vas quand même repartir avec un petit cadeau hein. On va te filer un petit pack fun mais c'est perdu, je suis désolé. Un tube de Guronzan serait pas mal. Ouais aussi, ouais c'est vrai. Bon, désolé Quentin, passe une bonne nuit quand même. Merci. Et à bientôt Quentin, salut. Salut. Ciao Quentin. Bon bah voilà, c'est pas grave, hein. Il y en a d'autres, ils gagneront. Bastien, tu restes au standard, on va te filer. Je te repasse Sandro et tu gères avec elle les coordonnées, etc. etc. D'accord ? Merci salut. Beaucoup. Ciao, à bientôt, bye bye. Salut. Bon alors Nancy de retour. Oui. Très bien. Bon Nancy, alors du coup, qu'est-ce que t'as pensé de la simulation de Gilou ? Pas mal du tout, il est très coquin lui. Ah, il est très coquin. Il est même un peu cochon, je trouve. Un petit peu. Non, hein. Je suis pas cochon. Ah, si, t'es un peu coquin, Gilou. Non, je n'ai pas la queue en tire-bouchon, moi. Non, on a dit que t'étais coquin. Elle est bien droite. On a dit que t'étais un coquin. Non. Bah si, t'es un coquin. Bah si. C'est ça qui a dit ça. Bah, nous, on te dit que t'es un coquin. Non, c'est pas vrai. Bon, d'accord. Mais non. Il y a aussi, Jonathan qui est là et qui voulait faire un pari, enfin qui a fait un pari au niveau de la simulation. Ouais. Attends, Gilou, reste calme, deux secondes. Deux secondes, Gilou, par pitié. À la coque, là. Bon, Nancy, pour l'instant, il y a eu Benoît qui a fait une simulation avec Déborah. C'est ça ? Oui, je l'ai. Très bien. Il y a eu Déborah qui a fait une simulation avec Sarah. C'est ça, Déborah ? Oui. Très bien. Et donc maintenant, il me manque une simulation entre mec, Jonathan et Benoît. Oh, c'est bon ça. Ouais. Jonathan et Benoît, ça va être pour vous. Alors Benoît, allez, Jonathan, les gars. Simulation entre gars et Nancy ainsi que Déborah donneront le verdict juste après. Moi, je veux du lourd. Hein. Ah bah j'imagine, oui. Ouais, tu vas en avoir. Hein. Ah oui, bah, tu vas pas être déçu du voyage. Bon. Alors, Déborah, Nancy, écoutez bien, Jonathan et Benoît, vous êtes prêts ? Ouais. Je vous mets une musique ou ça sert à rien ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non. C'est bon, c'est des hommes. On y va. On y va. On y va. On y va à sec. Oh mon dieu. Bon, allez, je vous laisse, l'antenne de folle est à vous, simulation entre deux mecs, comme ça on aura fait la totale. C'était, je suis sûr que c'était plus sexy que les deux filles, mais bon. C'est bizarre, mais ça m'étonne pas. Allez, on y va, Jonathan et Benoît. Oh mon petit cochon, je vais te... je vais te péter la rebelle, je vais te la colmater. Vas-y, avec un... Je vais te biffer avec ton sticker. Oh, tu me sales, bon jambon de maillot. Il est bon, lui. Attends, je vais te sentir ton bon, ah, oh, j'aime ça mon cochon. Tu le sale bon jambon de Bayonne dans la avec Jonathan mon ami. Tu es dans le cul. Ah mon cochon, tu vas comprendre que je vais tout te gicler sur la figure. Ah, tu vas comprendre. Ah, le pollet de bagnole. Excusez-moi le grec, comme de roumain. Mais un petit peu de moutarde, il faut que ça glisse. Oh, t'es quel de moutarde. Sauce marocaine dans tes fesses, ça va chauffer, regarde. Oui, c'est ça, quand même, ça pique un peu. Ah, tu aimes ça, mon cochon, hein. Jonathan Benoît, attendez, on va prendre les réactions. Alors, Nancy. Alors là, je sais pas, mais ils sont pros. Hein. Bon, ils est-ce que la ligne de protection pas, des mais... animaux qui vient d'appeler. Ouais. Est-ce que t'as été excitée, Nancy? Excitée, c'est beaucoup de dire. J'ai beaucoup rigolé, oui. Bon, alors, Déborah, est-ce que tu as été excitée? Non, mais le petit Benoît, il m'a bien fait kiffer. Ah, ah ouais. Ah, c'est le jumbo de Benoît. Ah ouais, c'est pas ça. Mal. Bon, bah, Jonathan. Ouais. Bon bah t'as perdu malheureusement hein. Mais bon, au moins t'auras réussi le pari, c'est toujours ça de prix. T'as gagné quoi? T'as gagné quoi avec le pari? Ah étoffe, c'est possible là? Ah oui, c'est possible. De quoi tu fais une simulation avec toi? C'est pour le pari, il a gagné une clope. Quel crevard. Tu veux faire une simulation avec Toff? Crevard, c'est une crevarde. Ouais, avec Toff, ouais. Ouais, tu veux me fourrer ta saucisse? Oh, quelle horreur. Alors, attendez. On va rigoler. Ah, ça va être du lourd, ça promet. Oh, mon Dieu. Alors, attendez, Jonathan? Ouais. Vas-y avec Toff. Voilà, bah vas-y, je te laisse l'honneur, honneur aux dames. C'est vrai, eh bien, viens là, Jonathan. Avec ton petit sac rempli d'habits pour aller à Londres. Oh mon cochon. Oh. Ah oui, fourre-moi ton jambon. Et mets-moi ta saucisse au fond, Justin. Fais-moi ressortir les amygdales par le cul. Oh, quelle horreur. Mange-moi les cacahuètes. Oh. Aspire-moi le blanc, mon salaud. Qui peut ça, cochon? Mais oui. Branle-moi le poireau. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Fais-moi sortir le jus de chêne. Quelle horreur. Bon, Jonathan. Ouais. Jonathan, mais non, on va te laisser faire, mais avec Déborah. Oh, putain. Alors, arrête-moi la gorgette. Ah, non, mais là, faut que je sois un peu plus délicat, là. Ah, écoute, ouais, toi, bah, il vaut mieux pour toi. Hein. Ah, ouais. Alors, Déborah, Jonathan, attention, Déborah avait fait un beau travail avec Benoît. Benoît avait été très bon également. Ouais, donc, ça, c'est l'osmose aussi. Ouais, c'est vrai, c'est l'osmose, et c'est vrai. Et Nancy est d'accord. Alors, Déborah, Jonathan, Déborah, vous avez 30 secondes maximum. Vas-y, allez-y. Honneur aux dames. Ah bah c'est à toi de commencer. Vas-y, de vas-y. Jambon de Bayonne, vas-y. T'inquiète pas, ma petite cochonne, je vais taper dans le foin, je suis pas... T'es pas ma mère. Oh, tu vas aimer. Oh, crie plus fort. Ah oui, comme ça. Oh, oui, putain. Oh, je la sens bien, la coquille. Oh, tu la sens bien. Oh, j'adore. Mange-moi la bite avant le touche. Oh, j'aime ça. Oh, tu vas savoir. Oh, je vais te colmater le fion. Oh, ma cochonne. Oh, pas à gilou, caribou. Je vais me suer dans tes cheveux, ça va te faire de la pêche en poêle. Ah ma cochonne, oh cri, oh putain. Oh vas-y, mange-moi le vif. Mange-moi le, oh le bon brochet. Ah tu l'aimes mon jambon. Ah je te le charge dans l'oignon. Déborah. Oui. Bon, reste avec nous, hein, parce que je te voyais partir là. Oui, je suis là, t'inquiète. Jonathan, pas mal, Jonathan. Non, bravo. Tu as vu. Ah ouais, joli boulot, hein, pas mal. Hein. Mika, oui. ce que tu vois pas, c'est que Jonathan, il est en train de se faire le film de boule en même temps, il est en train de gesticuler tout le temps. C'est trop bon. Allô, le mec, justement, il était en train de se trémousser dans tout. Je te jure, il était en train de bouger comme s'il était en train de se la taper. Un film de boule, le mec. Mais on n'est pas à l'abri que Déborah soit pareil, hein, Déborah. Oui, c'est ça. Ah bah voilà. Parce que moi je suis toute seule aussi. Ah oui, bah c'est bon, ça. Je quand même. Ah, tu kiffes ça, hein. Ah, j'adore. Bah ouais. Ah, mais attends, mais pendant qu'il parle en plus, ce couillon, presque il se ségrerait, ta brute. Eh, vous êtes à combien là, Jonathan? Ouais. T'as, j'ai une tête comme un saut. Vous êtes à combien là, Jonathan? On est trois. Là, on est trois et je suis avec Lucie qui a parlé à toi. Quand ça? Oh, y'a... Elle qui l'a dragué la dernière fois et que vous avez mis qu'elle est bonne. Bon, ça va alors. Le premier soir de Gilou. Ah, bah très bien. Elle lui a parlé à Gilou? Ah oui, non. C'est vous, c'est toi qui s'est fait passer pour elle. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Je me souviens. Je suis tétoyé là. Bon, très bien, parfait. Bon, alors, du coup, Nancy. Oui. Nancy, quel est le gagnant? C'est toi qui décides. Jonathan, Déborah, Sarah qui est avec nous, ou Benoît? Déborah, Jonathan. Sur le coup, c'est... moi je dis Jonathan. Ouais. Oh Jonathan. Jonathan. Bravo Jonathan. Merci, allô, merci. Eh ben voilà, Jonathan, félicitations. Merci. Bravo, mon gros cochon. Bon, allez. Ah, ma cochonne, arrête, Peggy. Peggy. Bon, Jonathan. Ouais. On va te filer un écran plat, tu vas gérer ça avec Sandro. Non, il m'en fout, tu m'as donné qu'une clope, moi je pars avec l'écran plat. Oh, partage. Pas non, partage. Je peux... télé chez moi. Mais je pars avec l'écran de télé, c'est pas Kinder Bueno, hein. Bon, bah Jonathan, on va te renvoyer chez Sandro. Standard, merci beaucoup, t'embrasses tout le monde, t'embrasses Lucie, t'embrasses ton pote, et puis, enfin, bon. Une poignée de main à ton pote, et par contre, Lucie, on l'embrasse. Ah, elle veut savoir, attends, elle veut savoir sur la fesse droite ou sur la fesse gauche. Allez, sur le téton droit. Oh ah, Mika, moi je veux pas une poignée de main, je veux juste que Déborah elle me serre la bite. Ah, et dans le Var on a la classe à Bagnole, hein. Oh là là. Bon allez, salut vous trois en tout cas, merci d'être passé, gros bisous, je vous renvoie chez Sandro au standard là. Eh, hey. Vous voyez le calme là? Ah, ils sont forts. J'ai mal au crâne. Le calme, en fait. Ils ont retourné la tête. Ah, ils ont tout retourné là, pour le coup, effectivement. Ouais. Oui, pour le bon, coup, ouais. Eh ben, Benoît et Déborah, vous avez été très très bons, c'est vrai, faut le dire les choses. Sarah aussi d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que Jonathan avait quand même un level au-dessus. Hein. Ouais, non, on sentait que le mec qui y était. Quoi. Ah ouais, il avait un level au-dessus, ça, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et il y a Benjamin aussi qui est là, tiens, pour terminer. Ah bah il est toujours là, tiens, on gagne bien. T'avais déjà parlé. Ouais, j'aurais bien voulu jouer moi aussi, hein. Ah bon, tu veux jouer? Bah attends, mais ça. Bah là, il n'y a plus rien à gagner, mais tu veux jouer contre qui? Avec Benoît, avec Déborah, Sarah? Avec Déborah, ce serait pas mal, ouais. Ah bah écoute, bah très bien, bah alors tu vas faire ça dans quelques minutes. Ah bah tu vois, Déborah, elle aurait dû gagner. Eh, c'est vrai, mais c'est Nancy, j'avais dit que c'était la juge, hein, et elle a décidé. Bah, sinon, si t'as un petit sextoy, moi je peux avoir le numéro de Benoît. Mais oui, bien sûr, Déborah, ah, on oui, va t'en filer. Bah, Nancy aussi, vous voulez aussi un sextoy, Sarah aussi? Oui. Allez, hop. Allez hop, bah, allez, oui, hop. Hein. Tout ça offert par passagedudésir.fr. Et rassurez-vous, je... la voix de cochon. La voix dégueulasse, ouais. La voix off, la pire voix off du monde. Dégueulasse. Bon, Benjamin, bon alors on fait une dernière maintenant avec toi, Déborah, Benjamin, oui. Déborah. Enchanté, et après... Benjamin. Enchanté. Il faut une musique ou pas? Non, vous êtes. De quoi? Eh Déborah. Oui. Déborah, on n'est pas en mode drague, hein, c'est Simu, hein. Oui, j'ai compris, t'inquiète. Non, je fais que ça depuis tout à l'heure. Non, mais justement, là, t'as dit, oh, mais il a une belle voix. Gna, gna, gna, gna, oui. Je suis là. Oh, bah, j'ai droit, un petit mot gentil au passage, c'est gratuit. Ah, merci, bah, toi aussi, t'as une belle voix. Allez, hop, comme merci ça, beaucoup. Hop, c'est bon. Là. C'est mignon. Les politesses sont pliées, on y va. Maintenant, tu peux lui faire. Allez, maintenant, on parle de cul. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Oh, ouais. Hein oh, tu m'as piqué ton cul. Oh, vas-y. Hein Ah ça y est, il est terminé là, Déborah. Déborah, elle a pas fini, elle se touche. Déborah, stop. Benjamin, il a fini, il a été précoce. Il a été précoce, il s'est arrêté là. Il a dit oh merde, non, 30 secondes. Ah ouais, mais attends, mais j'ai entendu le oh merde. Je me suis dit bon bah ça y est, il a fini, terminé. Ah non, c'est pas moi qui ai dit ça, non. Ah non. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ah bah c'est pas mal. T'es le seul mec dans le standard. T'es le seul mec dans le standard là, Benjamin. Là. Non, ah bah c'était, non, pas bah, mal. C'était pas mal. Il y a un bon talent d'acteur. Je pense que tu peux avoir ta place dans un film de Wall. Ah, bah merci. Ouais, au moins tu peux doubler les films anglais. Ouais, tu peux doubler les films anglais, effectivement. Ah bah je parle anglais, ça tombe bien. Eh bah voilà, bah c'est, en même temps c'est pas très compliqué. Ah ouais, oh, yeah, c'est clair. Doubler les films de cul anglais, ça va vite. Bah si vous voulez, demain ou la semaine prochaine, on peut essayer de faire des dialogues de films de cul si vous êtes. Ah oui. Mais improvisation, évidemment. Moi je suis partant, Toi t'es partant. Ah moi je suis chaud, Alors attendez, attendez, on va faire avec tout le monde, mais on va faire juste une démo juste après et on fera ça demain, d'accord ? On fait une démo. Alors qui veut jouer ? Déborah, Benjamin, j'imagine évidemment. Hein. Ouais, bah bien sûr. Hein. Bah voilà, très bien. Bah voilà, bah Sarah aussi, on peut faire un truc, y a pas de problème. Nancy, on fait un truc à trois, c'est pas grave. Oui, on va voir. Mais réfléchissez à un scénario dans vos têtes, à savoir que vous n'allez pas vous parler avant. On va faire jeu d'impro. Ouais. Je vais vous donner 2-3 infos et vous démerdez avec ça. Waouh, chaud. Okay. Ah ouais. Sur le thème livreur de pizza. Non, la maison de retraite avec Gilou. Oh, l'horreur. Gilou. Gilou. Je fais le livreur, moi. Ah, toi, tu fais le livreur, très bien. Ah ouais. Bon, alors, parfait. Et nous, c'est les deux copines. Voilà. Et moi, je sers à quoi ? Mais toi, tu veux t'ouvrir la porte. Bah, Nancy, je croyais que tu voulais pas jouer dans la simulation, tu voulais juste réagir à la simulation, Nancy. Oui, je voulais réagir. Mais non, ça m'a excité, alors. Mets les gants et puis tu fais les branlettes. Bah oui, Nancy, c'est pas grave, viens avec nous, on fera les trois filles, on s'occupera de Benoît. Justement, voilà. Bon, alors, les filles, restez là, on va encore en profiter aussi pour appeler avec Toff là, parce que du coup on est ça un peu de côté. Là. Bah oui, ça fait longtemps. Ouais, pour voir si les gens simulaient ou pas. Gilou, tu simules toi ou jamais ? Ah bah toujours, moi. Ah ouais, j'arrive. Parfait. Moi, bah oui, bon alors restez tous là, on va se mettre le son maintenant de Clan Carousel avec Sound and Tons. Il est 1h30, on est en direct sur Fun Radio. Toute la nuit, c'est Mickaël No Limit en top tweet. Là, merci beaucoup tout le monde. En mode cool, avec le son de Clan Carousel sur Fun Radio, Sound and Tons. Il y a Alexo aussi qui dit putain la meilleure soirée, vous êtes les meilleurs, merci les gars d'être là tous les soirs. Il y a Jean-Pierre qui dit arrêtez avec vos simulations, ma femme croyait que je matais un film de cul. Sylviana qui dit ils sont trop tous, Benoît a juste été génial. Il y a Abidou qui dit moi je veux bien rencontrer Déborah, bah tu m'étonnes, il y en a beaucoup. Angelina qui dit la pire voix off de l'univers, je suis d'accord avec toi. Alexo, grosse soirée, je suis mort de rire. Il y a Fatih aussi, une vraie connerie ce soir. Et Daoud Douida, qui dit c'est plus Mickaël mais Jackie et Michel. C'est pas faux, ouais. Et alors qu'est-ce que vous avez été mettre comme top tweet là, il y a Mickaël en top tweet et alors il y a Lan Band chez Mickaël. Qu'est-ce que c'est que ce dossier là, d'où ça sort ce truc là? Donc bah merci, donc du coup double top tweet ce soir grâce à vous. Donc il y a Mickaël et Mickaël et puis il y a Lan Animal. Qui est Lan? Lan, bah à mon avis j'ai bien idée hein, en face de toi. Je vois pas de quoi vous parlez. Voilà. Lan Toff, arrête de parler Mickaël. Comme ça. Voilà. Toff, ça suffit. Voilà. Toff. Arrête. Voilà, il arrête. Merci toi. Et Jonathan qui dit les fous rires, je suis toute rouge à force de rire. Et Kender aussi qui dit putain le délire c'est le bordel là, je suis plié, franchement c'est grave. C'est grave l'orgie là, que ça déglingue. Et Delphine aussi, je vais te colmater le fion mort de rire. Et Céline, ils sont trop top. Oh mon dieu c'est énorme. Et ça y est Roca qui dit j'avoue que Déborah était plutôt pas mal en simulation. Bon du coup vous aurez remarqué que ce soir on a fait que ça hein, mais bon en même temps c'est pas très grave, on s'est bien marré, c'est le principal. C'est la vie. Ben oui c'est la vie. Alors attention, je veux vous demander maintenant, ceux qui sont sur le Twitter, sur le Facebook, sur les SMS également, peu importe, donnez-nous quelques thèmes qui peuvent débarquer maintenant pendant qu'on fait encore un appel avec Toff là pour voir si les gens simulent. Donc donnez-nous des thèmes qu'on va pouvoir donner justement à Nancy, Sarah, ouais. Gilou, Déborah, Benjamin et Benoît. Vous avez tous joué, Benoît aussi? Oui. Très bien. Donc, on est tout chaud. Hein. Voilà. Donc le principe, c'est qu'on va faire un petit, on va faire un petit match d'impro. On a les sons. Un petit film de cul. Voilà, on va faire un petit match d'impro, tout est prêt, il n'y a pas de problème. J'attends que vous me donniez quelques thèmes, on va les donner comme ça, et puis on mélangera tous les thèmes, et le but c'est d'arriver à faire une histoire normale et de faire une histoire drôle, ok ? On se mélange tous. Rassurez-vous, on va pas donner 10 thèmes non plus, hein, mais ça, bah, par exemple, s'il y en a qui propose pizza, l'autre qui propose maison, l'autre qui propose plombier, bah, il faudra s'arranger, quoi, d'accord ? Ça marche, pas de problème. Bon, très bien. Bon, bah restez là. En attendant, on va faire encore un petit appel avec Toff. Du coup, là, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qui me parle ? Des Sarah ? J'ai dit dans l'ascenseur. Bah, on verra. C'est les auditeurs qui vont choisir les thèmes. Donc ne bougez pas tout le monde. On va vous reprendre dans quelques minutes. Et puis on va faire les appels avec Tof. Maintenant, vous avez été nombreux à envoyer des numéros de gens à appeler au sur le mail de Tof, hein, toph@funradio.fr. Donc on y va, on appelle ? Allons-y. Et on vérifie depuis tout à l'heure si les gens simulent. Allez hop, enfin, ou ont déjà simulé en tout cas. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est parti sur toute la connerie qu'on a fait depuis une heure là. C'est à cause de la simulation. Allez. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Ouais, c'est qui ? Oui, c'est Tof à l'appareil. Qui ? Tof. Tof ? Oui, c'est moi. C'est qui Tof ? Bah, c'est moi monsieur. C'est cool ça. Ouais, et en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà simulé pendant un rapport sexuel. De quoi ? Est-ce que vous avez déjà simulé pour un rapport sexuel ? Mais c'est qui là ? Moi, c'est Tof. Mais pourquoi vous m'appelez à moi ? Bah, pour savoir si vous avez déjà simulé pendant un rapport sexuel. Mais vous l'avez où mon numéro là ? Bah, sur internet. Sur internet ? Ouais. Et t'avais rien à faire de ta vie pour m'appeler ? Pour me poser une question ? Bah, non. Et ta vie elle est aussi pourrie que ça ? Bah, non, pas du tout. Moi, je vous appelle juste pour vous poser une question, monsieur. Je sais pas, ta vie elle a l'air pourrie, tu m'appelles pour me poser une question. Et bon, bref, tu. Bon, bref. Bon, allez, bonne soirée. Bah oui, mais vous avez pas répondu à la question là, monsieur. Mais je vais pas répondre à la question, je vais même pas quitter. Bah, je m'appelle Tof. C'est cool, moi je m'appelle Jean-Luc. Maintenant, ouais. Appelle-moi avec un numéro pas inconnu, on parlera. Allez. Mais je peux pas, parce qu'en fait, le numéro il est bloqué. Ouais, ouais, merci. Bah oui, d'accord, mais ça répond pas à ma question. Ah merde, il a raccroché. Attends, on va rappeler. Hop, on le rappelle encore un coup et puis on fera le match d'impro juste après avec tout le monde là. Hein. Nancy, ça. Oui, je m'excuse, mais vous avez raccroché un peu vite, vous avez oublié de répondre à la question. Sérieusement, j'ai rien à faire, c'est le plan. Bah non, pas du tout, moi je veux juste vous répondre à ma question, monsieur. Mais pourquoi tu m'appelles pour me poser une question que je te connais pas ? Bah parce qu'on n'a pas besoin de se connaître pour répondre à une question, monsieur. Toi, t'appelles les gens, tu poses des questions et les gens répondent. Bah oui, c'est le concept, monsieur. Bah appelle ta mère, pose lui la question, on verra ce qu'elle te dira. Bah oui, mais je vois pas le rapport, parce que moi, c'est à vous que je pose la question, pas à ma mère. Ah écoute-moi, t'as quand même fait péter les plans, là. Va-toi faire enculer toi, et je sais pas avec qui t'es, à tous faire enculer maintenant, vous commencez à me bander, là. Et arrête de m'appeler, là, putain de tarase. Enfin, monsieur, un peu de calme. Oui, non, bah là, il est un peu énervé, le monsieur, hein, par oui, contre. Je comprends pas. Il est légèrement énervé. Alors, il y a plein des thèmes qui sont arrivés là. C'est cool. Jimmy qui dit Mario et Luigi qui vont rendre visite à Princesse Daisy dans son château. Alors, Laetitia aussi qui dit le docteur comme thème dans l'hôtel, à la piscine, c'est JRMD7. Il y a Emeric qui proposait dans un hôpital comme thème. Il y a le thème Sadomaso pour Sayaruka. Ah, c'est pas mal celui-là, je l'aime bien. Il y a Mademoiselle Marie qui dit le thème du pompier, c'est pas mal. Fatih qui dit Tof, j'adore trop, sérieux, je veux t'entendre simuler encore une fois. C'était une horreur. Tout à l'heure, hein, sincèrement. Non, moi je me suis trouvé très bien. Ouais, ouais, laisse tomber, il est ouf. Il y a Let's Be Freeze qui était en train de mouiller quand t'étais en train de simuler. Ah, tu vois ? J'ai vu le message passer tout à l'heure. Et alors, il y a Megumi qui dit que c'est elle qui a lancé LAN-BAND chez Mickaël. Bravo, Megu. C'est ça, c'est LAN-BAND chez Mickaël en top tweet. Avec Mickaël en top tweet également. Merci pour les doubles top tweets. La double pénétration de top tweet ce soir. Voilà, on a pénétré le Twitter. Il y a Stéphanie qui dit aussi bureau, plombier, infirmière, chaise, jouet pour enfants. Non, pas de jouet pour enfants. Non, Kevin qui est dans un train fantôme, le thème du pompier. Ah, c'est bien, vous avez de l'imagination en tout cas. Bon, alors, Sarah, Nancy, Déborah, Gilou, Benoît, Benji, vous êtes là ? Merde, attendez, c'est moi qui fais de la merde. Vous êtes là ? Oui, on est là. Parfait. Bon, alors, ce qu'on va faire. Oui. On va commencer petit à petit. Gilou. Ouais, Gilou est au taquet. Gilou, pour faut que tu parles plus fort parce qu'on t'entend mal par rapport aux autres. Ah bah attends, je vais sortir mon antenne. Hein. Ouais, sors l'antenne. Oh le bâtard, il va ça vite. Ah, ça va ranger, c'est pour. Ah, il est ranger. Je vais la sortir. Voilà. Donc parle plus fort Gilou, d'accord ? Ouais, d'accord. Bon, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dialogue de film de boule. Oui. Ok. Ça, tu connais bien Gilou, toi. Yonez. Comment ? La lionnaise. Younaise ? La boule. Ah oui, lionnaise. Non, on va faire un film porno. Ah, oh, c'est pas vrai. Ah, si, c'est vrai. Bah oui. Donc, on va imaginer, Gilou, qu'on est dans un film de cul. D'accord ? Oui. Qu'on est les acteurs du film de cul. Ça va faire drôle, là. Ah oui, ça va faire drôle. Ouais. Pour une fois, c'est toi qui vas jouer le rôle. Et donc, il y a Nancy, il y a Sarah, Déborah, Benoît, Benjamin, Gilou, tout le monde est là. Ouais. Et donc, vous êtes 6 dans ce film de boule. 3 mecs, 3 filles. C'est la scène de la partout. Exactement. Bon, on va dire que vous êtes dans une soirée entre filles. Nancy, Sarah et Déborah. Vous êtes des copines, vous êtes à la maison, vous êtes à la cool, d'accord? Ouais. Donc on est à moitié à poil quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vous êtes en train de faire la fête, machin, je vous mets la musique. Après, il y a 3 mecs qui tapent à la porte. Non, justement. Alors, attends une seconde. Donc notez bien, parce qu'il y a tellement de trucs là, c'est compliqué. Donc j'essaye. Si jamais je ne suis pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Donc vous êtes 3 filles, c'est la fête, ok? Oui. Ouais. Très bien. Parfait. Les mecs sont pas là. À un moment, quelqu'un va rentrer, va sonner à la porte. Ouais. Ok. Ouais. Comme ça. Très bien. Et là, il y a Michel. C'est bon. Non, bah, Michel, peut-être plus tard, mais pas tout d'un coup. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui va sonner à la porte. Ok. Ouais. Ce sera Gilou. Qui sera le voisin du dessus et qui veut du sel. Comme par hasard. Oh, le scénariste. Gilou, t'as compris ou pas? T'as compris, Gilou? Oui, j'ai compris. Mais c'est pas, il n'y a pas que toi qui dois comprendre, Gilou. Attends, aussi. Il y a quelqu'un qui tape à la porte. Mais non. Gilou, c'est pas qui sonne. Gilou, c'est toi qui viendra chez nous. C'est toi qui va. C'est qui pas va... qui vient chercher nous. Non, mais il y a vraiment quelqu'un chez lui. Non, pour de vrai. C'est pour de vrai, les gars. Salut, Philippe. Non, mais comment voulez-vous que j'y arrive? C'est Philippe qui va l'arrêter. Comment voulez-vous que je fasse? Va répondre, Gilou. C'est la voisine, elle vient chercher du sel, Gilou. Oui. Oui, alors. Range ta bite, hein. Avant d'ouvrir. Bon, Gilou, c'est qui vient frapper à 1h45 du mat? C'est clair. Gilou, c'est qui? Oui. Ah bah là, on l'a embarqué, là. Kiki a sonné chez toi? Kiki. C'est Kiki. Moi qui s'est levé. Ah mais non, mais toi, c'est pas toi qui l'as sonné à la porte, la Gilou. Voisine. Ah, il a sonné de chez lui pour faire le bruit. Il dit, il faut aller sonner, il va à sa porte, il sonne. Je suis levé, moi, je vais ouvrir la porte. Il est grave. Non. Oh Gilou, oui. Gilou, c'est très bien d'avoir pris l'initiative, mais je m'occupe du bruitage. Michael, c'est le réalisateur et le scénariste. Voilà, ah toi t'es juste acteur. T'es acteur, toi. Enfin, c'est déjà bien. Alors, tu sors ta bite. Donc, non. Attendez, laissez-moi parler, sinon on va jamais s'en sortir. Bon, il y a une fête. Les 3 filles, on aurait peut-être dû commencer avec 2 personnes au début. Parce que là, je me suis peut-être un peu trop emballé à Steven Spielberg. Ouais, c'est ça. Bon, on y retourne. Trop gros moyen là. Donc, il y a les 3 filles qui font la fête dans l'appartement. D'accord? Oui. À un moment, quelqu'un va venir sonner à la porte. C'est toi, Gilou. Mais tu ne sonnes pas, on fait semblant. D'accord? D'accord. Donc, dès que t'entends ça. Merde, ça marche pas. Bah voilà, super, parfait. Alors une seconde. Non, c'est moi qui ai fait de la merde. Bah oui, mais attends, c'est la première fois que je réalise un film porno, donc. Mais je sais. Il y a un moment où il va se passer. Il va entendre ça. Ok. T'as entendu, Gilou? Oui. Là. Et nous, on va lui ouvrir. Une fille va ouvrir la porte et tu vas demander du sel. Elles vont te dire ah ben non, bah viens, on va voir dans la cuisine. Et elles vont t'emmener dans la cuisine, d'accord? Ouais. Ah ouais, ça promet, hein. Et après, comment est-ce que je fais rentrer les deux autres là? Ah oui. Et après, bah justement, comme t'as plus de sel, parce que justement t'as un problème de. T'as une fuite de gaz. Alors tu prends pas le sel, t'as pas fait de repas quoi depuis longtemps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe bien. Hop! 2 réparateurs de gaz, GDF. Ouais. Voilà. Et là, c'est Benoît et Benjamin qui sont là, les réparateurs GDF. Ah ouais? Avec leurs petites salopettes, les bretelles, les pecs qui dépassent. Voilà, exactement. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris son rôle? Oui. Bon, vous allez garder vos prénoms, sinon on va pas s'en sortir. D'accord? Ouais. Bon, donc on est à la fête. Hop. Voilà. C'est la fête. Allez, les filles, c'est pas la fête. Allez. Voilà, vous pouvez vous toucher, vous faites ce que vous voulez, vous êtes dans un film de boule. Hein. Voilà. Allez, on bouge. C'est ma tournée. Ouais. C'est un peu chaud, j'enlève un peu mon haut, moi. Ouf. Ah ouais, moi aussi, je commence à avoir chaud, là. Bah attends, je retire mon soutif. Les tétons à l'air. Comme ça, hein. C'est une belle poitrine, dis donc. Ah ouais, toi aussi, je te retourne le compliment. Je peux te l'embrasser? Vas-y, je te gêne pas. Et j'ai lu que j'ai coupé un standard et qu'il est en train de parler tout seul. Il n'a pas encore compris que c'était pas à lui. Attention, quelqu'un va sonner à la porte. Oh, qui c'est encore à cette heure-là? Non, mais franchement, en plus, on avait déjà bien commencé nos trucs. Oh, là, il dérange. Pire. C'est qui, lui? Bon, qui va ouvrir la porte? C'est moi. Gilou. Le tombeau. Dépêchez-vous, j'ai froid. Mais je dors. Je suis sûr qu'il est en vraiment dehors, c'est ça le pire. Hein? Faut mettre la machine à laver en route, hein. Allez, sauvage, hein. C'est quoi ce truc? Vas-y, Déborah, vas-y. Oh mon dieu. Donc, vous n'auriez pas du sel à me prêter. Ça y est. Alléluia. Viens, bah, viens, venez dans la cuisine, on va la regarder. Suis-nous, on va regarder dans le placard. Oui, allez, regardez venez dans le placard. Prenez l'escabeau, puis vous montez là. Vous avez pas mis de culotte? C'est pas vrai. Non, j'ai pas mis de culotte, oh. Vu qu'on est entre filles. Non, on n'a jamais de culotte. Dans nos soirées filles. Remonte à on n'a pas mis de culotte. Remonte toujours le petit minou à l'air. Monte un petit peu plus haut. On a... Ah ouais. C'est beau, je suis montée plus haut, ça te convient? Oh, t'as un beau petit minou, dis. Bah, c'est pour ça qu'elle est avec nous, Gilo. Ah, oh, c'est bon. T'adores? T'as un bon bien goût, hein. Tu es plus bon, hein, dis donc. Hein? Vas-y, rapproche-toi. Oh là là. Ah, putain. Il n'y a plus de gaz, là. Hein. Suivant. Elle s'est déjà fait poser le gaz. Il n'y a plus de gaz. Hein? Il n'y a plus de gaz. Ah merde, y a il s'est fait gaz. Merde. Il y a GDF qui est là, c'est bon là, ils sont à la porte. Oh là là, ah, je vais ouvrir la porte. Vas-y. Je vais ouvrir la porte. Va ouvrir. Entrez. Bonjour. Oui, oui. Oui, je suis une petite panne, monsieur. Oui, elle a une petite fuite de gaz. Ah, d'accord, allez où? Suivez-nous. Ouf, vous mettez on a besoin d'une petite réparation. Idée, là. On peut vous mettre une rustine là. Ah, c'est le truc de voir trois filles comme ça. Allez, c'est soirée filles, on met pas de culotte et laisse ça à l'air. Hein. Vous pouvez rester. Il fait chaud. Soirée filles, entre. Ah ouais, bah moi aussi j'ai chaud alors. Ah bah oui, tu m'as enlevé un peu votre que je t'enlève. Ouais, bah j'ai envie. Ouais, bah je veux bien, j'ai besoin d'aide en fait. Je t'aide. Ah ouais, je veux bien, ouais. Ouais, je commence par l'eau. Vas-y. Ouais, le pantalon aussi. Oui, je t'enlève les bretelles avec les dents. Ouais, vas-y, ça marche. Oh, quel chance, celui-là. Attends, je t'enlève la veste. Oh, ah ouais. J'enlève les boutons. J'enlève la queue. Quelques temps. Mais dis donc, monsieur DF est plutôt bien monté, ce que je vois. Ah ouais, il est très bien monté. Viens, on s'occupe de lui. Avec son petit boxeur blanc. Ah ouais, il est nickel. Ah ouais, vous êtes pas mal non plus. Oh, les deux, c'est Gilou, ça. Il est bronzé. Vas-y, embrasse-moi. Il est bronzé. Allez, touche-moi. Oh putain, il embrasse bien, lui. Oh, vas-y, fais voir. Allez, vas-y, prends-le en bouche. Ah ouais. Vas-y, gros, hein. Pas mal. Vas-y. Je vais lui lécher les oreilles. Vas-y, chérie. Vas-y, moi je lui laisse les couilles. C'est pas hyper pervers, le film. Vas-y, allez, touche-moi. Non, il y a GDF et Gilou défonce femme. C'est Daoudou Ida. Vas-y, touche-moi. Oh putain. Oh, ses fesses, putain, tu kiffes. J'adore tes fesses. Quelle bonne queue. Elle est bien au chaud dans ma bouche. Ah ouais. Viens, partage, sors. Bah viens, chérie. Eh, y a Gilou, hein. Ah bah oui, bah moi... Lui, reste à sa place, hein. Gilou, viens ici, là. Gilou, il va qu'à venir. Gilou, viens ici, viens avec nous. Je m'occupe des trois filles, Gilou. Viens, on va s'occuper de toi. Oh, ah oui, il y a de la place pour tout le monde. Allez, viens. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde. Mets-toi au milieu. Je viens pas. Allez, assieds-toi. Mets-toi au milieu. Assieds-toi. Vas-y, embrasse-moi. Tais-toi, embrasse-moi. Touche-moi. Oh, c'est bon. Embrasse-moi. Donne-moi ta clé. Oh. Allô? À quel côté? Eh, Jeanne? Oui. Donne-moi ta clé. Dans la bouche. Dans la bouche? Oui. Benjamin, embrasse-moi. Ouais, vas-y. Benjamin, je peux faire un peu. J'adore ta bouche. Je vais avoir un abcès. Hein. Ah, moi aussi, je kiffe ta bouche. Donne-moi ta queue dans la bouche. Ah, si tu fais crever la tête, c'est foutu. Parce qu'elle est grosse, Benjamin. Oh, j'ai envie de te mettre ma queue dans la bouche. Elle est grosse, parce que vas-y, te gêne pas, vas-y. Oh, la mienne, elle est grosse. Elle ne vaut pas le coup, là. Ah, ouais, t'inquiète pas. Mais la moi, bien profonde. Ah ouais, vas-y. Ah, une bonne gorge pour faire une belle pompe. Oh, et attention, on arrive à la dernière minute. Ouais. Là, il va falloir terminer, dire au revoir à tout le monde. Oh bah non. Ah si. Oh ah, non. Oh bah ah, non. C'est moi, Steven. Le gamin, il va trop content là, il pleure. Comment ça peut être déjà le gamin? Oh non. Non, non, il faut rester que... Non, tous en... On va rester, on va rester, on va rester. Qu'on finir par une partie. Benjamin, je peux prendre ton numéro de téléphone? Bah tiens, il n'y a pas de soucis, vas-y. Une petite soirée, tranquille, rien que toi et moi. Comment il s'appelle, l'autre? Moi, je veux bien prendre le numéro des deux, hein. Oui, oui, il faut répondre, on va faire un jour, hein. Il y a qui comme garçon? Comment? Gilou, il lâche pas l'affaire. Ah non, non. Ah ben moi, je lâche pas, j'adore ça, moi. Ah oui, ça ah bah moi aussi j'adore ça, ouais. J'ai pas envie de partir. Hein. Ah bah... Toi t'as une boîte, hein. Je te bouffe. Benjamin. Ah bah moi. Ouais. Tu me passes ton 06. Ah bah mon numéro de fixe, bah si tu veux. Mais tu passes le tien d'abord. Il n'y a pas de problème, je te balance ça tout de suite. Je viens d'avoir un abcès. Bah oui, c'est moi. Hein. Épilez vos poils de cul. Ah je peux plus moi. Hein. Ça, là. C'est toi qui es plus bon, Sarah? Hein? Ça sent bon, hein. Vas-y Gilou là. Oui. Allez. Ah bah plus toi il commence à être fatigué, hein. C'est l'heure d'aller dormir monsieur. Ah. Oh Gilou. C'est l'heure d'aller dormir, hein. Oh quelle grande classe. Oh vous avez été très bon. Attention voilà. Et attention, Hollywood est pas loin. Oh là là là. Oh putain bravo. Hollywood n'est pas loin je, du tout. Je prendrais mon furet. Oh là là, Gilou, t'as été grand. Mon furet, il a dit. J'ai un furet et puis un plutôt. Bah, hey, Gilou, t'as été très très grand. Hein. Je crois que t'as été le meilleur des acteurs là ce soir. Je viens le droit à un petit cadeau. Hein. Ah ouais. Oui, bah bien sûr, évidemment, évidemment. Hein on va t'offrir un vagin artificiel. Un voilà. Tu prends un truc pour ma copine là. Ah bah oui, bah bien sûr, évidemment. Mais évidemment. Les filles, elles ont assuré grave aussi, non, les filles, hein, quand vous même. Avez, hein. Vous avez été très très bien, les filles. Et puis après, GDF également, ils sont arrivés là. Ah oui, GDF, ils ont assuré. Hein. Ah, ils étaient pas mal. Il y a plein de messages. Il y a Pascal qui lit le jeu de cul entre Gilou et les autres. Super, à reproduire. Le prince qui dit, je vais avoir un abcès. Il a dit ça. Oui, oui, il a dit ça. Oui, c'est exactement ouais, ce qu'il a dit. Nicolas qui dit, c'est un truc de fou. Fallor Dieu, vous êtes les meilleurs. Merci à vous. Il y a Davers45 qui dit, mort de rire. J'ai la tête sous la couette tellement vous me faites de taper de grosses barres. Vous êtes des gros dingues. Il y a Jean-Michel qui avait envoyé un message, Mickaël, excellent le film. Et alors Stéphanie qui dit Gilou dans un film porno, mon rêve devient réalité. Non. Et Benjamin qui dit j'en peux plus, je suis mort de rire. Et alors Daoud Douida qui dit GDF, Gilou défonce femme. C'était le titre du film, effectivement c'est pas mal. C'est une idée, hein. C'est le plombier. Oui, exactement. Bon, ben on en refera d'autres avec d'autres idées demain. Alors, pas forcément film de boule, hein. Pas tous les jours faire un film de boule, mais on va essayer de faire ça. Chez le médecin. Oui, chez le médecin, par exemple. Pourquoi pas, ouais. Dans l'ascenseur. Les infirmières coquines. D'accord, très bien, c'est noté. Moi, j'ai déjà la nuit, en plus. Tout ça, encore une. Tu as déjà... Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Gilou? Oui. Gilou? Oui. Qu'est-ce que t'as dit? Encore une qui veut pas s'habiller, ça veut faire le rôle de l'infirmière. Non, c'est parce que j'ai la tenue, Gilou, tout simplement. Merci Gilou pour merci Gilou pour ton œil expert. Ouais. Oh, je vois tout mon gars. Bon, non, je sais pas tout, je préfère pas. Bon, ben merci Benoît, Benjamin. En tout cas, vous allez rester au standard. Je vous repasse Sandro. Merci en tout cas à vous d'être passé. Le numéro de merci les garçons, plein de bisous les garçons. Ouais. Bisous. Alors attendez, on va faire les courses. Sandra, note. Allô. Sarah veut le numéro de tu, Benoît. Tu veux le numéro de Benoît, c'est ça? Oui, alors moi je veux le numéro de Benjamin. Attendez! Calmons-nous le poulailler. Sarah veut le numéro de Benoît. Nous allons accéder à ta demande. Déborah. Moi je veux les deux. Toi tu veux les deux. Alors ah, Déborah moi, veut demande. Les deux. Il y a plus de deux. Ça se prend au quick. vous m'en mettez. Il y a plus de deux là. Deux pour Déborah. Les deux. Nancy. Benjamin. Nancy veut Benjamin. Bah oh. C'est bien comme ça, il y a Hélène qui veut les deux, et puis Hélène qui veut Benoît, voilà. L'autre qui veut Benjamin. Gilou il veut sa main. Et oui. Et aux filles, je vous file le numéro de Gilou. Et vous l'appelez si vous voulez. Ouais, ok. Là, on fait comme ça Gilou? Ah bah moi je suis partant, hein. Ah bah j'imagine bien. Il n'y a pas de problème. Très bien. Bon Sarah, c'est bon, t'as eu le numéro? Non, j'ai pas eu le numéro. Ah bon, on va te le donner dans un instant. Ah bah oui, parce qu'on est avec Nancy là. C'est-à-dire Sandro, d'habitude, à 1h50, elle est déjà en train de dormir. Ah bah elle est déjà dans sa voiture en train de partir. Hein. Voilà, alors que là, elle est débordée, ça appelle de partout. Tout le monde veut faire un film de cul ce soir en direct. Donc c'est bien. Est-ce qu'on a le droit à la drogue? Non, Gilou. Non. Qu'est-ce que tu veux foutre avec la drogue? Pourquoi? Gilou. Parce que c'est pas bon pour ta santé. C'est Gilou. Pas bien. C'est pas bien. Ton cœur va pas suivre. Voilà. Déjà avec toutes les émotions que t'as eues ce soir. Bon, Gilou. Une petite pilule bleue. Voilà, mais si tu veux, une petite pilule bleue, ça tu peux. Oui, bon, mon vieux va. Gilou, une à la fois. Une à la fois, d'accord. Gilou. Oui. À bientôt. Ah, à bientôt. Bon, bah merci Gilou d'être passé, hein. Eh, il est quelle heure, là? Là, il est 2h du mat, là. C'est l'heure d'aller dormir, Gilou. Non, eh, tu pourrais appeler une copine? Bah, demain. Demain, c'est vrai, hein. Ouais, ouais, non, mais pourquoi je vous donne le numéro en douce, oui, oui, et non, puis vous la faites marcher, vous allez vous ah, d'accord, ah, ouais, oui, bah on fera ça demain. Attends, on va prendre le numéro hors antenne ou on fera ça demain? Oui, tu prends le numéro hors antenne. Bah, je te repasse Dexter, le stagiaire. Ouais, d'accord. Salut, Gilou, hein. D'accord. Eh, hey, tu m'envoies un sextoy, là, pour moi? Un quoi? Un sextoy? Un sextoy. Tu vas te le mettre dans le cul, Gilou? Non, non, mais c'est pas pour moi, c'est pour la chatte. Ah, d'accord. Sinon, on peut te... un vagin artificiel, tu veux pas? Ou tu peux mettre ta bite et te branler avec? Oh, non, mais je préfère un... Oh, non, ouais. Ah, d'accord, ok. Bon, oh, bah, très bien. Bon, ok, parfait. Et ça commence, c'est en terre ou en quoi? Mais non, oui, c'est avec du gel à l'intérieur. En verre. En bon. Ouais, bah ça, demain, il va geler. Hein. Ça, c'est ça. Bon, Gilou. Oui. Salut à toi, Gilou. Ouais. Et les filles, alors, Sarah. Ah, merde, j'ai perdu les autres. J'ai perdu Sarah, Nancy. Allez, moi, je fais les courses et je... Ah non, mais allez, attends, salut, attends, mais je rappelle je tout le monde en direct, moi. Attends, je les rappelle attends, en direct. Sarah, elle veut le numéro de qui, hein? De Benjamin. Sarah veut Benjamin. Attends, je te renvoie. Bonjour, Sarah. Nancy. Oui. Attends, parce qu'il y, y a Sandro, elle a été un petit peu précoce là. On se croyait dans les vieux standards, c'est qu'elle mange. Bonjour, vous êtes bien sur la répondeur de Merde. Ah oh, putain, du coup, on a perdu l'autre. Veuillez me laisser un message. Je sais pas où je suis là. On a perdu Déborah là. Ah, c'est Déborah que j'ai perdu. Putain, je suis complètement paumé là. Bon, Nancy, tu voulais un sextoy toi, non? Oui, oui, oui. Parce que Sandro, elle t'a pas proposé, j'imagine. Oui, elle me l'a proposé. Ah, donc c'est bon, tout est ok? Non, les sextos, c'est géré, sauf Gilou, il en veut un ou pas? Ah, ouais. Il en veut un, ouais, il en veut un, oh là là, Gilou. Faut que je prenne l'adresse et tout. Ah, ouais. Oh, putain. Bah, bon courage. Allez. Ah, bon, bah, très bien. Bah, alors, Nancy, bah, très bien. Bah, du coup, je t'avais pas dit au revoir, c'est chose faite. Hein. Ok. Refais un petit tour si j'ai bien donné tout le. Oui, je pense. Sarah, oui, oui, Sarah, t'as bien le numéro de qui tu veux? Non, attends. Attends, on est d'accord, Gilou, je donne le numéro à personne. On a donné 06. Si, il faut donner aux filles le. Ah, mais donne pas l'antenne, Sarah. Gilou, il faut donner le numéro de Gilou aux filles. Et après, libre à elle, hein, mais... Si elles veulent. Si elles veulent, voilà. D'accord. Allô. Donc, Sarah. Oui. Donc je voulais le numéro de Benjamin. Mais tu l'as pas eu. Mais je te l'ai donné. Elle m'a donné 0650. Non, mais donne pas l'antenne, t'es à l'antenne, Sarah. Donne pas le numéro à l'antenne, Sarah. Oh là là, c'est pas facile. C'est pas. Donc, on recommence. Nancy, t'as ce que tu veux. Oui, c'est bon. Parfait. Bon, je te fais des bisous, Nancy. Tu reviens quand tu veux. Gros bisous. Gros bisous. Vous passez une petite photo. De quoi tu dis? Tu veux nous envoyer une photo? Mais bien sûr, ouais, tu veux. Avec plaisir. polo@funradio.fr. Voilà, tu peux me l'envoyer sur mon mail, Nancy, il n'y a pas de problème. Okay. Avec plaisir. C'est plus rapide sur polo@funradio.fr. Tu parles. Voilà, non, non, pas de problème, Nancy. Gros bisous. Ok, hein. Gros bisous, vous déchirez. C'est gentil, Nancy, merci beaucoup, ciao. Allô. Oui, Sarah, t'inquiète pas. Tu pourras avoir le numéro de Benjamin. Oui, alors je te repasse, Sandro, on va te redonner le numéro de Benjamin, il n'y a pas de problème, Sarah. Donc le sextoy, t'en voulais un aussi? Non. Toi, tu veux pas? Non, mais c'est quand vous allez l'envoyer? Bah là, on va l'envoyer demain, là. Demain ou après-demain, ça va partir tout de suite. Et après, je l'aurai lundi. Non. Bah, tu l'as 24 heures après, théoriquement, à peu près, quoi. À peu près. Pourquoi? C'est urgent, là? Non, non, non, non, comme je serai pas là. Ah oui, non, mais t'inquiète pas, bah, tu nous dis, on l'enverra plus tard si tu veux, c'est pas un souci. Là. Je croyais que tu voulais absolument t'astiquer tout de suite, là. Ah non, non, non, moi j'en ai un chez moi. Ah bon, bah alors très bien, me voilà rassuré. Bon, okay, alors donc, je te repasse. Benjamin pour Sarah. Voilà, Sarah pour okay. Benjamin. Tu me mets la 10, donnez-moi le 22, le 22 à Boulogne, s'il vous plaît. Bon, alors Gilou, lui, il voulait tout, il a tout. Déborah. Oui. Ah, donc tu voulais, t'as eu ton sextoy? Elle m'a donné l'adresse pour que je l'envoie les coordonnées, tout ça, très bien, parfait. Donc sextoy, c'est bon. Le numéro de Benjamin et de Benoît. T'as le numéro de Benjamin et de Benoît, c'est parfait. Benoît, Benjamin, vous voulez quelque chose en particulier parce que les filles vont vous appeler. Attention, ça va. Ça va dégainer là. Est-ce que Benoît veut le numéro de Benjamin ou pas? Benoît, tu veux le numéro de Benjamin? Non, ça ira. Là. Non, ça ira. Ouais, moi non plus, ça ira, ouais, ça ira. Bon, bah très bien, alors parfait. Vous voulez le numéro de Gilou? Non merci non plus, non, encore non, merci non plus. Ah, ouais. Très bien. Bon, c'est dommage, ça fait une présence hein, quand vous avez personne et tout, bah, vous êtes un peu seul, vous l'appelez, ça vous fait une présence. Hein. Eh Benoît et Benjamin, ouais. Eh, vous êtes pas venus, vous avez bien choisi votre jour pour passer l'antenne, hein, bande d'enculés. Hein. Ouais, ouais Mickaël. Ouais Déborah. Pour t'envoyer une photo sympathique, je peux te l'envoyer où? Mais tu peux m'envoyer ça, c'est jackpot. polo@funradio.fr. Voilà, ouais, c'est ça. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle, je sais pas si c'est l'une des trois filles. Ah, peut-être, elles n'ont pas perdu de temps alors, hein, pour le j'ai coup. J'ai pas entendu. Voilà, tu envoies ça sur polo@funradio.fr ouais. Et si tu veux mon mail, c'est mickaël@funradio.fr. Je suis simplement l'assistant personnel de Mickaël, donc je gère tout. Ouais, c'est l'assistant photo. Hein, donc polo@funradio.fr. Voilà. Pour toutes vos photos, okay. Un petit peu. T'as bien noté, Déborah? Chaude. Oui, c'est noté. Parfait. Dénudé. Ouais, Benoît. Je t'envoie ça demain. Est-ce que je peux faire une petite dédicace là? Allez, vas-y, Benoît, une personne. Allez. Vas-y, vas-y. Donc, je voudrais faire une petite dédicace à mon copain Nike, il se reconnaîtra, au Dédé, au Flav. Et il a dit une personne, Ouais, c'est vrai, mec. Putain, j'avais zappé, moi. Benoît, comment t'expliquer? C'est le film qui t'a tué, là. Ouais, complètement. T'as pas compris quoi dans une personne, Benoît? Lui, c'est un gourmand, il aime bien quand il y en a plein. Ah ouais, bon alors, c'est fini, Benoît? Je pourrais avoir un pack fun aussi. Oui, d'accord. Bah, dis donc, t'as le numéro des gonzesses et toi, tu veux encore un pack fun? Bah oui, il veut les capotes pour pouvoir les. Bah oui, mais bon. Voilà. Oh là là, je vous jure, je vous jure. Je vais faire une petite dédicace. Bon, allez, vas-y, Déborah, en speed. Eh ben, juste en speed, c'est à toi et à toute l'équipe de Fun Radio. Vous êtes géniaux, vous nous faites taper des barres tous les soirs. Oh, oh merci, Déborah. Et aux deux garçons et aux deux filles aussi avec qui j'ai fait le scénar. Oui, ouais. Très bien, très voilà. Bien. Bah voilà. Je me suis amusé moi aussi. De quoi, Benjamin? Ah, je me suis amusé moi aussi. Ah bah j'espère bien, nous, c'est bien marrant aussi, effectivement. C'est que le début, on va s'amuser encore. Salut Benjamin. Ouais. Salut. Ciao. Et justement, Déborah, toi t'aimes bien les Benjamins, visiblement. Pourquoi? Bah je sais pas, comme t'avais 29 balais et qu'eux sont plus jeunes, c'est pour ça que j'étais surpris que tu voyais les numéros des. Le numéro des deux. Ah mais moi on m'appelle la Cougie en fait chez moi. La Cougar. La Cougie. La cookie. Encore assez vieille. Ouais, bah oui, 29 balais. D'accord, ok, très bien. Bon, voilà. Bah Déborah, bah écoute, on attend la photo avec impatience. Je t'envoie ça demain, il n'y a pas de problème, mon Lucas. Pas de problème. Bon, bah gros bisous. Hein. Bisous, bisous, bonne soirée. Salut Déborah. Ciao à toi. Et bah voilà, je pense qu'on va dire au revoir à tout le monde. Hein. Oh mon dieu, je suis claqué. On notera quand même que. Gilou demandait si le god était en terre. Oui, en terre, oui. Quoi. Le mec est complètement à l'ouest. C'est énorme. Est-il en terre? C'est la question qu'on peut se poser. Et mais, ça, c'est quand même pas mal. Mais sinon, moi, j'ai envie de dire, faisons-lui une belle poterie et on lui envoie. Ouais, c'est une idée. Et je tiens quand même à dire que c'est quand même assez exceptionnel parce que en top tweet sur Twitter, l'âne bande chez Mickaël est devant Mickaël. Et ça, je trouve ça beau. Bravo à l'âne bande chez Mickaël. C'est parfait. Il y a Stéphanie qui dit adresse de Gilou, c'est après le tas de fumier. Oui, c'est vrai. Il avait dit. En plus, c'est vrai. Mickaël, je suis mort de rire dans mon camion. Et Gilou, qu'est-ce qu'il est bon. C'est Steven du 7-2. Il y a Monsieur Trey HD qui dit aussi j'en pleure, bande de malades. Là, comment dormir avec vous, Patrick? Vas-y, il faut pas dormir. Patrick, il dit ou les ambulanciers bien hard également. Let's be free. Je suis plié de rire. Merci, Gilou. Et Damien qui dit un vrai film de Marc Dorcel. Lol. Et Léa également qui dit j'en peux plus. Je suis plié. Mort de rire, Mickaël. Ça va être magique. Et Cyrielle qui dit aussi peut-être rire. Je suis mort de pleurs de rire. Vous êtes trop con, je vais réveiller mon frère, il vient de me défoncer. Voilà. Ouais, bon, après, c'est pas grave non plus. Hein. Ah, il y avait Neivik aussi. Neivik. Oh, on t'a oublié. Oui, allô. Ah, on n'a pas eu le temps, là, Neivik, comme t'as pu remarquer. Hein. C'est pas grave. Ah, bah, ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire, Neivik? Ouais, moi, c'était par rapport à ma nana, en fait. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ben, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous. En fait, il y a des fois, bon, ça va normal comme un couple, tu vois. Ouais. Et en fait, dès que elle va voir ses potes ou etc., j'existe plus. Et en plus de ça, quand moi je lui parle, c'est en fait, elle m'envoie chier, elle me parle comme un chien, et je suis en gros le mec qu'elle déteste le plus au monde. D'accord. Ça a l'air sympathique comme programme. Ce que je propose, c'est qu'on en parle demain soir 23h. Ouais, ok, pas de problème. On te rappelle et bah, si au besoin il faut l'appeler, y a pas de problème. En plus, on aura plus simple de l'appeler à ce temps-là. Ouais, ce sera plus simple. Ouais. Bah écoute, faisons comme ça alors, nickel, impeccable. Ok, bon, nickel. Bah Neivik, on te rappelle demain, d'accord? Ouais, ok. Ça je peux faire une dédicace? Allez, bah vas-y, hein, mec, pas de problème. Ouais, je fais une dédicace à Léana, là. Elle m'écoute, je pense, donc. Très bien, et bah le message est passé. Bon, on te récupère demain, alors, sans problème. Ok, pas de problème. Salut Neivik. Ouais, salut. Ciao, bye bye. Eh bah voilà, une bonne chose de faite, là. Ouais. Oh, je suis claqué. Bon, top tweetos pour terminer. Il y aura le générique aussi là. Alors, c'est parti. Alors, numéro 5. Angelina. Allez, vu le nombre de tweets qui sont tombés ce soir, là, je pense que le classement a peut-être dû bouger. Numéro 4. Alexou. Bah, déjà, Angelina et Alexou étaient pas là tout à l'heure. Donc, déjà, ça a bougé. Numéro 3. Fred S. Qui était pas là non plus. Numéro 2. Cédric. Qui était là déjà en deuxième place. Et numéro 1. Let's Be Freaks, évidemment. Qui est de retour en pleine forme. Bon, Let's Be Freaks, on va quand même filer au numéro 2 alors le cadeau. Ouais. Parce que bon là t'as quand même déjà gagné deux fois de suite. Donc ouais, comme ils sont souvent premier et deuxième, demain on finira au troisième. Et puis on va finir au dixième, tu vas voir. Oui. Ça va être bien. Bon bah très bien. Bon, générique de fin là. Ouais. Je sais pas si on oublie des trucs ce soir, on verra bien. Si on oublie, on verra demain. J'ai toujours une place pour le Star Floor si une fille veut m'accompagner. Oui, c'est vrai. Mais apparemment, elle ne se presse pas sur mon. Mais c'est étonnant. @funradio.fr. C'est bizarre. Allez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es tellement cette femme de l'enculé. Ton cul comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Cule ton oncle, t'es un enculé. Allez vous faire faute. Mais on vient manger quand t'encules ton oncle toute la journée. Épilez vos poils de cul. Oh grosse pute, qu'est-ce que c'est ce truc? Écoutez mon con, mon ami. Et je vous emmerde, je vous exècre. Déséquilibré. Ton cul, toi, ta mère, ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe ici? Épilez vos poils de cul. Quel cochon. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Allez vous faire faute. Oh, grand sûr, putain, qu'est-ce que c'est ce truc? Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Épilez vos poils de cul. Mais de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitofs de sucre, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui, oui, tous les deux, on est des enculés. Merde. Polo s'est étouffé. J'ai gardé la fin. Il est en train de crever derrière là-bas. J'ai tué la fin, dis donc, c'est dommage. Merci Lilou. Oh mon dieu. Bon, on se retrouve demain 23h pour la dernière de la semaine. Ah bon, c'est bien marré ce soir. Hein. Oh, on était pour les biens. Ouais. La folie totale. Bon, bah demain soir, on revient dès 23h sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No limit. Sur Fun Radio. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'en connais un qui a une vanne pourrie à nous faire. Alors, il rigole. Ouais, mais avant toute chose, j'ai complètement zappé et je m'en excuse. Ouais, c'est à la demande de JB. Ouais. JB, c'est pour toi. Oh là là. Bouge ton corps, JB. Cadeau, JB. Move your body, motherfucker. On va le passer tous les jours? Oui. C'est ton générique. D'accord. Le son dance. Floor. C'est plus de 40 minutes de son dancefloor non-stop sur Fun Radio. Je suis tombé dans un monde magique et j'étais pris de panique. Mes dents étaient tombées, mes cheveux avaient repoussé. Alors j'ai tout compris et je me suis dit... C'est le nouveau Jean-Pierre Sauzet sur Fun Radio. Au pays des merveilles, le grand lapin blanc, je ne crois que ma merveille. Allez! Allez, attention, Jean-Pierre Sauzet en direct. J'avais oublié mon fusil dans le coffre de ma Ferrari. Heureusement, j'avais un chou-fleur, c'est utile en cas de malheur. J'avais un chou-fleur. C'est alors que j'ai remarqué qu'un gros steak a caché pendant mes habits. Et je me suis dit. Et attention, ça monte, allez, Jean-Pierre Sauzet. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelet est fou. Et les orteils, je suis Jean-Pierre, au prix des merveilles. Le grand lapin blanc veut croquer ma merveille. Fun Radio. Fun Radio. C'est l'émission de JB là. Ouais. Plus alors. 166% d'audience. Épilez vos poils de cul. Épilez vos poils de cul. Allez vous faire faute. Épilez vos poils de cul. Au pays des merveilles, le sang lapin blanc veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier fou veut me croquer mes merveilles. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier blanc veut me croquer la merveille. Et là, on t'est mis dans les îles. Eh, découverte JB, les gars. Ah ouais, ouais bravo. Franchement, merci. Quelle oreille, mais quelle oreille. Quel talent, quel homme, talent. Je vais proposer à Jérôme, on va le jouer. Ah bah, il tourne déjà. Hein. Il tourne. Ah ouais. Je suis Jean-Pierre. Oh, ouais. Je suis dans la fun list. Numéro 3. Pas encore numéro 1. La folie totale. Ah ouais, il y a même le. D'accord. Ah, il y a le hook et tout. Hein. Attention. Non, c'est la folie totale. Voilà. Donc notre ami JB qui depuis qu'il est numéro 1 là, se la ramène un peu hein, la nuit. Non, non, il est numéro 1 en France. Hier, il s'était les auditeurs, vous avez vu, ils s'en branlent maintenant de votre gueule maintenant qu'il est numéro 1. Des auditeurs ont demandé que JB passe Jean-Pierre Sauzère et pff, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Franchement, c'est pas bien ce que tu fais, JB. Parce qu'il s'en bat les couilles de votre gueule. Il a des lunettes de soleil, il roule en Ferrari maintenant, monsieur. Qui êtes-vous d'ailleurs? Mais depuis qu'il est numéro 1, il s'en bat les couilles. Ah ouais, c'est plus le même homme, c'est plus on le même dirait homme. Dexter le stagiaire. Il s'en bat les couilles. C'est un truc de dingue. Il s'en contrefou. C'est la folie totale. Ne me parle pas d'ailleurs. Il y a le prochain qui dit il a vraiment sonné à sa porte tout à l'heure, Gilou. Ah oui, il a vraiment fait. Hein. C'est vrai de vrai. Bon, plein de messages. Grave, Gilou. Super la chanson de Jean-Pierre Saussaire. Let's Be Freaks. Il dit ouais, double TT ce soir. LAN band chez Mickaël. Et puis le Mickaël standard, évidemment. Hein. Bon, bah, très bien. Bah, merci beaucoup. En tout cas, on s'est bien marré ce soir. J'espère que vous aussi. On remet le couvert demain. Attention, demain, on fera encore un. Là c'était un apéritif ce soir. Donc demain on fera encore un petit film. Bon, pas un film mais plutôt une un porno. Merde. Non, c'est pas ce que je veux dire. On sort les rames là. Un scénario. Pas un scénario. Une série. J'ai oublié le nom que je voulais. Non, je cherchais un nom particulier. Une impro. Ouais, exactement. Ah, bravo. Une ligue d'impro, voilà, on fera un thème, tout ça, tout bordel. Donc demain soir, la ligue blague. D'impro et ou pas. Bah je sais pas, il se marre depuis tout à l'heure. Est-ce vraiment indispensable pour tous les fans de JB? Vous savez que... Allez, vas-y, lâche-toi. Silence, c'est la vanne de JB, silence. Mais c'est pas une vanne. Il y a Marc Dorcel, vous savez, qui avait proposé des vidéos gratuites de porno en cas de qualification de l'équipe de France. Ouais. Et un pote, évidemment, m'a inscrit. Et j'ai reçu le mail, ça y est, de validation avec le code promotionnel. Alors, il y a au choix... Il rigole. C'est pas moi qui vais dire ce que je vais dire là. Non. Anal Football Club. Tu veux que je le lise à ta place et j'y vais? Ou Folle de Foutre. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ça. Folle de Foutre c'est pas mal. Voilà, avec le code FRAUKUKR. C'est bien, comme ça tout le monde va télécharger maintenant, c'est bien. À partir de demain minuit. Ah demain, bon bah très bien, alors c'est parfait. Bravo. Parfait, impeccable. Épilez vos poils de cul. Voilà. Bon, on va se quitter avec un peu de son. Ah bah d'abord, faut dire que la France attend Bruno. Oui, la France attend Bruno. C'est dès pas demain que matin, le mec. 6h. Dès demain matin, 6h sur Fun Radio en pleine forme. 5h59. Exactement. Allez, on se quitte. Avec un. Ah non. J'y vais, on peut plus. Courage JB, courage. Ne nous impose pas tes petites merveilles. C'est scandaleux. Non. Point trop d'info. C'est là qu'il y a le sous-chef et le sous-chef demain qui vont écouter le moment de la fin d'émission. Je vais se dire mais qu'est-ce que c'est trop du cul de connard de leur race là. Oui parce que c'est pas vous qui prenez, c'est moi hein. Ah mais justement. Ouais c'est marrant hein. T'as remarqué bien, aussi. C'est ta tranche mais c'est pas la mienne. 2h, 6h c'est à toi. Et il est numéro 1 sur cette Allez. Tranche. Ouais. Je laisse un dernier couplet et après je m'en vais. Tel un prince. Tel un prince. Ah ouais. Oh merde, le stagiaire il me l'a coupé. Ça c'est chiant. Oh, des merveilles, le chapelier fou, viens me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles, le grand lapin blanc veut me croquer ma merveille. Allez. Heureusement j'ai un chou-fleur, ça m'aide en cas de malheur. Exactement. Allez, on se quitte. Rendez-vous demain. Ah bah bien sûr. Allez. Now this right here is what we call welcome to Miami. But tonight, we just gonna call it fiesta.